Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 15. Avant de commencer cette émission, je vais procéder au rappel traditionnel. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse email à démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. L'adresse email, bien sûr, vous permet de nous poser des questions, de nous suggérer des news que vous avez pu trouver sur Internet, ou bien tout simplement nous interroger sur tel ou tel point. Vous pouvez aussi, nous vous y invitons, nous soutenir financièrement, puisque vous savez que Démocratie Participative est un média qui est uniquement, exclusivement financé par ses lecteurs et auditeurs, ce qui nous permet une très grande marge de manœuvre éditoriale, vous le savez. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en nous faisant un petit don exclusivement en crypto-monnaie. Tout est expliqué sur le site sur la partie droite. Nous utilisons la monnaie, la crypto-monnaie Monero, qui garantit l'anonymat à la fois de l'expéditeur et du destinataire du don en question, ainsi que son montant. Donc, la meilleure crypto pour se protéger. Alors, je vais maintenant procéder à la présentation des membres de cette semaine. Je vais commencer avec Pierrot. Comment vas-tu, cher Pierrot, après une semaine supplémentaire de confinement ? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Écoute, la routine, hein, on est confinés, on se fait un petit peu chier. Moi perso, pour passer le temps, bon, je lis le forum, je rigole bien, voilà. Et puis là, je vais en profiter pour souhaiter quand même joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Oui, tout à fait, et bonne fête à Fulbert aussi, hein, qui a reçu les félicitations de tous nos membres enregistrés sur le forum de Démocratie Participative. Sans transition aucune, je vais poursuivre avec Fulbert. Fulbert, comment vas-tu ? Fulbert va bien, merci Gandalf, bonjour à toi et à tous, et merci à ceux qui m'ont souhaité une bonne fête. Eh ouais. MacDav est aussi avec nous cette semaine, salut MacDav. Salut Gandalf, salut les amis. Pas trop pesant ce confinement, MacDav ? Le zèle de la marée chaussée et des PNJ et des boomers commence à furieusement m'exaspérer. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Est aussi présent avec nous cette semaine notre cher Diabolix. Salut Diabolix, toi aussi confiné, hein, par la force des choses, comment ça se passe de ton côté ? Salut Gandalf, bonjour à tous. Ça se passe merveilleusement bien. J'ai la chance d'avoir un grand jardin, donc j'en profite. Et puis surtout, comme la France ressemble de plus en plus à Haïti à la Belle Époque, je me permets de souhaiter une excellente semaine à Emmanuel Duvalier, Papa Doc et les tontons Macoute qui sont dans les rues en train de contrôler le peuple pour ne pas qu'il se révolte. Alors tu parles de la France ou bien d'Haïti là ? Je suis pas tout à fait sûr. Excuse-moi, mais vu la situation actuelle, je crois que la France ressemble de plus en plus à Haïti. Oui, c'est pas faux. Et enfin, son éminence, le cardinal de Négrolatrie, dont l'autorité spirituelle, comme vous le savez, n'est pas contestée. Derek, comment vas-tu, cher Derek, après une nouvelle semaine de confinement ? Eh bien, je me fais sévèrement chier, cher Gandalf, comme je pense beaucoup de nos auditeurs. Oui, voilà, ça me gonfle. Je vais reprendre Pierrot, par contre, qui a souhaité joyeuses fêtes de Pâques à tout le monde. Tout le monde, oui, mais pas les Juifs, parce que les Juifs font leur fête de Pâques Oui. dans lesquelles ils utilisent du sang de nourrissons goy, dont ils ont extrait, bien entendu, le sang par leur crime. Donc, Oui, non, oui. pas de bonne fête de Pâques aux Juifs. On invitera nos auditeurs à se reporter sur notre émission numéro 13, donc pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, où nous nous sommes longuement penchés sur le cas des crimes rituels juifs au Moyen-Âge, sur la base d'une documentation solide, comme nos auditeurs s'en rendront compte. Vraiment, j'y insiste, vous apprendrez des choses. Alors, messieurs, rubrique numéro 1, réponse des auditeurs, nous avons reçu des courriers qui sont des courriers relatifs à ce qui se passe, l'activité soit du site, soit d'émission. Shalom, les camarades. J'ai fait votre découverte en 2018 dans la presse juive lors de l'assignement en référé des opérateurs télécoms français pour faire bloquer DP. Suite à cela, il ne m'a pas fallu longtemps pour remettre à l'heure de Berlin mes pendules antisémites qui, je dois le dire, évoluaient dans un univers parallèle. Ayant la chance de ne croiser des nègres que quelques fois par an et ayant toute liberté de m'exprimer au sujet des chambres à air sans craindre de me voir poursuivi. Vous ne venez donc que je ne vis ni en France, ni dans le monde occidental. Évidemment, le fait d'être ainsi privilégié pourrait m'inciter à me soustraire à la solidarité raciale, mais 30 secondes de visionnage d'une interview d'Alain Jakubowicz, où il nous dit Jakuba Auschwitz, ou de Frédéric Gazizia, Gazizia, hein, je précise hein, ce qu'il me dit, me font rêvasser au jour où le doux fumait. Bon, je passe les détails parce que. Ouais. Cette vision, je pense ne pas être le seul à la partager, à la traverser les lieux et les âges au fur et à mesure des déménagements du peuple élu. Ainsi, malgré mon éloignement, je souhaite participer à cette noble cause universelle dans l'espace et dans le temps, et je me suis convaincu que l'aide la plus efficace est le transfert de Shekel. Voyant la magnifique réalisation de ELB, donc Europe Écologie Les Brins, hein, un nouveau mouvement qui gagne à être connu, je dois dire que je ne regrette pas les monéros que j'ai investis pendant les mois précédents. La libre parole qui peut y être délivrée, j'espère, participera à l'éveil de beaucoup de jeunes blancs qui auront les moyens matériels en France et ailleurs de donner à nos amis de la tribu l'urgente envie de changer de nom, de pratiquer la chirurgie esthétique et écrire des journaux intimes à défaut de pouvoir déverser leurs immondices dans les médias. Une fois cette tumeur du cerveau en rémission, nos amis macaques et barbus comprendront d'eux-mêmes que dans un monde réellement organisé et dirigé par des blancs, ils n'auront d'autre perspective que de disparaître par sélection naturelle ou de rentrer en Afrique. Là où, comparativement, il leur restera tout de même un reliquat d'éducation leur permettant de se hisser plus haut que la moyenne. Tout ceci pour vous signifier que vous avez des camarades qui, à défaut de ne pouvoir participer à la lutte sur le sol, vous feront parvenir des chèques. N'hésitez pas à partager vos idées de projet, cela renforce notre motivation. Allez, les goyim, et c'est Choupi Houtspa qui nous envoie donc ses encouragements. Ben, merci. Voilà, on peut peut-être faire du coup un petit tour sur le forum. Ça fait une semaine à peu près, une semaine, 10 jours, je compte pas, mais une dizaine de jours que c'est ouvert, et on a 900 membres enregistrés, je crois. Ouais, 900 membres beaucoup qui sont en ligne, quoi, souvent. Même le soir, oui, on avait plus de 50 personnes à minuit, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. C'est pas mal, faut 50 tout le monde ne inscrits, hein. s'inscrit pas. Tout le monde ne Oui, s'inscrit pas. 50 inscrits connectés, et bon, le reste, c'est 4 ou 5 fois plus. Donc, ça, pour les stades début de nuit, quoi. Donc, Moi, j'ai vu des moments, il y avait jusqu'à 70 Ah, utilisateurs enregistrés en 75, ligne. Ouais. ouais. Ouais, Bon, plus écoutez, tout. bah, l'idée, de toute façon, c'est pas non plus. Enfin, si, plus il y a de personnes, mieux c'est. Mais bon, c'est sûr qu'on va pas avoir 100 000 personnes enregistrées. Mais si on pouvait avoir quelques milliers d'enregistrés pour quelques centaines d'actifs qui alimentent la discussion et qui ajoute, comment dirais-je, à la réflexion, bah, ce sera bien, mais bon, c'est bien, ça prend une bonne direction. Je suis après 10 jours, je trouve Alors, que. le guide des villes est super, hein. Ah, super, ah oui, moi j'apprends Ah, des la trucs. Hein. rubrique, ça, c'est. C'est Là, super et c'est utile. il y a la matière. Ah, oui, c'est. Non, mais voilà, ça s'est fait en quoi, une semaine, là Ouais, une semaine. C'est déjà bien fourni. Hein. Oui, à recommander d'ailleurs, chers auditeurs, si jamais il y a des gens autour de vous qui se demandent à quoi ça ressemble dans tel ou tel coin, bah, vous savez vers quoi les renvoyer. D'ailleurs, on a dans cette question du guide racial des villes, il y a des gens qui ont pointé vers deux sites officiels, c'est les sites qui recensent ce qu'on appelle les quartiers difficiles, vous savez, qui sont classés par niveau de difficulté sociale, entre guillemets. Et je crois même qu'on peut évaluer les zones, mais j'ai pas été voir par moi-même, mais j'ai vu des discussions de cette nature sur le forum. Et on voit qu'en fait il y a des trucs, parce qu'on peut voter, je crois que sur un des deux sites on peut voter pour évaluer la qualité de vie de tel ou tel quartier dans telle ou telle ville de France. Et il y a des gens qui disent, bah moi je suis de ce coin-là, je connais le quartier, c'est un trou à rats, c'est rempli d'Africains, de Maghrébins, c'est l'enfer. Et quand on regarde les évaluations, c'est surcoté, etc., avec des commentaires très emphatiques, et dit ça sent le promoteur immobilier en train d'entuber son monde, vous voyez. Et là, y a des choses à creuser. Donc, j'ai appris des choses comme ça, donc je vous invite vraiment à consulter le guide racial des villes, effectivement, et surtout à y contribuer. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire connaître les charmes, les spécialités de votre commune d'appartenance ou de commune que vous connaissez bien, bah, allez-y, quoi. Sinon, quelqu'un d'autre peut-être sur le forum, enfin je sais pas, je veux dire comme c'est tout nouveau, enfin qu'on a lancé ça, je sais pas si vous avez envie de préciser quelque chose. Pas particulièrement. Non, pas par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, voilà. Restez courtois entre vous, c'est oui. Plus facile pour la modération, et puis pour la lecture, pour tout le monde, quoi. Il y a un film qui t'a fait beaucoup rire, je crois, c'est sur les Bretons. Oui. Qui était comparé, je crois, à des Mongols, hein, j'avais cru comprendre. Donc des gens d'Asie centrale, j'ai cru comprendre. Bon, je ne sais pas, c'est audacieux comme piste, mais voilà. Enfin bon, les discussions vont bon train. Il y a des personnes qui s'amusent, on va dire. Alors, messieurs, rubrique numéro 2, courrier des lecteurs. On rentre dans le vif du sujet. Courrier numéro 1. Chers démocrates, confinés dans l'ouest de la France, ne supportant plus d'être assigné à résidence pour une menace fantôme diffusée en permanence et surévaluée par les médias de masse, je me suis tiré de mon cube en béton, clapier d'ilote donc. Voilà un auditeur qui en a plein le cul hein, de son confinement et qui s'est échappé. Il s'est échappé de chez lui, voilà, parce que maintenant quand on sort de chez soi, on s'échappe. Hein. Sur le chemin, j'ai croisé deux déglingos, un demi-schizo pinguino-libanais en anorak alors qu'il faisait 24 degrés. Le festival ne faisant que commencer. 100 mètres plus loin, j'aperçois une baleine de terre échouée lamentablement, bien loin de son océan de Coca-Cola. Elle se frottait sur le goudron en hurlant comme un putois possédé par le démon, le tout au milieu de la route. Énorme HP à proximité, il les déleste littéralement dans la nature, c'est merveilleux. Le confinement, l'attestation, les hélicoptères et drones de la gendarmerie, la prune, ce n'est que pour ta pomme, Goy. Dans les faits, on balance dans la nature en masse tolards et malades mentaux. Après quelques minutes de marche, croisant un terrier de cafards rhum sur un passage, près d'une déchetterie, leur biotope naturel, je me pose près de la rivière, là où il n'y avait vraiment personne. Le doux murmure du vent dans les arbres, le chant harmonieux des oiseaux et l'absence de bruit parasite me permet de méditer sur ma condition actuelle d'ilote et les alternatives pour enfin en sortir. Soudainement, un bateau à moteur finit par passer avec des bobos dedans. Merci pour le bruit et l'odeur de gazole dans un coin verdoyant, bande de salopes parisiennes en marinière de mort. Cette simple promenade m'a confirmé ce que je pressentais. Ce confinement est une farce. Ce pays, dans son intégralité, est une farce. Il n'y a rien à sauver ici. On ne réanime pas un cadavre en état de putréfaction avancée. Je me posais la question avant le fléau de me tirer de cette fosse à purin républicaine. Dorénavant, c'est une certitude établie. Je ne souhaite pas raquer pour enflouer les fonds que la République socialo-LGBT salafisto-compatible ventile partout en ce moment. Ce sera sans moi, surtout avec une inflation à deux chiffres. Et c'est signé Zaza Cohen du Grand Orient, qui en a gros sur la patate. C'est le moins compliqué. Excellent. Alors, messieurs, est-ce que vous communiez avec Zaza, qui en a... Je communie, je communie. Superbe. Absolument. Bon, c'est une rencontre des esprits. Je ne sais plus comment c'était quoi la formule, mais... Une incroyable rencontre. Une incroyable rencontre des esprits. Qu'est-ce que vous voulez dire, soit à notre auditeur ou simplement vous, en entendant ça, quoi? Bah écoute, moi je me suis fait exactement la même réflexion. Je sens que la faune a changé. Alors on parle du retour des canards, des baleines bleues, je ne sais quoi. Mais moi ce que je constate surtout, c'est... Bah, les rues sont certes désertes, mais j'ai jamais croisé autant d'animaux bizarres, d'humanoïdes que je n'ai jamais vus auparavant. De toutes races, il faut le dire. Bon, évidemment beaucoup de cafards, beaucoup de métèques. Mais même des blancs. Ouais. Je vois des white trash, et je me demande d'où ils sortent. Je les ai bah, des égouts. Hein. Des limbes. Des limbes. Ah. Oui, des égouts, des limbes, ouais. Ça traîne, ça va dans les supérettes encore ouvertes pour acheter des 8-6 4 fois par jour. Pourquoi 4 fois par jour? Simplement manque de crack. Je pense qu'ils en ont rien à foutre, en fait, tout simplement. Et puis... Non, j'avais cru à un moment qu'il y avait un rationnement sur l'alcool, mais j'y crois pas tellement. Voilà, ça. Ah, moi non plus. Hein, ouais. Ah, non, il y a une préfecture qui avait fait ça, le préfet libanais. Là, ouais, ouais. Ça a duré même pas 24 heures. Ouais, même pas 24 heures. Le soir même, le type a dû recevoir des menaces de mort de partout. Et le type devait déjà charger les douilles. Bon, ouais, dans l'Aisne, quoi. C'est dans l'Aisne, ouais, effectivement. Ah ouais, en plus, là-bas, c'est faut pas semblant, quoi. Ouais, c'est un département connu pour sa consommation d'alcool, effectivement. Bah, imagine, t'es enfermé dans un clapier avec ta femme. Bon, je veux croire que beaucoup de nos auditeurs ont des compagnes charmantes, mais il y en a quand même quelques-uns, proportionnellement, statistiquement, vous voyez, qui n'ont pas cette chance et qui très très vite, n'en peuvent plus, quoi. Alors si en plus on leur coupe le digestif, ça peut effectivement mal se terminer. D'ailleurs, le nombre de violences conjugales explose, hein. Alors je sais pas s'il y a un sursignalement, parce que je veux dire, il y a peut-être un effet comme ça, une illusion d'optique, mais les femmes sont particulièrement insupportables. Et les hommes souffrent. Disons qu'elles sont insupportables, enfin la plupart hein, sont insupportables. D'accord qu'il y a des femmes très bien, il n'y a pas de... Hein. On généralise, mais il y a des cas particuliers, on va dire. Hein, c'est voilà. Ça, tout à fait. Hein voilà, mettons le disclaimer maintenant, allons-y. Oui. Donc oui, la plupart des femmes, effectivement, sont chiantes à mourir. Elles se mettent devant Netflix à bouffer de la glace, elles ne savent rien faire. Ça, c'est l'évidence. Donc, ah oui, et puis ça t'engueule. Donc là, d'habitude, tu peux aller faire... Tu vas faire du sport, tu te barres, tu vois, quand ça t'emmerde, tu te barres. Là, tu peux pas te barrer. Tu peux même pas aller marcher un peu plus d'une heure, plus d'un kilomètre de chez toi, uniquement parce que ta bonne femme te fait chier. Parce qu'il faudrait faire, c'est... kilomètre, c'est rien, quoi. Vous rappelez de ce reportage? Je te rends parole, mais juste pour... Parce que pour comprendre un peu dans quel univers parallèle on évolue à présent, vous vous rappelez de ce reportage? Je crois que c'était de la rue, mais peu importe. Vous avez un gars, mais qui est vraiment victime de sa femme. C'est que oh sa putain, femme, oui. Elle gueule comme midi, c'est midi. Voilà. Et tu sais, le type, on lui dit, bon, allez, je t'ai dit d'aller chercher du pain. Alors le mec, il a le droit d'aller acheter du pain. Il s'arrête, évidemment, il prend un petit demi, putain. Il revient chez lui, il prend une putain de dégelée avec sa femme, bref. Le problème, c'est que ça, c'est la nouvelle condition des hommes en France. Aujourd'hui, au moment où je parle, hein, c'est ça. C'est-à-dire que les types ne peuvent pas sortir de chez eux sans autorisation. Ils sont avec la... C'est... Bon, ça nous faisait marrer, mais on y est, hein, je veux dire. On y est, hein, les gars. Je veux dire. Ben, ils ont essayé de nous fourguer le vivre ensemble avec les bougnoules. Maintenant, c'est le vivre ensemble en couple. Alors, c'est très chouette. Parce que, comme Derek le disait si bien, il y a certaines nanas qui savent absolument rien foutre. Mais il faut surtout qu'elles continuent à rien foutre. Parce que j'ai un pote, sa gonzesse s'est mis dans l'idée de faire des pâtes. À ton avis, les pâtes, elles ont atterri. Je te garantis que c'est pas une blague. Les pâtes ont atterri. Elles sont atterri. Ah ouais. Dans la friteuse. Parce que faut bien se rendre compte, les gonzesses. Faut les faire durcir en ce moment. C'est bon. Avant, c'était élevé au grain. Maintenant, c'est élevé chez McDonald's et chez KFC. Autant dire que les connaissances culinaires de Bobonne, c'est proche de zéro. Alors, la question, c'est pas est-ce qu'elles vont faire quelque chose, c'est dans un intérêt essentiel à la survie, surtout qu'elles ne fassent rien, parce que sinon tu vas te retrouver dans ta sauce à spaghetti bolognaise avec la bouffe du chien. Et comme généralement c'est quasiment 100% du végétal, ça va vraiment être infect. Disons Donc, qu'avant le ça fait quoi, confinement, ça? avant le confinement, au moins, peut-être 8 heures par jour, on avait quelqu'un qui portait le fardeau à notre place, quoi. Les nanas, elles partaient pour aller, je sais pas, bosser, faire des trucs de gonzesse. Et donc, on avait un petit peu de monde libre. Et maintenant, on se rend compte qu'on partage quelque chose avec les féministes, c'est l'histoire de la charge mentale. Maintenant, les mecs, ils ont une charge mentale à la maison, c'est leur bonne femme, quoi. Sans Ouais, moi je doute, suis charge persuadé qu'il auditive. là. Il va y avoir des nanas bien intentionnées qui vont aller chercher des herbes aromatiques dans le jardin, qui vont ramasser de la ciguë, il va y avoir des morts, hein, j'en suis persuadé. Ça a déjà dû arriver, ça, non? J'ai mis du fenouil avec le poisson, pff, allez hop. Oh, on classe ça mort Covid et puis c'est terminé, hein. Ouais, faut déjà que les femmes aient un jardin. Oui, non mais la ciguë, ça se trouve un C'est petit peu. déjà l'élite, hein. C'est déjà l'élite des femmes. Ouais. Tu vois, Derrick, hein, ça va vite, hein. T'es déjà arrivé sur l'élite, là. Oui, c'est déjà. Il nous faut absolument un indice statistique sur les engueulades concernant la position des lunettes de WC et les chaussettes qui traînent. Ah, obligatoire, ça. Ah ouais, oh non, mais non, y a des hommes qui souffrent. Faut penser à eux quand Ouais, même, hein. attends, des chaussettes? Je veux dire, une trace de dentifrice dans un lavabo, c'est largement suffisant, hein. Alors oui, alors les excuses pour embrouiller. Ah bah les femmes en ont Ah, des milliers. Dire, la un couleur bon des millier, rideaux n'est ouais. pas la couleur des rideaux n'est pas sortie au canapé. C'est déjà un problème si tu veux. Oui, en plus Moi c'est les rideaux de j'ai ta déjà eu mère, une alors voilà, encore bon, voilà. j'ai déjà eu une engueulade parce qu'une porte à l'intérieur de l'appartement était ouverte au lieu d'être fermée, ou l'inverse, je sais plus. Voilà, pour vous dire le niveau quoi. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est un moment difficile pour les hommes français dont la vie n'est pas simple tous les jours, déjà pour commencer, je veux dire, hein, bon. Mais en ces temps de dictature sanitaire, macrono, je sais pas quoi, là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Je sais que les hommes blancs sont des surhommes, surtout au plan psychologique, mais là, ça fait quand même beaucoup, même pour des surhommes, hein. Ça fait quand même Ouais, beaucoup. et tu sais, je crois que c'est un truc que les féministes écolos n'ont pas compris, mais la plupart des mecs, quand ils vont à la chasse ou à la pêche, bah c'est juste pour échapper à leur bonne femme. Hein. Ben, bien sûr. Ah oui. Mais bon, et c'est bien la preuve que bah voilà, le foyer, bah c'est le domaine des femmes. Alors quand elles sont capables de faire des choses correctement, c'est bien. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Mais je veux dire, mettre les bonhommes 24 heures au foyer, tu vois, c'est comme foutre les femmes 24 heures à l'atelier, quoi. C'est pas possible. Forcément, ça crée des frictions. Chacun dans son domaine de prédilection, et les vaches seront bien gardées. Tout à fait. C'est une bonne appréhension de la chose. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette expérience sociale inédite, hein? Je veux dire, on a quand même enfermé chez soi la totalité du monde occidental. Ça fait quand même plus d'un milliard de personnes qui sont interdites de sortie. Je veux dire, c'est inouï. Je pense qu'il y aura des études, hein, qui seront faites, hein, a posteriori. Hein, ça, c'est même certain. En grand nombre, hein, il y aura toute une littérature scientifique là-dessus. Je suis sûr qu'on va découvrir des choses. Hein, ça promet d'être intéressant. Bon, si. Non, pas spécialement. Pas quelque chose qui vous. Qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Je veux dire. Genre, les bulletins d'information à 13h, vous savez, pour le truc plan-plan des familles, là. Qu'est-ce qu'ils racontent aux gens? Alors moi je vais te dire, Macron a tweeté toutes les 8 minutes vous sauvez une vie. Donc Voilà, voilà. après avoir fait peur, après avoir terrorisé les gens avec une épidémie qui est quand même, je veux dire, enfin, qui tue, on va y revenir, mais très peu de gens et des gens qui allaient crever dans l'année quoi qu'il en soit. Donc après avoir fait peur, tu flattes et tu Tu dis Comment dire, merci, quoi. tu. Vous êtes oui, un héros. Voilà. T'es un héros en restant oui, chez toi, ça. Bravo. Tu souffles le chaud et le froid, dire comme un vulgaire vendeur. Tu vois, un vendeur, il va faire ça, tu vois. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid. Bah, il fait la même chose. Vous sauvez une vie toutes les 8 minutes. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, quoi. Je veux dire, ça me rappelle un peu pour sauve faire une le... vie toutes les 8 minutes, reste oui, chez celui toi, qui sauve. Non, c'est pas ça. C'est ce que non, ça me rappelle, c'est. Ça fait la jonction avec ce qu'on disait avant, c'est une femme meurt sous les coups de son mari toutes les 48 heures, tu vois. Tu sais, quand tu comptes, quand tu fais le calcul des mois de l'année, ouais, il y a 150 femmes sur 67 millions d'habitants qui meurent, parce que voilà, on sait pas pourquoi d'ailleurs, mais bref, ce qui relève de simplement des drames, enfin du mœurs, quoi. Voilà, c'est pas. Mais ils essayent de faire croire qu'il y a une espèce de déchaînement de violence conjugale de la part des hommes en permanence, et ils aiment bien utiliser ça, c'est 150 ou 160, je sais plus le chiffre. 160 femmes meurent, enfin, il y a donc 160 femmes, mais il y a une femme qui meurt toutes les 48 heures sous le coup de son conjoint, quoi. Vous avez jamais entendu ce truc-là ? Tu peux faire le même coup pour les accidents domestiques. Tu vois, bien tu peux dire, il y a 60 000 personnes qui meurent de chez elles d'accidents domestiques, sortez de chez vous. Comme ça, on pourra économiser une vie toutes les, je sais pas, moi, toutes les deux heures ou toutes les trois heures. C'est exactement du même tonneau. Mais moi, je suis sidéré par le. Bon, j'étais déjà pas forcément très démocrate avant la pandémie, mais le niveau de PNJisme et de comment dire d'acquiescement des masses me fait vraiment gerber. Je veux dire, il y a un hashtag qui est sorti là, stop confinement, parce qu'effectivement, je pense que la plupart des gens lucides trouvent ça ridicule. Je vois sur Twitter la réaction des gens, c'est mais vous êtes des assassins. Vous ne vous rendez pas compte. Hein, alors que des gens meurent à l'hôpital, vous voulez sortir et continuer à vivre votre vie. Ouais. Vous êtes égoïste. Mais pff, ce niveau de suivisme, de, quoi. Oui, de suivisme. Enfin, c'est des peines. Non, mais même ce niveau d'œstrogène. Hein. Voilà. Oui, on aussi, a eu un beau ouais. spécimen cette semaine sur BFM TV, hein, le type qui voulait absolument ah oui, ah oui, bah, directives bah, de Macron. On a trouvé le modèle. On a trouvé le PNJ modèle, ultime. Hein. Ouais, on a trouvé le modèle. Tous les autres ont été construits sur ce modèle-là. Oui, c'est comment il s'appelle? On a son vrai nom? C'est l'ancêtre commun. Oui, c'est Gaspard VI. Gaspard VI, alors, qui est aussi catholique, faut-il le savoir. Hein bon, ouais. Alors, pas de la fraternité Saint-Pédis, ni moderniste, je précise. Ouais, oui, c'est un. Beaucoup, c'est un... le pape Bergoglio. Ouais, c'est un soutien radical de Bergoglio, il est parti à l'aile gauche, hein, donc de l'aile bergoglienne. Et comment dire, oui, bah là, on avait vraiment l'incarnation, bah, on est en période de mise au tombeau, de résurrection. Bon, bah là, il y a quelque chose aussi qui relève de l'ordre de l'incarnation. On a trouvé le PNJ. Et c'est ouais, vrai c'est que c'était un beau le blanc bien docile. Bergoglien, en plus, ça va bien. Et piqué aux œstrogènes, hein. Ouais. Lui, il se les fout dans la carotide directement. Hein. Ça monte sur son cerveau. Ah oui. Ça fait des yeux bizarres. Hein. Ça, oui. Une réaction pas. Bah, il a, je sais pas si t'as fait gaffe, il a des culs de boc à la place des. Il a des télescopes à la place des. Enfin, des ah non, c'est des culs de boc. Ah, mais t'as pas vu le grossissement qu'il y a dessus? Bah si, c'est non, des culs de bouteille. Ça, je vous explique que là. Il a une maladie génétique qui fait qu'il a une très très faible vue à la naissance. Ah je bon. N'ai plus le nom de la maladie, mais je crois que c'est ça. D'accord, bah ça nous... Ouais. Putain, et MacDav, il lui sort des infos là, première. Ah bah attends, premier sur l'info. Donc voilà, bon bah on a vu le PNJ fondamental et... parce que sur le PNJ fondamental, sont venus se greffer des putains, on va dire, oui je suis... Regardez-moi comme je suis merveilleuse. T'as des nanas qui le connaissent vaguement, c'est parce que bon, ouais. elles iront jamais se risquer à se coller à lui dans un pieu, bien entendu. Oui, il est pas très viril. Mais elles ont allé faire des sorties sur les réseaux sociaux. Et, oui, mon ami Gaspard, qu'est-ce que vous lui faites Bon, la femme blanche dans tout ce qu'elle a de plus abject. Hein, ouais. Ah non, j'avais pas du tout vu ça. Moi oui, ça m'a pas échappé, ça ne m'a pas échappé. Ça t'a pas échappé. Ah c'est beau, moi, tu vois, je trouve pas une femme qui en fait des tonnes pour montrer qu'elle donne bien son cœur aux vaincus, moi je trouve ça génial. Bah non, elle est pourtant juste... bien vaincue aussi. Hein, mais... Oui, elle, c'est juste pour dire, regardez-moi, je suis une personne tout à fait morale, je défends mon PNJ. Voilà, c'est pour signifier leur, comment dirais-je... Remerciez-moi, mettez-moi des likes et venez avec moi, s'il vous plaît. Je suis une princesse. Bon. D'ailleurs, vous avez vu que les putes demandent un front spécial pour passer pour passer le confinement. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Écoute, si on en donne aux journalistes, a priori, je vois pas de raison d'objecter pour les putes. Hein. Oui. Voilà. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et en plus, elles se plaignent parce qu'elles cotisent, mais elles n'ont pas droit au chômage. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Hein. Contrairement aux flics qui, eux, bon, ont droit à quand même pas mal d'avantages, alors qu'ils sont bien moins respectables. Hein. Monsieur le cardinal, excusez-moi, mais on ne dit plus flic en France, on dit tonton Macoute. Tonton Macoute. Oui, c'est pas... Quelle je vais me mettre à cette. Moi aussi. C'est fort, fort à propos par rapport à cette engeance tout à fait démoniaque. Oui, Emmanuel Duvalier, partout, président à vie. À vie. Ils sont partout, cette bande d'enfoirés de bleus. Partout, partout, partout, partout. T'arrêtes pour tout, pour rien, tu vas bosser, il t'arrête. Tu sors du cadre, il t'arrête. T'as 1 km/h de chez toi, il t'arrête, ils te font chier. Pff, moi, je vous le dis, hein, je me mets à comprendre les bougnoules qui pètent des plombs hein, en ce moment. Mais McDav, c'est normal, il faut bien se rendre compte que t'as plus une voiture sur les routes. Il faut bien compenser le manque à gagner des radars et des excès de vitesse. Hein. Ah oui, non, mais moi, je ne sais combien de témoignages de gens qui sont juste partis se promener, mais vraiment dans la forêt, hein, dans la forêt, dans des champs. Oula, ils arrivent à se faire contrôler. Des gens qui mettent en danger la civilisation. En danger, non, mais attends, je veux dire, il faut déployer des hélicos dans les Vosges, parce que t'as, ah oui, y a t'as eu un ça mec cette semaine. Qui a été se promener pour aller voir le grand tétra, quoi. Enfin, si tu veux, quand je vois ça me remonte le sang. Mais bon, si tu files la ch'touille à un renard, tu te rends compte que ça va faire une épidémie épouvantable. Alors, la blague de l'hélicoptère, ça coûte quand même en moyenne 1 700 € de l'heure. Hein. Ouais, je crois que c'est beaucoup plus, en fait. Hein. Je pense que c'est plus, mais je veux dire, le truc quand est... Quand tu prends les frais de maintenance, etc., oui. Je crois que c'est le double ou le triple. Certainement. Mais la blague coûte cher, et très clairement, on a des gendarmes qui ont envie de s'amuser avec leurs hélicoptères parce qu'ils n'ont rien ah à bah faire. Ah oui, il faut joujou, les cons. Eh ouais. Par contre, quand je dis France 3 Vosges, là, où je me rappelle plus, ou Grand Est, je sais plus, j'ai l'impression que les mecs reviennent du front, tu vois, qu'ils ont accompli des actes d'héroïsme insoupçonnés, tu vois. Je veux dire, non, ils ont juste gaulé deux mecs qui étaient partis faire un tour à la montagne, mais ils n'en pouvaient plus, avec Bobonne, je présume, justement, à la maison. Mais attention, il faut voir le truc, hein. Oh, on a déployé des moyens, des hélicoptères qui viennent de la base XY. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que ça coûte combien la farce ? Je me suis rencardé, quoi. Oui, bah, c'est comme tous ces hélicos là, qu'on déploie pour transporter des malades, alors que c'est. Enfin, on aurait tout intérêt à les transporter par route. Hein. Je veux dire, les routes sont quand même particulièrement dégagées en ce moment. Il n'y a pas un chat. Pourquoi déployer des NH90 à je ne sais combien de millions pour transporter deux malades ? Enfin, c'est ridicule. Tout ça est ridicule. Par contre, j'ai vu qu'il y a des boomers qui attendent la nuit pour passer les frontières. Par exemple, ils vont en Catalogne. Oui, il y a des boomers français qui sont faire des routes secondaires. Faire des routes secondaires. C'est quand même. Bon, voilà, c'est bon. Alors les types sont regardés de travers hein, quand ils arrivent là-bas, c'est bien normal. J'ai vu aussi des Français qui ont été reçus à coups d'œuf, à coups de jet d'œuf. C'est en Allemagne, c'est plus le germain déjà. Ouais. Oui, c'est plus le germain, oui. Donc ils ont vu arriver ces types-là, putain, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Surtout qu'en plus en Alsace, c'est le coin où c'est le plus présent, quoi. La contamination, donc pour le coup, il faut comprendre les Allemands. Mais ouais, là, les flics, non, ils feraient pas des heures de nuit, par exemple, ils feraient pas des rotations. Enfin, la journée, l'hélicoptère pour aller faire chier le type en vélo ou à pied dans la forêt où il n'y a personne. Là, ça va. Bon, on met l'artillerie lourde. Bon. Un petit regret quand même, j'ai pas vu, comment dirais-je, la Légion étrangère déployée dans les forêts avec des infrarouges et tout. C'est un petit regret. Peut mieux faire. Attends un peu, attends un peu. Oui, Ça ne voilà, c'est ça. saurait tarder. Ouais, attends. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Attendons attendons que notre ami Duvalier, demain, Emmanuel, là, président des Français d'Haïti, Président à vie. président à vie, fasse son discours. Peut-être va-t-il déployer les forces armées Bah, pour je crois que j'ai traquer compris des ça. Non, gens en mais j'ai forêt. compris ça parce que j'ai vu une synthèse Possible. dans le journal du dimanche, mais c'était répercuté par Le Point et d'autres publications très officielles, hein, qui, en fait, ceux qui offrent un petit condensé, si vous voulez, la veille du contenu du discours, quoi. Il disait effectivement qu'une des parties qui serait dans le discours serait un durcissement des opérations de police pour contrôler les gens, quoi. Hein. Donc, alors moi je me dis, bah, durcissement, je vois pas bien comment on peut durcir ce qui est déjà quand même bon. Les gens sont chez eux enfermés, donc je vois pas bien qu'est-ce qu'on va durcir. Mais c'est peut-être moi qui manque tout simplement d'imagination, parce que c'est vrai que si on envoie les hélicoptères déjà a priori survoler les Vosges pour attraper quand même un ou deux randonneurs, oui, peut-être que la Légion avec de l'équipement spécial nocturne pourront aller débusquer des campeurs. Bah écoute, moi j'ai surtout l'impression qu'un type qui a quand même épousé sa mère est en train de nous dire, à nous adultes qui faisons fonctionner le pays mieux que lui, reste dans ta chambre. Reste dans ta chambre parce que sinon je vais te mettre une punition encore plus grande que ce que tu as actuellement. C'est l'impression que ça me donne, hein. Oui, c'est Je veux dire, papa, on a papa joue l'État, un, voilà. nounou, voilà, qui est en train de confiner les enfants récalcitrants dans sa chambre et leur parler comme des demeurés ou des gamins de 3 ans. Il y a quand même un certain nombre de gens qui reçoivent le message qui sont effectivement des demeurés, hein, ceci étant dit. Oui. Bah, c'est ceux qui obéissent. Ceux qui ne se posent pas de Pas questions dans forcément, mais... l'obéissance, disons. Bah non, bah tiens, sur Paris, là, il y a une... On peut quand même donner un prix, une médaille au préfet de Paris, à Hidalgo, c'est d'avoir interdit le jogging entre 10h et 19h. Donc tu as des gens qui sortent à 19h pour courir. Mais ils Bah sortent oui. tous à 19h. Là, c'est très, c'est très logique. Comme, hein, quand tu veux faire baisser le nombre de gens dans la rue et éviter qu'ils aient des contacts entre eux, tu fais tout sortir à la même heure. C'est vraiment. Bah ça, là, tu vois, ça c'est un condensé de ce qu'est la gauche. C'est-à-dire que la gauche ne comprend pas ce qu'est la nature humaine. Donc c'est des gens, ils comprennent pas. Et les mecs de gauche, tu vois, c'est parce qu'ils souffrent d'un syndrome très connu qui est celui de la mégalomanie. Les gens de gauche croient qu'ils peuvent, si vous voulez, façonner la société et le genre humain à l'image de leur utopie. Alors utopie qui est fluctuante, hein, à travers les époques, mais c'est toujours cette soif de contrôle, hein, ce sont des contrôles fric. Et donc ces types-là, ils pensent, si tu veux, qu'en décrétant, ils disent, voilà, on décrète, voilà. Sauf qu'évidemment, la nature humaine s'adapte. Donc tu leur dis, voilà, de 10 à 19, c'est pas possible, les mecs. Bon, bah forcément, à 19, c'est le rush, quoi. Enfin, fatalement, quoi. Tout le monde veut faire Et son jogging de 19 à 20. ils vont se cracher dessus entre eux, c'est Non mais. formidable. Hein. À Paris, ça arrive d'être rigolo, quoi, hein, du coup. Hein. Ah, c'est pas le premier mot qui me viendrait à l'esprit, ça, par contre, rigolo, à Paris. Je sais pas, mais. Bah, On si, vit non, mais. de grands moments, en tout cas, messieurs, croyez-moi. Alors, vous savez, on a lu la semaine dernière un courrier des lecteurs qui était très intéressant, celui d'un docteur. On l'a ensuite répercuté sur le site. Il a été très abondamment relayé et commenté, y compris sur le forum. Et donc, il y a eu quelques observations qui ont essayé de soulever des points de contradiction, etc., pour remettre en cause en fait la validité ou même l'authenticité de ce témoignage. Alors j'ai une bonne nouvelle, le professionnel en question nous a répondu pour lever toutes les ambiguïtés. Et nous allons avoir beaucoup plus de détails, comme ça il répond un petit peu aux critiques qui ont pu émerger, y compris sur le forum, puisque ça a pu être discuté là aussi. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de le communiquer à nos auditeurs. Donc je vais vous le lire, c'est le deuxième courrier de notre rubrique courrier des lecteurs. Alors, auparavant, je remercie un autre auditeur d'avoir eu la gentillesse de répondre. Bonjour à vous, chers démocrates participatifs. Je me permets de répondre aux questions suscitées par mon témoignage sur votre forum et d'apporter en outre quelques précisions, éreinté que je suis d'entendre de Ville Goïm traiter du sujet, qu'il s'agisse des tocards, je cite, hein, je lis tel quel, hein, de la fachosphère arborant une photo de profil de l'Anjuive et Raout, ou des aides-soignantes roumaines qui sont à la médecine ce que les Sénégalais sont à la physique quantique. Il ne peut pas être commode. Hein. Alors avant de répondre aux questions, j'avais omis dans mon précédent courrier de préciser quelque chose au sujet des tests Covid. Les diagnostics de patients Covid+ se font de deux manières. Soit un prélèvement naso-pharyngé à l'aide d'un écouvillon, soit un scanner thoracique. On considère que le scanner est le test le plus fiable. Lorsque nous voyons des lésions de pneumonie que le radiologue juge comme typiques, le patient est diagnostiqué Covid+, même si le test par écouvillon est négatif. Il est donc clair que certaines pneumonies virales non causées par le coronavirus ou bien bactériennes sont étiquetées à tort Covid. Un auditeur voulait plus d'informations sur le manque de moyens des médecins français et l'incapacité des services de réanimation à prendre en charge tous les patients en état grave par manque de respirateurs, etc. Il faut tout d'abord savoir qu'un service de réanimation n'a jamais beaucoup de lits. Par exemple, un hôpital où j'ai travaillé, qui comptait 2 services de chirurgie et 6 services de médecine, ne possédait que 7 lits de réanimation. Il est vrai qu'avec cette crise, un certain nombre de lits de soins continus ont été transformés en lits de réanimation et parfois même des salles de réveil, mais ça n'a pas lieu partout. Des connaissances qui travaillent en réanimation dans certains CHU de grandes villes de France me disent qu'ils n'ont pas plus de patients que d'habitude. Pour ma part, bien que certains jacasseurs aient émis l'hypothèse que mon hôpital se trouve au fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, je travaille bel et bien dans une région officiellement très touchée par cette épidémie, et nous n'avons reconverti aucune salle de réveil, seulement quelques lits de soins continus. Autrement dit, malgré le pic épidémique qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, vu ce que l'on observe sur le terrain, la situation était gérée et elle commence à se calmer depuis environ une semaine. Par ailleurs, je sais également qu'il y a des services de réanimation totalement vides par chez moi. Ils sont le plus souvent dans des hôpitaux privés dotés de services de chirurgie. Ils ont donc un service de réanimation et des réanimateurs ainsi que le matériel dont ils ont besoin pour faire leur travail. Les directeurs des hôpitaux publics sont au courant, mais ils sont au chômage technique. Les hôpitaux publics environnants préfèrent envoyer leurs patients de réanimation à l'autre bout de la France, sans doute pour faire dans le sensationnel. Cet auditeur voulait également que je donne mon avis sur la chloroquine. Dans mon unité, nous ne sommes pas autorisés à la prescrire systématiquement. Et pour être honnête, je n'ai eu qu'un patient traité par cette molécule associée à l'azithromycine depuis ma prise de fonction, ce qui fait que mon expérience est anecdotique. Le patient en question allait plutôt moins bien que les autres qui n'étaient pas traités par antibiotiques ou n'importe quel autre antimicrobien. Il faut savoir que la chloroquine, bien que ce soit un médicament anti-malaria, agit concrètement comme un antiviral, c'est-à-dire qu'il s'attaque à l'ADN du virus, mais aussi à notre ADN présent dans nos cellules, ce que peu de médecins savent. C'est pourquoi l'étude du professeur Raout a permis de montrer une diminution de la charge virale, comprendre que la chloroquine détruit les virus en s'attaquant à leur code génétique. Mais cet effet n'est pas anodin lorsqu'il touche nos cellules. En s'attaquant à notre propre ADN, il détruit particulièrement l'ADN de cellules souches, notamment au niveau des gonades, donc des testicules. Libre à vous de penser que Raout, ce père d'enfant juif, promeut la prescription d'un traitement qui rend l'égoïme infertile. Pour ma part, je ne me permettrai pas de tirer des conclusions antisémites. Un autre effet néfaste de la chloroquine est qu'elle augmente l'inflammation au niveau tissulaire. Des médecins se sont penchés sur la question suivante. Pourquoi les enfants porteurs sont majoritairement asymptomatiques? La raison est que plus notre système immunitaire est mature, plus la réponse à cette infection virale sera importante et plus les dégâts seront importants. Chez les enfants, qui ont un système immunitaire fonctionnel mais de petite envergure, les globules blancs arrivent à gérer la situation et ils ne développent pas de symptômes. Chez les adultes, en revanche, les globules blancs vont envoyer l'artillerie lourde, aider de molécules pro-inflammatoires et endommager les tissus. La chloroquine va donc participer à ce processus inflammatoire en faisant augmenter notamment l'oxyde nitrique au niveau des tissus inflammés. L'oxyde nitrique contribue à une myriade de processus inflammatoires et dégénératifs. C'est un sujet à part entière que nous pourrons traiter à une autre occasion. Il faut simplement comprendre que l'angiotensine, produite en réponse au virus, augmente déjà l'oxyde nitrique. C'est un véritable cercle vicieux. Enfin, la chloroquine est un immunodépresseur connu. Tout ce qui diminue l'immunité mène, même à court terme, cause des dégâts à long terme. Le problème de cette infection est principalement la réponse pro-inflammatoire du système immunitaire, qu'il faut essayer de diminuer au possible. Dans ce contexte, donner de l'oxygène pur est délétère, voire criminel. En effet, de l'oxygène à haute concentration entraîne une diminution du taux de dioxyde de carbone, CO2, dans les poumons. Le CO2 ayant un effet anti-inflammatoire, nous avons tout intérêt à faire en sorte que les patients en respirent. L'oxygène pur prive les tissus d'oxygène, via les effets Haldane et Bohr. Au contraire, l'air raréfié avec du CO2 apporte de l'oxygène et de l'énergie aux tissus. Cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est la physiologie médicale enseignée habituellement qui est contre-intuitive. Ces phénomènes sont pourtant connus depuis des décennies, études à l'appui. Le composant utilisé dans ces études s'appelle carbogène et il est composé d'oxygène à 95% et de dioxyde de carbone pour les 5% restants. Ces 5% suffisent à diminuer l'inflammation tissulaire. C'est malheureusement le cas d'énormément de traitements conventionnels pour toutes sortes de maladies, alors que des molécules utilisées très couramment avant 1945 existent et soignent réellement. Il faut que vous sachiez que la médecine juive, dite conventionnelle, est bonne pour une chose, les urgences. Si un accident vous brise les os en 1000 morceaux ou que vous avalez du poison, on s'occupera de vous à peu près correctement. Pour tout le reste, vous deviendrez un déchet chimique à relativement court terme. C'est ce que l'on appelle la vision mécaniste de la médecine post-Nuremberg. Prenons un seul exemple, puisque vous parliez de la thyroïde et du lévothyrox dans l'émission. Il y a peut-être un médecin sur 1000 en France qui sache interpréter correctement un bilan thyroïdien et même qui sache en prescrire un correctement. Ensuite, il lise vos résultats d'analyse comme un enfant de 8 ans pourrait le faire. Il faut vraiment ne rien comprendre au fonctionnement de la thyroïde pour prescrire du lévothyrox, T4, seul à un patient hypothyroïdien dont le foie ne parvient généralement pas à convertir la T4 en forme active de l'hormone thyroïdienne qu'est la T3. Conséquence, le patient sera dépendant à vie du lévothyrox, sa thyroïde ne fonctionnera jamais correctement et son organisme compensera par toutes sortes de mécanismes indésirables menant quasi inéluctablement à des maladies souvent mortelles. Il faut admettre que parfois, les symptômes sont amoindris. C'est une victoire sur tous les tableaux pour le docteur Cohen. Il faut bien comprendre que le judaïsme médical est le strict équivalent du judaïsme politique. Buzyn et Salomon, qui discréditent Raoult depuis le début, le font passer aux yeux hébétés du ventre mou pour un héros, un druide, un mage, le messie et que sais-je encore. J'ai une pensée particulière pour les pseudo-catholiques qui collent la photo de cet escroc sur des toiles christiques, des idolâtres en manque d'idoles. Bref, ces empoisonneurs de puits me rappellent les pseudo-débats à la télé française affichant Zemmour face à Finkielkraut. Sur certaines questions, prendre parti, c'est déjà se tromper. Un détracteur a remis en doute mon courrier sur la question du choc sceptique. S'il est vrai que l'on ne peut pas toujours parler de choc sceptique, car soit nous avons traité les patients à temps, soit nous entraînons leur mort, nous constatons tout de même une aggravation des symptômes après une période d'amélioration. Sur les scanners, dans ces situations, nous constatons toujours une aggravation des lésions. Dans mon unité, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a une surinfection bactérienne suite à cette infection virale. Ce qui veut dire que le virus a fragilisé les poumons pendant environ une semaine, et la faiblesse du système immunitaire fait qu'une bactérie a pu prendre le dessus et abîmer davantage les poumons. Chez ces patients, donc, il y a un retour de la fièvre autour de 39 à 40 degrés, des frissons, parfois de l'agitation, etc. Si au moment de cette aggravation, nous ne pouvons pas encore parler de choc sceptique, sinon il ne restait pas dans une simple unité Covid, on peut au moins parler de décharge sceptique pouvant éventuellement se compliquer d'un état de choc. Ce contradicteur m'a également accusé de mentir sur le moment où l'étiquette LATA entre en jeu. Je dirais simplement que nous avons pour consigne d'appeler le réanimateur bien avant que le patient ait besoin de 15 litres minutes d'oxygène. Et bien évidemment, il ne réanime que dans très peu de cas. J'ai vu personnellement un patient de 81 ans sortir des urgences avec 3 litres minutes d'oxygène au masque, qui n'allait pas trop mal et déjà sous morphine alors qu'il avait très peu d'antécédents. J'aimerais maintenant donner un exemple précis de la ruine programmée de l'hôpital public en dénonçant les pratiques d'un médecin d'Île-de-France appartenant à la même tribu que les personnalités citées plus haut. Il est chef de plusieurs services de médecine et a permis de faire la réputation de l'hôpital dans lequel il exerce le plus, et considère qu'il a bâti cet hôpital. Avec d'autres, il fait partie de la présidence d'une commission locale qui gère les établissements de santé du département. Approchant de la retraite, il a entrepris il y a environ un an le démantèlement de son propre hôpital en disant haut et fort « C'est moi qui l'ai fait, je vais l'emporter avec moi ». Les effectifs étant déjà réduits depuis plusieurs années, il a décidé d'épuiser les médecins restants en les forçant à faire des gardes dans l'établissement à hauteur de deux à trois gardes de 24 heures par semaine en plus des journées de travail habituelles, pas assez payées pour la charge de travail. Les médecins ont demandé une réévaluation du salaire de ces gardes afin d'attirer des médecins extérieurs pour les faire. La réponse est non, Goïm. Les seuls qu'il a accepté de payer décemment, il les harcelait le week-end afin d'obtenir on ne sait quelle faveur. Le travail devenant de plus en plus pénible, une demi-douzaine de médecins ont démissionné la même semaine. Le patron n'a pas changé de politique, il est déterminé à tout détruire. Bien entendu, il fait cela en accord total avec sa commission, et les institutions étatiques chargées de veiller au bon fonctionnement du système de santé sur le territoire ne bougent pas. Elles promettent que les choses changeront, mais il n'en est rien. Les juifs d'en haut permettent donc aux juifs d'en bas, entre guillemets, de faire fuir les médecins en fabriquant des conditions de travail précaires. Il faut savoir que, par ailleurs, ce médecin n'a pas perdu de vue l'étoile du Berger, donc l'étoile du berger, fait un petit trait d'humour, et a profité de sa notoriété pour placer son fils au sein du cercle rapproché de Manuel Valls. Il était son conseiller, ainsi que celui de Fleur Pellerin, en plus de faire partie de l'équipe de campagne de François Hollande. Il faut savoir que la pratique de la médecine n'a aucun sens en France occupée. La majorité des médecins suit à la lettre ce que produisent les revues dites scientifiques. Les médecins s'abreuvent de ces études qui consistent en du travail prémâché, commandé par des laboratoires et qui se transforme en pratique clinique par la description des par la prescription des médecins. La dangerosité supposée de l'aspirine, qui est en réalité une molécule quasi miracle, a été fabriquée de toutes pièces par ce genre de filouterie hébraïque, avec des études qui ne reflètent en rien une utilisation clinique normale. Mais c'est suffisant pour que les trois quarts des blouses blanches répètent comme des veaux que « ça fait des trous dans l'estomac ». Qu'il s'agisse du cholestérol, du diabète, du cancer même, voire Otto Warburg, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le cancer et proche d'Hitler, qui a quasiment solutionné la question il y a presque un siècle, la pratique médicale est souvent à 180 degrés d'une démarche biologique cohérente. Tous ces sujets mériteraient d'être traités indépendamment, car vous n'avez pas idée du nombre de sujets médicaux où la vérité scientifique est à l'opposé de la pratique judaïque. Deux études de 2013 et 2017 montrent que les erreurs médicales tuent entre 250 000 et 440 000 patients aux États-Unis seuls. J'ai personnellement eu vent d'erreurs qui feraient froid dans le dos de vos auditeurs et ai été témoin d'effroyables mensonges proférés à des patients, soit pour justifier ces erreurs, soit pour contraindre par la peur des patients à suivre différents traitements. La médecine conventionnelle est la véritable religion des Goïm, et les blouses blanches en sont les prêtres. Pour ma part, je ne souhaite rien d'autre que la mort de ce système. Ne vous faites pas d'illusions sur ces gens que je fréquente depuis la fac de médecine. Ce sont à 99% des dégénérés, des gauchistes, des PD, des juifs, ou les quatre à la fois. En ce qui concerne le pourcent restant, dès qu'un médecin souhaite sortir des clous et faire de la vraie médecine, donc soigner des patients, le système en place fait tout pour l'en empêcher. Un des systèmes de surveillance mis en place pour s'assurer que l'on fait bien ce que l'on attend de nous est celui de la sécurité sociale. Chaque fois qu'un médecin prescrit une ordonnance à un patient, lorsque ce dernier se rend à la pharmacie, il y a un duplicata qui atterrit sur les écrans de la sécu. Par cette méthode, il voit tout ce qu'on prescrit, et ceux qui prescrivent ce qu'il faut, comme il faut, reçoivent une prime à la fin de l'année pouvant s'élever jusqu'à 6 000 € net d'impôts. Goy obéissant, Goy a droit à un sucre. Et dans les cas où l'on prescrit des médicaments pouvant réellement aider les patients, mais non recommandés par le rabbinat, les pharmaciens jouent le rôle de gendarmes. C'est-à-dire qu'en lisant l'ordonnance, ils demandent aux patients pourquoi le médecin a prescrit tel ou tel médicament et décident si oui ou non le médicament est indiqué pour cette maladie. Un épicier met des bâtons de chandelier à 7 branches dans les roues d'un docteur. Bienvenue en France. Et c'est signé docteur sûr de lui et dominateur. Le courrier était assez long, mais ça valait le coup de le lire en entier et d'une seule traite. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire alors ici, évidemment, on n'est pas des spécialistes de médecine, c'est très clair. Ouais, alors déjà, merci. Hein, merci. Ou déjà, merci. Second courrier. Je suis encore en train de digérer ce qu'il vient de me dire. Oui. On publiera le contenu du courrier pour que nos auditeurs puissent le relire à tête reposée, et comme ça, voilà, parce qu'il y avait eu un certain nombre de questionnements, hein, auxquels il a répondu, là, d'ailleurs. Il a dit, voilà. Ça me paraît assez convaincant, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ça me paraît quand même assez convaincant. De prime abord, mon instinct me dit que c'est plutôt juste. C'est plutôt juste. Ça mériterait une émission sur le, comment dire, sur la médecine en général et le rôle des délégués médicaux qui squattent les cabinets des médecins pour pouvoir faire la promotion des nouveaux antibiotiques, des anti-inflammatoires, de toute une série de saloperies qui invite ces toubibs à des séances de formation en Tunisie, au Maroc et ailleurs, qui leur offre des magnétoscopes, qui leur offre des ordinateurs, qui leur offre différents trucs, uniquement pour faire la promotion des laboratoires et vendre ces saloperies aux patients. Point barre. Oui, tout à fait, bien sûr. Big Pharma, hein, on connaît. Qui voulait prendre la parole ? Ah ! Notre ami Alexis est en ligne, il nous a rejoint. Ouais, merci bonjour. À toi d'être présent. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus ? Oh, bah, pas mal de choses. C'est vrai que le laboratoire offre des vacances tout fait payées aux professeurs et de médecine et aux médecins qui prescrivent des médicaments. C'est un fait connu. Alors, ceux qui arrivent à guérir, à soigner sans beaucoup de frais, eux ne sont pas bien vus. Hein. C'est le business total. Il y a d'autres exemples. Il y a l'interféron. On a vu certains pays recommander l'interféron qui est soi-disant un anti-cancer. Mais je crois sur le prix de la boîte, c'est 700 euros, je crois. Donc, il y a beaucoup de cancéreux qui ont une boîte par jour, même, je crois. Et donc, c'est la Sécu qui paye. Imaginez 700 euros par jour en plus. Et ce médicament finit par détruire la moelle épinière, par exemple. Donc, finalement, on tombe tout à fait dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire que le côté chimique va détruire complètement le patient d'une manière ou d'une autre. Et il a dit la religion d'Egoïne, bah oui, parce qu'en fait, ça se substitue totalement à tout le reste. Au bon sens, élémentaire à la religion, évidemment. La religion est considérée comme obscurantiste. Alors, il y avait des gens, justement, comme Alexis Carrel, qui ont fait le lien entre la médecine et puis la prière et la religion et les médecines plus anciennes aussi. Alors que là, cette médecine nouvelle, elle est hyper matérialiste. C'est vraiment le côté, la molécule chimique qui est censée nous guérir. Il y a pas de notion d'esprit, de volonté, des choses immatérielles, aucune place. Peut-être un nom que je peux citer aussi, Elmiger, E-L-M-I-G-E-R, c'est un médecin de formation, homéopathe devenu homéopathe, et qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Oui, ben là, de toute façon, on va être amené à en parler, mais... Qui dit virus dit vaccin, et dans les cartons sont déjà les futurs vaccins. Donc on sait que tout ça va se convertir en un business absolument colossal, peut-être sans précédent, et que cela, faut pas rêver, hein, ça appâte un certain nombre de hiérarques de l'OMS, un certain nombre de responsables de Big Pharma. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Et dans ce cadre-là, puisque si on s'intéresse brièvement à la mortalité de cette maladie, excusez-moi, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. On n'a pas vu les... Parce que je rappelle hein, que les modélisations... Je préfère le marteler, parce que bon... Les modélisations ont servi de base à la réaction des pouvoirs publics, partout. Et on leur a dit... voilà, vous allez avoir, pour un pays comme la France par exemple, des centaines de milliers au moins, en dépit du confinement, de personnes qui vont aller dans les hôpitaux et qui seront en besoin de services de réanimation. C'est ce qu'on leur avait dit. D'où la fameuse stratégie, de l'allongement de la courbe pour éviter une saturation. C'était ça toute la stratégie. Or, rien de tel ne s'est passé. On n'a pas vu, une espèce de rush énorme. Et je dis bien, c'était en dépit du confinement. En dépit du confinement, il devait y avoir une saturation, quoi qu'il arrive. Ça n'a pas eu lieu. Et les chiffres sont là, je crois qu'on est à 7000, on stagne autour de 7000, plus ou moins, etc. Mais on est à des années-lumière de ce qui avait été annoncé par toute une série de modélisateurs. Donc, on n'a pas la mortalité, l'hécatombe qu'on nous avait annoncé, hein. Ce n'est pas du tout là. Et c'est ce que nous avait dit donc le docteur sûr de lui et dominateur dans son premier courrier. où ils nous avaient dit qu'en fait, on fabriquait des cadavres. Et comment on fabriquait des cadavres? Eh bien, en décrétant qu'au-dessus de 70 ans, on n'était pas éligible à la réanimation, même si on pouvait, en fait, être réanimé sans trop de difficultés, et qu'on accompagnait les gens de plus de 70 ans d'office à la mort, en étant de facto euthanasiés avec des cocktails chimiques qui étaient étudiés pour, il avait dit, les deux molécules, etc. C'est d'ailleurs... Le rétroviril, notamment. Oui, ça a été, de toute façon, ça a été abordé. Les gens se sont dit, ah, mais comment ça se fait? On utilise ça, c'est pour les... Alors, évidemment, ils ont dit, oui, mais non, mais c'est juste pour les gens qui sont vraiment à l'agonie, etc. C'est pour pas qu'ils aient trop mal, etc. Alors, ce que nous a dit le docteur sûr de lui et de Minotaire, c'est que non. C'était une politique pour tuer des gens. Et là, c'est un scandale énorme, en réalité, hein, c'est un scandale énorme qui sera étouffé. Moi, je sais très bien que ça sera complètement étouffé. Et comme il expliquait aussi, il dit, dans la mesure où le confinement prévaut, les proches ne peuvent pas discuter avec évidemment les patients, les rapports sont extrêmement limités, et même quand la personne est morte, on peut même pas assister vraiment à la mise en bière ou des choses comme ça, quoi. Donc, en fait, la famille est totalement dépendante de ce qu'on veut bien lui dire. Et il nous avait bien fait comprendre que, actuellement, en France, le ministère de la Santé fabriquait des cadavres artificiellement en décrétant qu'au-dessus de 70 ans, on n'était pas réanimable, pour ainsi dire, sauf exception peut-être ici ou là, mais voilà. Donc c'était ça l'origine de son courrier. Et voilà, donc bon, et là, il nous a donné plus de détails, mais il nous dit en substance, il n'y a rien de nouveau. En fait, il n'y a rien de nouveau. Le fait de tuer des gens, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel en France. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, voilà, les patients, c'est des cobayes, on tente des trucs sur eux, etc. Et quand les types sont un peu réticents, bah, là, on leur fait peur, comme ils ne savent pas, ils ne sont pas médecins. On leur dit, écoutez, monsieur, c'est ça ou rien. Hein. C'est ça ou c'est la mort. Hein. De toute façon, il va mourir dans l'idée des docteurs qui sont dans la combine. Et puis, on va lui appliquer éventuellement peut-être un traitement qui est sponsorisé par tel laboratoire qui veut avoir des résultats, etc. Quoi. Donc, mais avec je pense que ça va être encore plus renforcé, malheureusement. C'est que maintenant, comme il le dit bien, il suffit d'avoir une blouse blanche maintenant pour que tout le monde se taise. C'est-à-dire que maintenant, les médias vont vous exhiber un docteur X ou Y, on va dire, voilà, docteur blouse blanche, tout le monde se tait. Il va vous dire... Oui, non, mais c'est normal. Enfin, ça s'appelle l'argument d'autorité. Oui. Et d'une certaine façon, bon, nous, je pense qu'on est un peu plus réticents que la moyenne à l'argument d'autorité. Et malgré tout, on a conscience des hiérarchies. Et c'est un peu toute la contradiction. C'est que te donner une blouse blanche ne va pas te faire dire la vérité par principe. Mais malgré tout, vu qu'on est quand même dans des sujets qui sont extrêmement complexes et qui demandent un certain niveau d'expertise, bah, on est quand même plus ou moins forcé de faire confiance à certaines personnes. Ah bah t'as pas le choix de toute façon. Hein, donc... Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais moi, enfin, quand j'écoute notre auditeur là avec beaucoup d'attention, pour la partie technique, je suis totalement largué. Et pourtant, ah oui, non, mais ça, relativement pareil, honnête, hein. le corps humain, tu vois, je suis totalement largué. Je veux dire, quand la société se complexifie, bah, t'es obligé de déléguer une partie des choses. Moi, si tu veux, bon, on reparlera des vaccins, mais je considère que les vaccins sont globalement une bonne chose. Mais finalement, j'en sais rien, tu vois. C'est juste quelque chose que j'ai constaté, on va dire, historiquement, c'est tout. Je ne vois pas les choses de façon plus physiologique, plus médicale. Bah, là où je te rejoins tout à fait sur le côté argument d'autorité, c'est comme quelqu'un qui est hyper spécialisé en aéronautique, et évidemment, j'ai pas du tout les moyens de le contester. Ni même en médecine, mais cela dit, il faut toujours garder son bon sens. Quand un médecin propose un vaccin contre la grippe à une personne qui a 94 ans, je l'ai vu, des gens que j'ai connus très bien, bah c'est criminel, puisque de toute façon, 94 ans, vous allez filer un vaccin avec de l'aluminium, bon, quelqu'un qui est hyper faible, bon, en fait, la logique de la nature, c'est simplement soit la grippe est assez forte et va tuer la personne qui mourra de sa belle mort quelque part, à la fois de la grippe, c'est vrai, mais de vieillesse aussi. Ou alors la personne résiste parce que malgré ses 94 ans, elle est toujours en forme. Bon, mais et là en l'occurrence, le cas que j'évoque, bah, ça a été une paralysie, une incapacité de marcher suite au vaccin quelques jours après. Donc c'est dans certains cas, on doit quand même avoir un regard critique. On reste propriétaire de ça et Et ironie de l'histoire, c'est la loi Kouchner qui permet encore de refuser des opérations médicales. Bon, c'est très curieux, mais c'est comme ça. C'est quoi la Après, il y a plein de paralysie, là? C'est choses qu'on pourrait dire. le syndrome de Guillain-Barré, c'est ça, non? Je crois. Pardon, j'ai pas compris. La paralysie suite à une vaccination pour la grippe, je crois que c'est le syndrome de Guillain-Barré, ça me dit. Oui, tout à fait. Il y a des effets secondaires. On pourrait mettre en ligne quelque chose que m'a donné un médecin où il y a 1000 études, une étude qui date de 2002, enfin une bibliographie qui date de 2002 et qui répertorie 1000 études concernant des effets secondaires de divers vaccins. Mais effectivement, il y a beaucoup aussi de gens qui vont dire, ah bah oui, mais regardez, on a fait reculer la mortalité infantile. Cela dit, comme l'a dit le bon docteur Louis-Ferdinand Céline, qui était un hygiéniste bien connu, dans la lignée de Semmelweis, sur lequel il avait, qui était minoritaire, hein, Semmelweis, qui avait remarqué que les gens qui, il y avait une forte mortalité infantile, probablement parce que les professeurs de médecine qui disséquaient ne se lavaient pas les mains avant de faire accoucher les femmes. Lui, son hypothèse de travail, c'était de dire que c'était sale et que ça créait la mortalité infantile. Il a été rejeté par le corps médical majoritaire et il a terminé fou parce qu'il ne pouvait pas supporter ce rejet. Mais aujourd'hui, on considère que c'était évidemment une mesure de bon sens. Aujourd'hui, on est venu dans l'hygiénisme. Historiquement, le débat médical, c'est plutôt est-ce que c'est la vaccination ou est-ce que c'est l'hygiène qui a fait reculer la mortalité infantile? Je pense, Moi, je pense que c'est à titre l'hygiène, hein, de personnel, manière générale. que Hein. c'est l'hygiène plutôt, oui, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai pas acheté l'histoire de la pandémie de l'origine. Enfin, la pandémie, elle est là, puisque c'est simplement un virus qui se répand. Mais de la gravité de l'épidémie, parce que simplement les conditions. Parce que j'ai des comparaisons avec la grippe espagnole, etc. C'est absurde. La grippe espagnole a éclaté dans la Première Guerre mondiale au milieu des soldats, dans des gens qui vivaient dans des conditions d'hygiène absolument déplorables. C'est des gens qui vivaient entassés les uns sur les autres. Sans accès à l'eau courante, qui était au milieu des cadavres, au milieu des rats. C'est après. Oui, non, mais même, le virus, il a émergé avant. Il a Oui, non, mais éclaté je veux dire, vraiment. les gens étaient, avaient été très déprimés, immunodéprimés, notamment par les gaz, ça c'est vrai. Oui, mais après, il s'est répandu. Mais il s'est répandu dans quel environnement? L'écrasante majorité des Européens, et même au niveau mondial, étaient des gens qui vivaient à la campagne, dans une très grande promiscuité, là aussi, aucune hygiène, les gens prenaient pas de douche tous les jours, ils se lavaient même pas en réalité, ils avaient très peu de vêtements de rechange, très très peu. Les gens vivaient vraiment dans le grand dénuement, à la fin des années 1910-1920, je veux dire. Donc, avec beaucoup d'enfants, notamment une grande natalité et une nourriture qui n'était pas très abondante puisqu'on sortait de la guerre. Donc là-dessus arrive cette maladie. Fatalement, ça a tué énormément de gens. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation. Globalement, les standards ont quand même augmenté. Je ne dis pas que l'hygiène de toutes les personnes Alors, est. non, il faut voir l'alimentation des masses. Et pourtant, en France, on n'est pas non plus très très mal loti. On y reviendra, mais les gens ne savent plus manger. Ils Oui, non, mangent mais n'importe quoi. j'entends bien, mais bon, les gens sont pas, je veux dire, ils meurent pas de faim, ou voilà, enfin, tu vois la moyenne d'âge Oui, en non, général en mais France, tu peux enfin, bouffer de la calorie. Ils ne meurent pas de faim, mais tu peux manger de la calorie qui n'est pas réellement nourrissante, hein. Non, mais ça, je suis C'est. d'accord, mais je veux dire, les gens, aujourd'hui, ont une espérance de vie et une hygiène qui est bien supérieure à ce qui existait il y a 100 ans. Les conditions. Oui, c'est Ah à bah voir. oui. Moi, je pense que leur système, comment leur système immunitaire a été particulièrement affaibli par la modernité, et que ce soit par l'alimentation ou même par, je veux dire, par le comment on pourrait appeler ça, par le chemical bonding. Hein, je veux dire, il y a des vieux qui sont quand même. Donc, il y a une nourriture qui est très riche, notamment en glucides, en pâtes et compagnie, et qui en plus de ça sont perpétuellement bombardés de produits chimiques, ce qui fait que leur système immunitaire n'est de moins en moins autonome, Non, mais ça, c'est un fait et qui de est plus en connu. plus affaibli. Hein. Mais Donc, je pense que ça a à voir avec ça aussi. je pense pas que plus on avance dans le temps, plus on gagne forcément en qualité. Pour le coup, je rejoins un peu McDav. Parce qu'effectivement, Ah bah, ben, si, on on meurt gagne pas en. de faim, d'accord? Je suis pas d'accord, je t'arrête tout de suite. On pouvait pas me dire qu'on l'a pas gagné. Sur tous les chiffres, on a gagné. Je veux dire, les gens, ils meurent pas à 60 ans, ils meurent à 80, 85 Oui. pour les femmes, il n'y a pas de famine. les gens ont tous un logement individuel, pour ainsi dire. Les enfants meurent pas en bas âge, c'est très rare. Enfin bon, on peut pas me dire non, non, voilà, il y a pas de progrès. Si, non mais bien sûr. Non, mais pour le coup, je précise. Excuse-moi, Magda. Je précise là, je pars du point maintenant là, 2020, et je suis pas sûr que c'est une courbe qui va continuer encore. Je pense que si jamais on fait une petite projection, l'alimentation en sucre, en sel, en graisse, en tout ce qui est produits chimiques, ça va encore s'aggraver. Tout ce qui est l'environnement extérieur, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la malbouffe en général. C'est-à-dire que si on fait une projection dans 10 ans, je pense que c'est des problèmes qui vont s'aggraver. Et ce n'est pas parce que ça va arriver 10 ans plus tard qu'on aura encore reculé l'espérance de vie. D'ailleurs, les projections qui planifient l'espérance de vie, pour l'instant, ils effectuent une sorte de stagnation, quoi. Donc, Il y a même un recul, notamment chez les mâles blancs aux États-Unis. Hein. Les mâles blancs aux États-Unis ont vu leur espérance de vie diminuer. Oui, non. Ce que vous dites est juste à chaque fois. Je ne vais pas faire l'arbitre, mais on était parti de la grippe espagnole et de comparer avec le coronavirus. La grippe espagnole, non seulement c'est arrivé 1918-1919, mais il faut savoir que non seulement il y avait la question des tranchées, etc., de la promiscuité, les soldats et compagnie, mais il y avait les gens qui avaient évidemment le moral dans les chaussettes en 1918. Ils avaient tous quelqu'un de leur famille qui était mort, plus les gens qui étaient des gueules cassées, comme on dit, des gens qui étaient mutilés, etc. Donc, le moral, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Quand vous êtes totalement désespéré, vous êtes dépressif au sens aussi immunitaire. Je pense que ça a un rôle fondamental. Et la grippe est venue sur un truc qui a... sur le carnage total de l'Europe. Et voilà, là, c'était le clou qui a complètement cloué le cercueil. Quoi. Et du coup, Alexis, moi, je serais d'avis qu'on compare ça avec un élément bien plus actuel. Et donc là, je vais reprendre quelque chose que j'ai lu sur le forum. Donc, je ne sais pas qui c'est qui l'a mis, mais merci à cette personne, qui nous a parlé de la grippe de Hong Kong. Alors, c'est un truc, j'étais trop jeune pour le connaître. Mais je sais que cette semaine, j'ai appelé mon père pour avoir des nouvelles par rapport à t'es confiné, tout ça, t'es malade, tout ce que tu veux. Et je vais parler de cette fameuse grippe de Hong Kong qui a eu lieu en 1989. Lui, ça lui a rappelé quelque chose, d'accord? Et il m'a dit oui, effectivement, c'était l'année où la grippe était particulièrement virulente. C'était une espèce de grippe... Un peu costaud. Gandalf nous a parlé de chiffres pour ce fameux coronavirus là qu'on subit actuellement, entre les valeurs minimales qui oscillent entre 6 000 et 7 000 et les valeurs maximales qui oscillent entre 12 et 13 000 pour le nombre de morts depuis le début de la crise en France. Il y a un élément de comparaison très intéressant, c'est que la grippe de Hong Kong, on est sur 30 000 morts pour toute la 1969, me corrige Derek, tout à fait. Donc mon père qui avait des infos par rapport à ça. Donc effectivement, tu vois 30 000 morts sur la période de la fameuse grippe de Hong Kong, qui a duré donc environ... En France, oui. En France, c'est un chiffre qui était mis par un journal tout à fait classique, je crois que c'était Libération, hein, donc c'est pas un truc conspi, tout ce que tu veux. Et donc là, on est sur les 2 mois, on est environ à 13 000 morts. Apparemment le pic soit on est dedans ou soit on est plutôt vers la fin du pic. Il y a quand même des éléments qui permettent de se poser des questions, quoi. Je suis pas sûr que l'hygiène ait beaucoup changé depuis la grippe de Hong Kong, quoi. Faut pas raconter des conneries non plus. Non, on parlait pas de ça au départ. Moi, si j'ai soulevé la question de l'hygiène, c'est pour parce que historiquement, quand même, en général, dans le milieu médical, on se pose la question, certains expliquent la baisse de la mortalité infantile, je précise, par la vaccination, et d'autres insistent plutôt sur l'hygiène, sans pour autant que les pro-vaccins disent que l'hygiène n'a aucun rôle. Mais j'ai juste soulevé ce point-là exclusivement pour ça. Je parlais pas de la mortalité du coronavirus par rapport à l'hygiène. Non, mais là, le coronavirus et le Covid ont été présentés comme une réédition de la grippe espagnole, la même dangerosité. D'ailleurs, Macron a dit que c'était la catastrophe sanitaire la plus importante du siècle. Non. Mais les chiffres sont là. Je vais vous dire une chose, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me trotte un peu dans la tête, parce que quand bien même n'aurait-on pas 15 000 morts, je ne sais pas combien il y aura de morts à la fin de cette épidémie, mais quand bien même on aurait 100 000 morts, ou 150 000 morts, un pays comme la France de 67 millions d'habitants, peu importe la composition raciale, s'en remet comme un charme. Les gens perdent totalement la notion des grandeurs dans les chiffres. Il faut se dire aussi que notre société a totalement évacué oui. la mort, et je parle de la mort comme faisant partie de la vie. Elle a totalement évacué du quotidien. Mm. Et d'ailleurs, nous on est trentenaire, quarantenaire ici, je pense qu'on a vu nos premiers morts assez tard, globalement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, oui, non, mais bien sûr, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais auparavant, la mort, elle était présente. Tout à fait. Par les corbillards, on faisait les veillées des proches. Les veillées, très important. Ouais. Les veillées, et puis, à un moment donné, il fallait quand même confier son âme à Dieu, donc il fallait vivre dans l'attente de la mort. Et on voyait des gens mourir de choses ou d'autres, de la guerre, de maladies, d'accidents du travail aussi. Ouais. Comme malgré tout, on a quand même de moins en moins d'accidents du travail. C'est une excellente chose. Et moi, je suis très surpris de l'évacuation du religieux dans cette crise. Alors non, c'est pas même surprenant. La Mecque a fermé. Bah, je ne pensais pas qu'on était sécularisé à ce point. La Mecque est évacuée. Je veux dire, pour ceux qui sont un peu sensibles au symbole, voir Bergoglio sur la place Saint-Pierre vide, moi qui suis agnostique, j'ai été sensible à ça. Ça m'a marqué, parce que j'ai bien senti qu'on était dans un changement d'époque. Oui, oui, oui. Et j'ai entendu parler que même les tradis, les cathos tradis, et c'est des manquantistes, ne célèbrent plus les messes. De toute façon, c'est une interdiction qui leur est faite. Ils ne peuvent de toute façon pas, par la force de la police, se rassembler. Enfin, je veux dire, à moins que s'ils le font peut-être clandestinement, mais je veux dire. Là, par exemple, aujourd'hui, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, donc l'église tradie très connue de Paris, ouais. Il y a une messe qui a été célébrée un peu en catimini. Et donc le prêtre a été. Il a reçu une amende, je crois, et les fidèles ont rien reçu, et les flics sont venus. Parce qu'il n'avait pas le droit, effectivement, de rassembler des gens dans un endroit. Voilà quoi. Ouais. Oui, c'est très important. Donc toi, tu dis le caractère, la sécularisation et la fin de la transcendance et même de religion traditionnelle qui finalement se couche devant les impératifs sanitaires du moment. Et finalement, c'est vrai que même pour les musulmans, enfin, c'est drôle parce qu'il y a certains musulmans, ils se font exploser pour atteindre le paradis. Mais finalement, c'est pas tellement à l'image du gros des musulmans qui ont quand même la trouille de mourir de maladie à peu près comme les autres, quoi. Ça, c'est vrai que c'est assez... Non, mais c'est marrant parce que tu vois, je veux dire, t'as plein de PNJ qui sont tatoués des têtes de mort où tu vois la tête de mort arriver, c'est symbole, c'est cool, c'est rock'n'roll. Mais si les gens paniquent, c'est parce qu'effectivement, il n'y a plus d'idée de transcendance. Et puis, quand tu vivais avec des choses qui étaient quand même globalement assez graves, et que tu avais la mort qui te surplombait un peu en permanence, quoi, tu es beaucoup plus résilient. Tu sais que certaines choses te dépassent et que tu peux passer l'arme à gauche et que des temps beaucoup plus durs peuvent arriver. Je pense que globalement, la religion sert un peu à ça, à surmonter des épreuves difficiles. Or là, à quoi croire maintenant? Au chiffre du PIB et de la dette. La blouse blanche. Ouais. Bah oui, c'est ça. Moi, ce que je dirais, c'est, enfin, je reviens à mon point de départ. Bon, je te remercie du détour que tu as fait, qui était très utile. Mais ce que je disais au départ, c'était vraiment que à 15 000 morts, 150 000 morts, à l'échelle d'un pays de la taille de la France, enfin je veux dire en termes de démographie, c'est anecdotique. On avait dit dans des émissions précédentes, enfin moi je l'ai dit, tous les ans il y a 600 000 morts en France, il n'y a pas de panique particulière. En 2017, il y a 20 000 personnes qui sont mortes de la grippe en France, ça n'a même pas fait un gros titre dans la presse. Et là, on a essayé de nous vendre l'apocalypse, très clairement. Les gens ont acheté, les gens ont cru, les gens ont eu peur. Ils ont été plongés dans l'effroi, pour une partie d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, surtout les vieux. Bon, je peux comprendre, puisque il y a quand même, au niveau statistique, on sait qu'effectivement, les gens qui calanchent sont des gens âgés. Donc, comme c'est un public fragile, bon, on peut comprendre qu'ils aient plus peur. Bon, voilà, bon, c'est normal, c'est lié à l'âge. Mais ça ne justifie absolument pas l'hystérie, l'hystérie de masse, l'hallucination collective qu'on a vue, quoi, je veux dire. Mais comme les gens ne savent pas, et tu l'as bien dit aussi, comme les gens ne savent pas, ils ne sont pas médecins, ils se fient à la parole officielle. C'est très difficile quand on ne connaît pas la médecine de contester des spécialistes, des experts qui vous disent, ben voilà. Hein. D'ailleurs, on a vu un peu ce numéro avec Raoult. Parce que finalement, il y avait des blouses blanches qui disaient Raoult, c'est un clown. Puis Raoult, il pouvait sortir toutes ses publications, tous ses trucs, dire, ben non, moi, je ne suis pas un clown, la preuve que. Or, moi, si vous voulez, je ne parle pas du tout de son domaine de compétence, mais il est un fait que Raoult a sorti des énormités dans sa vie. Hein. C'est quand même quelqu'un qui nous explique que sans les Arabes et les Noirs, la France ne pourrait rien faire. Bon, c'est un personnage assez original dans son genre. Je veux dire, bon, après, sur la virologie, moi, c'est pas mon domaine, donc j'en sais rien. Mais on a vu, si vous voulez, une querelle d'experts. Et ce que ça démontre, c'est qu'en fait, ces gens sont d'accord sur rien. Donc, ça nous force. À l'inverse des mathématiques, par exemple. Ça nous force à être vachement prudent, je veux dire, quand tu vois des experts, les mecs se renvoient leurs diplômes, leurs publications, leurs années d'expérience à la gueule, etc., chacun ayant plus ou moins le même nombre d'années d'expérience, etc. Ouais, au fond, ce soir, ils se disputent comme des marabouts maliens, quoi. C'est vrai que bon, ça ressemble à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on m'avait vendu la peste noire, et je me retrouve avec 15 000 Maccabées. C'est triste pour eux, mais voilà, ils sont 15 000, ils seraient même 150 000, que comme je le disais, c'est pas la fin du monde, quoi. Et ça justifie certainement pas la destruction économique, la destruction des moyens de subsistance des 99% de la population qui va pas crever de cette maladie, je veux dire. Voilà, la question qui va se poser dans un mois et demi, quand ils vont être obligés de lever quand même un peu ce confinement, pas totalement, mais en partie. La question, c'est pourquoi vous avez détruit ces entreprises? Pourquoi il y a X millions de chômeurs? Vous êtes vraiment sûr que ça valait le coup, etc. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont poser des questions. Ils devraient poser des questions. Ils disent, vous n'êtes pas gouré quelque part, là? Qu'est-ce que vous avez essayé de nous vendre? Bon, je pense que de toute façon, ils ont déjà toute la batterie d'arguments de dire, attendez, voilà, c'est la première vague, oui, ma bonne dame, la deuxième vague. La narration. Voilà, on va se faire enfler, quoi. Vous avez sauvé une personne toutes les 8 minutes en allant chez vous. Donc, voilà, applaudissez, vous êtes merveilleux, je vous applaudis d'ailleurs, hein, applaudissons-nous mutuellement, auto-congratulons-nous, et les gens sont contents. Bon, c'est vrai que c'est la ficelle qui est mise en place en ce moment, est-ce que l'élastique va craquer, je ne sais pas, à force de tirer dessus, mais on est parti là-dessus, quoi, une espèce de parousie où chacun se félicite d'avoir arrêté, quoi. Sauf peut-être les boomers qui sont partis en Catalogne. La peur, c'est souvent un moteur politique assez important. On peut très bien imaginer que Macron, en fait, était dans la même situation que nous il y a quelques minutes sur ce groupe de discussion. Genre, bah, Macron, il n'y connaît rien en médecine, on est d'accord. Il a des experts qui disent, attendez, c'est la catastrophe à droite à gauche, il flippe. Il se dit, bon, bah, moi, mon objectif, bah, c'est d'être réélu. Je vois que tous les pays du monde, ils sont en train de confiner et que tout le monde est en panique et que j'ai un groupe d'experts, de médecins qui me disent attention, là, la France, tout le monde va mourir. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, allez, on fait comme tout le monde, on confine et puis on fait des mesures de rétorsion. C'est possible qu'il y ait un truc comme ça qui s'est passé. Là, sur le... Oui, c'est un suiveur en la matière. Oui, oui, bien sûr. Macron a été élu pour le statu quo, pour garantir les retraites, etc. Donc en fait, il a donné des petites miettes là, de son pain aux gens qui le valident et qui continueront à le valider pour les prochaines élections, donc les retraités et les boomers, pour garantir le statu quo. Il a joué son rôle de statu quo. Regardez ce qui s'est passé là quand on discutait il y a environ 5-10 minutes. Gandalf nous lit le propos du médecin, on essaie de débattre et tout, mais enfin, on n'y connaît rien nous non plus, donc on essaie d'être prudent, etc. Macron, il a peut-être eu la même chose, hein, c'est possible. Moi, je ne crois pas que Macron soit moteur dans cette question-là. Macron, il a été mis là, comme tu as dit, pour le statu quo, c'est-à-dire c'est vraiment un fondé de pouvoir de la finance. C'est un administrateur. C'est un administrateur. Voilà, donc il a été placé là par la finance internationale et aussi des catégories qui se retrouvent dans le statu quo. Bon, on va pas toutes les énumérer. Et il est, à mon avis, il est effectivement Macron. Il s'est retrouvé devant un fait accompli Et pour moi, l'origine de la cabale ne se situe pas là, parce qu'en fait, on n'est pas face à une cabale nationale, on est face à une cabale internationale. Et cette cabale, elle passe par des institutions qui sont quand même assez clairement identifiées, comme l'OMS notamment. Et ce sont des institutions, si vous voulez, qui sont tellement, je veux dire, établies depuis tellement longtemps, dont la presse nous... Il n'y a pas un moment où... Parce qu'à partir du moment où on dit Internet, vous savez, ONU, vous voyez, c'est des trucs, une espèce de magie comme ça dans le mot, dans l'acronyme, voilà, ça paralyse toute espèce de critique. Donc, encore une fois, l'argument d'autorité. Macron, je ne sais pas, je pense qu'il n'était pas tellement au courant de ce qui était en train de se passer, mais en tout cas, il a très rapidement pris le train. Mais je crois de la même façon, sur un autre sujet, mais le réchauffement climatique, je pense que Macron n'y connaît rien. Je pense qu'il n'y connaît rien à ces questions-là. Mais on lui a dit, écoute, c'est pas négociable. Ça fait partie du package. Donc, si on te soutient sur la question du réchauffement climatique, il faut que tu sois en pointe. Et donc, on a eu, avant lui, il y avait François Hollande avec les accords de Paris, etc. Et donc, voilà, si vous demandez à Macron des questions basiques sur le climat, c'est pas un climatologue. Il va pas vous répondre avec des réponses extrêmement précises. Il va vendre le produit, parce que c'est un VRP, il va vendre le produit qu'on lui a demandé de vendre. Mais le type n'a pas la moindre idée de ce dont il vend, de ce qu'il vend. Et je pense que c'est le même cas là, quoi. Donc, lui, au début, il était un petit peu, je pense, un petit peu comme un certain nombre d'autorités à travers le monde. Bon, voilà, ils ne sont pas trop posés de questions. Puis, soudainement, il a pris le train en marche. Et c'est le cas de le dire. Et voilà, quoi. Mais je pense, en revanche, et là, on en parlera dans la deuxième partie, que les groupes qui sont à l'origine de cette hystérie, en revanche, savent très bien ce qu'ils font. Ça, j'en suis aussi très convaincu. Voilà. Et je pense que ce sont les mêmes que ceux qui défendent la thèse du réchauffement climatique d'origine humaine. Je pense que c'est le même but, et on aura l'occasion d'en parler, quoi. Mais donc, je suis assez d'accord sur ce que tu dis quand tu dis, voilà, Macron, c'est pas Machiavel, en train de... Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais je pense aussi, il a très vite compris qu'il fallait pas discuter, il fallait faire ce qu'on disait, voilà, et bon. Non, mais enfin, comme l'a dit McDuff, c'est un gamin, Macron. Il a été biberonné par maman, hein, et il traîne dans des cercles qui sont des cercles fermés, quoi. Il a grenouillé tout enfin, oui, depuis qu'il est sorti de l'école, il a grenouillé dans une espèce d'entre-soi. Où on pense tous pareil, où on pense tous la même chose, donc il applique ce dans quoi il a vécu, il est dans son monde, hein, finalement. Après, je ne dis pas ça pour sauver Macron, hein, ce n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, mais j'ai envie de dire qu'il faut se mettre aussi un peu à sa place. Pour le coup, je rejoins un peu la vision de Gandalf, il faut voir une vision un peu plus macro, et pas juste se contenter du niveau national, parce que si jamais tout le monde lui dit « c'est la fin du monde », et le type, il n'y connaît rien, et qui prend le risque de ne pas faire des mesures coercitives comme tous les autres pays européens et qu'une catastrophe arrive, bah le type, il est mal. Après, il faut qu'il se justifie devant la population. Attendez, il y a une catastrophe et c'est de ma faute, quoi. Il ne connaît peut-être pas grand-chose en médecine et il est obligé de faire comme nous, hein, c'est-à-dire d'avoir des experts et éventuellement de faire le tri entre ce que ces experts disent, puisque je pense que même à son niveau, ses propres experts doivent se contredire et à un moment donné, il doit trancher. Mais je pense qu'il a quand même deux, trois notions d'économie. C'est quand même plus son domaine. Il connaît quand même bien le système financier. Il sait très bien comment fonctionne la création de crédit, l'argent dette et compagnie. Et je pense que... Moi, je les vois, ils prennent peur. Hein. Je vois Bruno Le Maire qui est très inquiet, qui est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Il craint, je pense... Peut-être même pour sa vie, parce que les gilets jaunes, à mon avis, je pense, pourraient revenir au cube. Et il sait très très bien, on en reparlera dans la deuxième partie, que si le déconfinement se passe de façon différée dans la zone euro, avec la planche à billets qui fonctionne, ça va être mortel. Mmh. Ça, je pense qu'il le sait très très bien. Et on n'a pas encore la teneur de son discours. Mais je précise qu'on enregistre l'émission la veille, hein, le dimanche. Exactement. Mais je pense qu'il cogite, il pense très fortement à ça. J'ai vu que Bruno Le Maire parlait justement de l'hypothèse d'un déconfinement différé et du transfert de capitaux massif, hein. Massif à l'intérieur de la zone euro et au niveau mondial. C'est impossible. Les Allemands vont pas payer. Hein. je les comprends. Qu'est-ce qui est impossible? Pas, je veux dire, je comprends leur théorie, mais jamais les Allemands paieront, quoi. C'est-à-dire, c'est... Ah non, c'est mais pas... il va y avoir transfert de capitaux, c'est sûr. Ça, ah non, tu veux dire que... Ah oui, d'accord, oui, là je te comprends. Oui, d'accord, oui, c'est ce que je comprends, ce que tu veux dire. Ah non, mais non. Le maire, si tu veux, a dit au début ce qu'il voulait, c'était mettre en place le mécanisme européen de solidarité. Donc le mécanisme européen de solidarité est soumis à conditions. Toi, tu peux pas faire ce que tu veux. Et le maire, au départ, a dit, bah, on va fonctionner comme ça. Et pourtant, le maire, qui est quand même quelqu'un de relativement germanophile, qui est germanophone, sait très bien qu'il va falloir se plier à des conditions. Mais je pense qu'il s'est rendu compte un peu sur le tard que bah, les Allemands ne voudraient pas et que la France ne pourra pas. Donc je pense qu'à ce niveau, l'Europe s'est un peu pliée. Hein. Ça, c'est mal barré. Ah oui, non, ça je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais depuis l'origine, de toute façon, depuis le début, hein, depuis même la déclaration du confinement, il y a très clairement une scission entre le ministère de l'économie et des finances et certains ministères qui sont liés, comme le ministère du Travail, et l'Élysée et d'autres ministères. C'est très clair. Donc on ne sait pas ce qui se dit, mais pour moi, il y a de très fortes tensions. Même vis-à-vis de cette stratégie, c'est-à-dire je pense qu'il y a des gens au sein du ministère de l'économie qui se sont dit c'est quoi ce truc, quand ils ont vu les perspectives, ils disent c'est pas possible, on peut pas bloquer l'économie pour sauver quelques dizaines de milliers de vieux, quoi. C'est-à-dire, ça n'a aucune justification possible, mais c'est pas eux qui décident, ça vient de l'Élysée, et l'Élysée a décidé comme on le sait, quoi. Et on a vu des appels récurrents de la part du ministère, des déclarations qui, encore aujourd'hui, de Normandie, ça c'est le ministre de l'Agriculture, alors tu sais, tu parlais peut-être de menaces de mort sur la tête de le maire, il y en a un autre qui risque peut-être encore plus sa vie, c'est de Normandie. Hein. C'est le ministre de l'Agriculture, si je ne m'abuse. Hein. Ouais. Alors les agriculteurs, là, en ce moment, si vous voulez, ça doit bouillir à un niveau, j'ose pas imaginer. Alors bon, ils ferment un peu leur gueule parce qu'ils se disent, bon, oui, mais enfin, c'est quand même des clients, donc on peut pas non plus complètement bousiller notre image en disant qu'on s'en fout de la santé des gens. Mais bon, je pense qu'ils en ont quand même globalement plein le cul du confinement. Et De Normandie a dit aujourd'hui, il faut rouvrir, je crois même qu'ils vont le faire. Enfin, il a demandé formellement la réouverture des marchés partout en France pour soutenir l'agriculture locale. Enfin, l'agriculture française, quoi. Donc c'est en totale contradiction avec ce que va annoncer Macron demain, c'est-à-dire l'extension du confinement pour qu'il soit pour que ce soit un succès. Hein. Bon. Donc et pourquoi il fait ça? Pourquoi De Normandie dit il faut vite réouvrir, s'il vous plaît, c'est important pour l'économie, pour les agriculteurs, et de l'autre Macron qui continue son chemin. On voit bien qu'il y a des tensions, que même si De Normandie il a été mis là par Macron. Il ne peut pas faire abstraction de ce que lui disent les syndicats, les différents représentants avec qui il interagit, etc. Parce que la pression monte, quoi. Mais c'est surtout que si on ne peut plus bouffer, à un moment donné, ça va être problématique. Hein. On n'aura pas plus. Enfin, on s'arrête de bosser, etc. On reste chez nous, on bouffe moins, enfin, on ralentit tout pour sauver des vieux. Mais tu as des mecs qui sont chargés de le secteur primaire. Hein. Ouais. Voilà, de faire le. De faire de la bouffe, quoi, simplement. Si ces gens-là ne vendent pas assez et qu'ils ont des charges qu'ils ne peuvent pas assumer, bah, ils vont mettre la clé sous la porte. On en parlait un petit peu avec McDav ces derniers jours. Tout ce qui est viticulteur, ça va être assez rigolo, hein, les vendanges. Bah, on parle d'une fermeture de l'espace Schengen jusqu'en septembre. Donc tous les maraîchers, les viticulteurs qui se sont organisés pour avoir des réseaux de main-d'œuvre qui viennent des pays de l'Est, des Bulgares ou. Ils sont rentrés chez eux, ils vont avoir personne. Parce que même sur place, t'as beau avoir quelques chômeurs, t'as pas la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, faut la fixer localement. Et tu la fixes pas localement comme ça, faut s'organiser pour la fixer localement, pour 15 jours. Mais c'est pire que ça, Magnav, parce que bon, les Bulgares, les Roumains, les Polonais sont rentrés chez eux, ok. l'État français s'est dit c'est pas grave, on va les payer plus. Ça les a pas fait revenir. Ils ont contacté les États membres de ces gens en disant écoutez, essayez de trouver un moyen pour qu'ils rentrent. Le problème, c'est que les États qui se trouvent entre la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, ont fermé leurs frontières. Donc, de toute façon, ils ne rentreront pas. C'est un problème européen absolument fou. Et en ce moment, on déjette de la nourriture en France parce qu'on ne sait pas l'écouler, justement, parce que les marchés sont fermés, parce que c'est une gabegie absolument extraordinaire. Et non seulement ils n'ont pas le personnel des pays de l'Est, mais tu ne peux pas faire, comment dire, tu ne peux pas demander à des chômeurs d'aller collecter des choux ou des patates. Ça ne marche pas comme ça. Si ces gens ne connaissent que dalle en agriculture, ils n'ont aucune solution. Quelqu'un d'autre sur tout ce qu'on a dit là? Ce qu'on vient de dire? Bon, on dérive un peu parce qu'on partait de ce que nous disait le médecin. Là, on est parti un peu plus sur l'économie. Mais... Gandalf, une dernière chose justement sur ce que disait le médecin. Messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. Voici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 15. Alors, Alexis voulait nous parler d'une disparition, comment dirais-je, récente. Peux-tu nous en dire plus, Alexis? Oui, il s'agit du dessin du docteur Dor, qui était embryologiste et qui était le fondateur de SOS Tout Petit. Donc vous avez compris que c'était, si vous ne le connaissiez pas, le docteur Dor, Xavier Dor, militant donc opposé à l'avortement historiquement, militant pro-vie. Alors il est décédé officiellement du coronavirus, mais bon, il avait plus de 90 ans. Son association continue d'exister. Depuis 2016, elle est dirigée par un autre embryologiste, cytogénéticien également, Philippe Piloquet. Qui s'appelle SOS voilà, Tout Petit, je crois. Oui, SOS Tout Petit. Donc, on a, exactement. On a donc l'illustration aussi que la science, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup qui valident l'avortement, qui n'y voient aucun problème, alors que Dr. Dor faisait partie des gens qui ont bien expliqué que le fœtus, c'est déjà un être vivant. Alors, lui était très chrétien, hein. Bon, alors effectivement, tout le monde ne sera pas chrétien parmi les gens qui écoutent, mais en tout cas, non seulement ça s'appuie sur des arguments religieux, mais aussi sur des arguments biologiques, hein. On sait qu'il y a des membres très petits. Je rebondis, je veux dire, qu'on prétende que les embryons ne soient pas vivants me paraît relever de la folie furieuse. Vous regardez n'importe quel documentaire, vous savez, il y en a souvent des documentaires sur l'origine de la planète Terre, son évolution à travers les âges, etc. Il y a toujours la question de l'apparition de la vie. Vous apprenez que quand vous avez une espèce d'amibe au fond d'un océan, on vous explique que ça, c'est l'apparition de la vie, à juste titre d'ailleurs. Donc je ne vois pas bien pourquoi un amas de cellules au fin fond d'un océan, il y a 4 milliards d'années ou 3 milliards d'années, c'est le début de la vie, et pourquoi un embryon dans le sein d'une femme, ça c'est une construction intellectuelle, ça n'est pas la vie. Donc on se fout de la gueule des gens, c'est bien évidemment la vie, ça tombe sous le sens. Est-ce qu'on pourrait se permettre aussi de rappeler qu'il y a, je crois, 300 000 avortements en France chaque année, hein, c'est 200-300 000, ouais. Et que, bon... Bon, ceci étant dit, moi... Oui, non, mais le ministre de la Santé s'est inquiété, hein, cette période de confinement, qu'il y ait moins d'avortements, hein, c'est une inquiétude de service de santé... Véran, sur l'amicale pression de Rossignol, son prédécesseur, voilà, qui est une folle socialiste, hein, qui est une folle intégrale. Donc on arrête un pays entier, on arrête l'économie, on tue l'économie, on met des gens au chômage pour sauver des vieux. Quelques vieux en plus, hein, c'est pas tous les vieux, c'est quelques vieux. Par contre, et on s'émeut du fait qu'il n'y ait pas assez d'enfants morts. Et précision extrêmement importante, en cette période de confinement, il y a un décret qui est passé, et c'est déjà en application. L'avortement par médicament a été prolongé jusqu'à 2 mois, voilà, 9 semaines pour être précis. Donc, il y a des priorités quand même. Oui, effectivement. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Gandalf, il y a une énorme contradiction entre les mouvements animalistes et les pro-avortements. Ah, intéressant, si, ça. Si tu considères que, finalement, une amibe ou un ver de terre a la même dignité et la même importance qu'un être humain, alors tu peux considérer qu'un fœtus a également la même dignité qu'un être humain. Tout à fait. Et autre chose, c'est que, à un moment donné, tu as la question du droit, n'est pas une question de la biologie. Quand tu t'intéresses un petit peu à l'éthique, tu sais très bien que, par exemple, les lois sur la majorité, ce n'est pas en fait une question de nombre d'années, c'est une question de fertilité ou de nubilité. Mmh. Et là, on n'hésite absolument pas à considérer que la conscience émergerait à partir d'un certain nombre de semaines de vie, alors qu'on sait très bien qu'entre les Asiatiques et les Nègres, il y a une différence de gestation qui est de l'ordre de 2 semaines. Ou pas mot, 2 semaines, oui. Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis même, pour des gens qui contestent le fait biologique, la nature comme devant se traduire dans la législation, il me semble quand même qu'on comprend comme l'âge de raison et surtout l'âge de l'acceptation de l'acte sexuel chez... Elle va dire un adolescent, c'est précisément lié à la puberté. Donc on se fout du monde quand on dit que quand on fait semblant, enfin quand les féministes font, enfin entre autres, font semblant de ne pas indexer, on va dire, le droit sur la biologie, on se fout de la gueule du monde, on se fout intégralement de la gueule du monde, bien sûr. Tuer des bébés, ça va, mais applaudir Émeric Caron, le chroniqueur de Ruquier, là, qui pleure devant les caméras parce que, pour rappel, quand on tue un moustique, c'est la fin du monde parce que les moustiques, vous savez, sont des êtres sensibles. Je troll absolument pas, il a vraiment dit des trucs comme ça, il fait des vidéos pour dire que voilà, quand vous tuez un moustique, vu que c'est un antispéciste, hein, vous tuez un être vivant et vous tuez une maman moustique, vous vous rendez compte. Voilà. C'est bizarre, c'est bizarre parce que ça me fait penser un peu à Nietzsche. Avec son histoire de subjectivité, là, mais j'ai l'impression que ça amène les gens vers le bouddhisme. Ça, c'est curieux. Les Monty Python faisaient des sketchs là-dessus il y a quelques années, hein. Mais maintenant, c'est devenu une réalité. Voilà. Ceci étant dit, pour être tout à fait complet, exhaustif, disons, sur le sujet, le fait est que il y a un certain nombre de parasites, quand même, qui ne pèsent pas sur les épaules des Français grâce à l'avortement. Il faut bien aussi le dire. Et je pense plus particulièrement aux allogènes qui nous colonisent, pour être à peu près complet. Malheureusement, l'avortement chez les allogènes est très très peu courant, puisque l'islam prohibe l'avortement, la tradition africaine prohibe l'avortement. Donc, à part quelques des vietnamiennes ou des... Peut-être quelques juifs. Il y a peut-être quelques juifs qui sont avortés, ça c'est vrai. Ça nous débarrasse peut-être de quelques étrons, mais en dehors de ça, non, je crois que l'avortement... Astérix, oui, l'islam effectivement interdit ce genre de truc, mais l'islam interdit aussi le fait de berette, de se faire bourriquer... Par des nègres hors mariage, mais Ça se passe. L'islam est une sorte de judaïsme, c'est-à-dire que bon, il y a les interdits, puis après il y a la pratique derrière, c'est-à-dire que elles se font ramonner bien comme il faut, hein. Ce sont des tuyaux de poils, hein, de poils à bois, hein, c'est aussi large, hein. Et au final, tu as derrière le médecin séfarade qui va venir refermer tout ça pour que lors du mariage avec refermer l'hymen, le bon mari marocain ou algérien ou tunisien. qui va retrouver sa dulcinée, qui sera fraîche comme un gardon. Hein. voilà, donc il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que les beurettes avortent en masse, et même les négresses en fait. Mais bon, les négresses devraient le faire encore un petit peu plus. C'est vrai que. Ouais. On parle assez peu de cette histoire de reconstitution d'hymen qui, quand même, ne ment pas piquant, il faut bien le dire. L'allusion à Émeric Caron m'a fait réfléchir à quelque chose, c'est que, alors, je reviens deux secondes au Docteur Dor, il avait monté des, entre guillemets, commandos anti-avortement, donc il rentrait dans des avortoirs avec des gens de son association, mais ils n'étaient pas armés, ils n'avaient que des chaussons qui étaient destinés aux petits qui naîtraient si jamais l'avortement n'était pas commis, et ils avaient aussi des chapelets, c'est un groupe catholique. Mais qui leur a tapé sur la gueule, qui était en première ligne pour les frapper physiquement, ces gens, c'était les gens, les anarchistes, les Black Bloc et compagnie, les gens de la CNT, tout ça. Donc pour montrer le lien qui existe, en tout cas objectif, les alliés objectifs que sont le grand capital mondialiste, etc., matérialiste, et puis les gens de gauche, d'extrême gauche. Oui, oui. Et d'ailleurs, on pourrait, bon, à part, oui, certainement. Mais a été créé le délit d'entrave à l'IVG, donc suite aux actions notamment de ce groupe-là, la loi Neyertz de 93. Donc, on n'a pas le droit d'essayer de convaincre une femme, donc par conséquent, de peut-être ne pas avorter. Ça, c'est en fait, c'est terrible. Ça. Donc ça, c'est un délit officiellement depuis 93, grâce, en tout cas, en raison de l'action notamment de Cordor. On m'arrête là pour lui. En tout cas. Bah, c'est complètement con, puisque de toute façon, par définition, tu n'as pas le droit d'entraver une personne. Donc je ne vois pas bien en quoi c'est un délit. Je veux dire, tu peux pas prendre quelqu'un dans la rue, dans l'espace public, pour l'empêcher d'aller quelque part, toi, physiquement. Donc je vois pas. Non mais enfin, c'est. Je vois bien l'intention. C'est tenter de convaincre. Non mais c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de tenter de convaincre une fille, une jeune fille qui Ah oui, c'est ça, ah, entrave, ah oui, compris comme ça, ça oui, effectivement. Ah oui, non, mais c'est pas comme. Ah, mais je crois qu'ils ont, hein, ont voulu même l'étendre à Internet, je crois, ce truc. Ah, il y a un site qui a été condamné hein, pour ça, hein, parce qu'il a fait, ah, en oui, gros, description du fœtus à un âge assez tôt, pour montrer qu'effectivement, bah, au bout de quelques semaines, tu voyais déjà pas mal de choses. Et oui, ils ont, le site a été condamné, je ne sais plus c'était quel site, mais oui. Ah ouais, là, c'est bien, c'est intéressant. Bah, les Jéhovah réclament... Bah oui, Moloch... Bah, c'est Pessard quand même, hein, j'ai envie voilà, de te dire, c'est Pâques. Hein, des gens qui ont des fêtes. Et oui. Alors messieurs, puisque nous sommes lancés sur la thématique du judaïsme, je vous propose d'enchaîner avec cette rubrique numéro 3, les salles juives de la semaine. Nous en avons deux cette semaine. Et je vais commencer par une femme, devrais-je dire une sorcière. C'est cité par Ouest France, hein, l'article que je vais vous lire. La contrôleur... Alors vous savez, parce qu'ils ont... non, mais je lis. Mais bon, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, a dénoncé ce samedi 11 avril l'impréparation des pouvoirs publics français face à l'épidémie de coronavirus et a appelé le gouvernement à aller plus loin. Plus loin, sous-entendu, à libérer davantage. Ils en ont déjà libéré 8000. Hein. À aller plus loin en libérant 7000 détenus supplémentaires en fin de peine. Je cite Adeline Hazan. Ce que prouve cette crise en prison, c'est qu'aucun plan n'avait jamais été, par aucun gouvernement, envisagé pour faire face à l'éventualité d'une épidémie et de ses conséquences en prison, a-t-elle dit sur France Inter. On voit bien que les pouvoirs publics ont été pris de court et ont bricolé un certain nombre de décisions, mais tout à fait en urgence, a-t-elle ajouté. Compte tenu de cette surpopulation carcérale que nous connaissons depuis des décennies, il aurait été évident qu'il fallait prévoir ce qui pourrait se passer en cas d'épidémie, et malheureusement, on s'aperçoit que ça n'a pas été fait, a-t-elle déploré. Depuis le début de l'épidémie en France, qui a fait à ce jour 13 000 morts selon le dernier bilan officiel, 60 détenus ont contracté le coronavirus et près de 900 agents pénitentiaires sont confinés à domicile, selon la chancellerie. Un surveillant et deux détenus sont par ailleurs décédés du Covid-19. Pour tenter de freiner la propagation du virus, l'accès aux parloirs dans les prisons françaises est suspendu depuis le mois dernier et une ordonnance a été prise pour faciliter la libération anticipée de détenus se trouvant à 2 mois de fin de leur peine. Au total, près de 8000 détenus ont été libérés en un mois, annoncé le ministre de la Justice, la ministre de la Justice Nicole Belloubet lors d'une audition devant la mission d'information portant sur l'épidémie de coronavirus mercredi, ça c'était à l'Assemblée nationale. Un chiffre jugé insuffisant par Adeline Hazan. Au 1er mars, il y avait 13 000 détenus en surnombre, ce qui est énorme, a-t-elle dit. Il faut que sortent les détenus en fin de peine, pas à 2 mois, mais à 6 mois de leur fin de peine, avec un examen bien sûr, et en excluant les infractions liées au terrorisme et aux violences intrafamiliales. Quant à la généralisation du port du masque à l'ensemble des détenus, tout comme l'organisation de tests de dépistage écartés par le Conseil d'État cette semaine, ce devrait pourtant être une priorité compte tenu de la promiscuité du milieu carcéral, a estimé Adeline Hazan. Il est évident que les gestes barrières sont absolument impossibles et qu'il faut en urgence procurer aux détenus au moins du gel, des masques et des gants, et pas uniquement aux surveillants, a-t-elle indiqué. Faute de quoi a-t-elle mis en garde le risque d'un scénario à l'italienne avec des mutineries n'est pas à exclure. Bon, il a déjà eu lieu, hein, mais bon. Même si, à l'heure actuelle, les mouvements de protestation déclenchés par la décision de suspendre des parloirs semblent s'être un peu tassés. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion de Madame Adeline Hazan, contrôleur des prisons françaises, et par ailleurs, tout à fait... titre d'anecdote de confession juive. C'est aussi une magistrate qui est présidente du syndicat de la magistrature. Oh, une trotskiste radicale. Oh, elle n'y est plus. Mais elle y était. Voilà, donc c'est un syndicat de la magistrature. C'est donc pas en, un non, mais en fait, terroriste, c'est, marxiste. C'est militante judéo. C'est une militante judéo-bolchevique. C'est judéo-bolchevique, judéo-trotskiste. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est une bolchevique. C'est une vraie bolchevique. Alors, Donc elle messieurs, appelle à ce que nous relâchions les assassins dans les rues, les islamistes, qui ont déjà été relâchés en partie. Mais il y en a déjà eu 7000, mais ce n'est pas assez. Il en faudrait plus. Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Plusieurs choses à dire là-dessus pour préciser. Alors effectivement, il y a eu 8000 libérations de détenus sous la supervision de la bolchevique juive Azan. Hein, on est d'accord. Hein. 8000, dont 130 djihadistes. 130 djihadistes, dont certains éléments très proches de la direction d'Al-Qaïda, notamment au Yémen. Bon. Donc des durs de chez durs. Ils sont maintenant libres, comme l'air. Ouais, grâce c'est à l'équipe Madame Kouachi Azan. Et compagnie. Enfin, des gens de ce calibre-là, tout à fait. Alors, donc, ce n'est pas assez pour la bête hébraïque, il en faut davantage. Il en faut 7000 supplémentaires. Bien évidemment, ces 7000 étant un simple début. Alors moi, je veux simplement dire ça, ensuite je vous donne la parole, mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il n'y a rien d'étonnant pour qui connaît son histoire. Les Juifs, en période révolutionnaire, font toujours ça. Toujours, systématiquement. À chaque fois que ces gens sont occupés à essayer de renforcer leur étreinte sur une société donnée, ils ouvrent toute une série de fronts, et notamment en libérant les pires criminels d'un pays. Les pires. Et dans la Russie tsariste, lorsque les Juifs ont alimenté la révolution, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'ouvrir les tôles. Pourquoi ? Pour saturer l'espace public de criminels, de gangsters, qui allaient intensifier l'anarchie et le chaos, pour ensuite justifier les mesures d'exception qu'ils allaient prendre, bien sûr. Et ils ont toujours recruté dans la lie de la société. Les Juifs recrutent systématiquement dans la lie de la société, systématiquement. Et ici, la lie raciale. Donc voilà, si vous voyez des djihadistes qui sont en train de se faire élargir par centaines en France aujourd'hui, au motif qu'il y aurait un cataclysme viral, qui, comme on l'a assez abondamment dit ici, n'a pas lieu, ce n'est pas du tout parce qu'il y a l'imminence de morts par million, c'est simplement que ces gens veulent semer l'anarchie pour renforcer leur étreinte. Rien de nouveau sous le soleil, mais malheureusement, les goïms se font une nouvelle fois rouler dans la farine. Voilà. Les djihadistes sont libérés, et vous, vous êtes confinés. Donc c'est... Alors, pas que confinés, parce qu'il y a beaucoup de Gaulois et qu'on fout au trou, parce qu'ils sont partis promener leur chien ou fumer une clope aussi, ça arrive. Oui, ça. Voilà, faire du VTT en forêt. Oui, voilà, traqué quand même par la gendarmerie grâce à ces hélicoptères. Voilà, donc vous voyez quand même l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on libère des djihadistes, on libère des violeurs, on libère des assassins, et de l'autre côté, on dit, hey, Benoît, t'es pas sérieux, c'est la deuxième fois que tu sors pisser, sans l'autorisation, c'est la tôle maintenant. Hein. Tôle, voilà, c'est la tôle. Voilà. Mais attention, il faut pas exempter il faut comprendre que les coupables de tout ça, des Français qui se font mettre tôle alors que des djihadistes sont libérés, c'est aussi tous ces tocards de collabos qui appellent parce que leur voisin a réuni pour Pâques, il a invité sa famille ou il a invité quelques amis, mais qui sont incapables de dénoncer quand Momo et Toufik font du trafic en bas de chez eux. C'est cette bande de tocards, de collabos qui veulent se sentir nobles au moindre risque. Vous savez, ils se sentent participer d'une mission de protection de la nation uniquement quand ils prennent zéro risque et quand les personnes qui vont balancer sont leurs voisins. Quand c'est les ennemis de la nation déclarés, là par contre tous ces tocards de collabos ferment leur gueule. En tout cas, bonne idée de libérer des djihadistes juste avant Ramadan, ça va nous donner un petit peu d'action oui. Parce qu'on commençait à s'emmerder. Quoi. Oui, tu le fais bien de le souligner, cher Astérix, qui nous a rejoint, ça nous fait plaisir. Le Ramadan va commencer en plein confinement. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire là-dessus ? Ben moi, je suis quand même assez déçu par la tournure que prend cette histoire-là dans les quartiers, dans les zones africaines, hein, dans Dar al-Islam en France. Puisque bon, la préfecture a grosso modo, enfin les préfectures et l'État grosso modo abandonné l'idée de faire régner l'ordre comme il le fait régner sur les Français, hein, sur les Blancs, qu'ils traquent de manière impitoyable. Donc le Ramadan, oui, bon, ben, ça m'a donné, ils vont laisser faire. Je m'attendais au grand chimp-out avec la grande chimpanzerie extériorisée, pardon. Bon, ça sera, je pense qu'on alors que ces quartiers-là seront en enclave, quoi. Alors, moi, j'ai quand même envie de dire une chose pour le ramadan. Ici, je pense qu'on a fait un gros travail. Au niveau, comment dirais-je, histoire des religions, hein, vis-à-vis de notre public, nos auditeurs. On a souvent expliqué ici à chaque ramadan, on en a quand même fêté collectivement, c'est le cinquième bientôt, c'est pas mal. Je pense que c'est le cinquième ou sinon le quatrième. On a souvent dit ça ici, que le ramadan est le moment d'élection, hein, pour les candidats au djihad. Parce que Allah offre ses faveurs, plus particulièrement lors du mois sacré du ramadan, et plus spécialement encore lors des vendredis de prière, lors du mois de ramadan, le dernier vendredi, le premier et le dernier vendredi étant les jours d'entre tous où le croyant est favorisé dans son effort, dans son djihad contre les infidèles. Alors, il faut s'attendre, je pense, mais bon, on verra bien si les croyants sont à la hauteur, on ne sait pas, y a-t-il vraiment des croyants en France, est-ce que la Oumma est fortifiée au point de passer à l'action, on verra bien, mais, chers amis, lors du premier vendredi de la prière du Ramadan et lors du dernier vendredi, nous pourrions voir, lors de ce confinement, eh bien, des étincelles de diversité tout à fait intéressantes. En tout cas, je suis pole positionné pour les commenter le moment venu. Voilà, on va bien voir. Ça va commencer à devenir difficile d'être ministre de l'Intérieur en France, parce qu'entre commenter le confinement, les interdictions, et en même temps expliquer que l'islam n'a rien à voir avec l'islam, et que quand il y a des attentats, c'est pas vraiment lié à l'islam, parce que bon, quand même, Mohamed, Toufik, ils sont persécutés, trucs bizarres. Ça va être intéressant. J'attends de voir ça, je sais pas, j'attends de voir. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir comment va réagir la population française. Parce que justement, j'en parlais, les mecs sont prêts à appeler la police parce que leur voisin fête Pâques avec deux, trois membres de la famille. Ils invitent, il y a deux voitures garées devant le pavillon. Ça y est, t'as les trois, t'as tout le lotissement qui est en train d'appeler la police. Donc moi, j'attends avec impatience de voir comment la population française va réagir quand les musulmans vont fêter Ramadan. Parce qu'il ne faut même pas s'imaginer une seule seconde que les musulmans vont respecter le confinement pour le Ramadan. Il ne faut même pas s'imaginer une seule seconde. Pour eux, autant les chrétiens sont laïcisés et on est capable quasiment personne n'a fêté Pâques comme il se doit. Quasiment personne. Bah, on voit les églises sont vides et tout ça. Les prêtres font confessent les paroissiens par internet et tout ça, mais ça c'est les blancs, les blancs civilisés et puis laïcisés. Mais il faut même pas s'imaginer une seule seconde que les musulmans vont agir de la sorte. Donc il va y avoir des réunions de musulmans et j'attends de voir tous ces petits français de merde, comment vont-ils réagir à ça, quoi. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça va scinder un peu plus la population en deux entre les musulmans et les êtres humains. Mais on va pas voir. Qui d'autre? Des spécistes, du coup, Astérix. Ah ben oui, il y a des... Mais on ne libère que des djihadistes et que des bougnoules, si j'ai bien compris. Bah, on libère des tolards, donc fatalement... Alors il faut nécessairement créer un cordon humanitaire pour la libération de Michel Fourniret et sa promotion au titre de ministre de l'Éducation nationale. Écoute, je dis pas non. Comme ça, je m'accorde le temps de la réflexion. D'autres libérations comme ça, anticipées? Je sais que Guy Georges doit sortir bientôt aussi. Oh oui. Vous savez, mais vraiment, je crois qu'il devait être libéré en 2021, donc il est éligible. Donc je présume que Guy Georges va lui aussi être élargi. Il faudrait lui rendre les nouvelles adresses de toutes les nanas qu'il a violées pour qu'il puisse les remercier d'avoir été d'abord d'avoir déposé plainte et en plus d'avoir témoigné au tribunal. Alors, la plupart sont mortes, hein, mais il y a quelques survivantes effectivement qui, je suis sûr, sont très rassurées pendant ce confinement de savoir que Guy Georges est très probablement dans le lot des gens qui ont bénéficié, enfin des gens. Bah, Guy Georges, c'est l'or bleu, quoi, hein, par excellence. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, messieurs, On remercie quand même Adeline Hazan, juive de son État, pour penser très fort à la sécurité des Français, parce que c'est important hein, quand même, la sécurité des Français, ça compte. Moi, je veux dire, en pleine période d'épidémie dévastatrice, etc., je veux dire, au moment où tout le monde va mourir, moi, je pense que c'est très important pour ma sécurité, pour votre sécurité, pour la sécurité de tous les Français, de libérer les égorgeurs, les assassins, les djihadistes. C'est exactement ce qu'on veut, ça renforce quand même la sécurité de la France et des Français. Quoi. Donc, merci Adeline Hazan pour cet effort. Et puis nous, en tant que militants fascistes, on est ravis de voir une torsionnaire gérer les prisons en France. Une torsionnaire réactionnaire d'extrême droite. Ah oui ? Alors, il y a certaines personnes qui disent que des militants politiques d'extrême gauche seraient aux commandes de l'État. C'est oui, mais ça, c'est les théories de l'extrême droite, ça. Oui, t'es juif, tant qu'on y est. Ah oui ? Oh non, vraiment. Oh là là, il s'est fait quoi inventer. Alors, messieurs, puisqu'on parle conspiration ennemie, alors encore une théorie complètement bidon, vous savez, celle de la double allégeance des juifs qui travailleraient en Souma, en fait, pour leur état raciste en Palestine. Oh. Je cite, c'est pas mon opinion, je cite. Et donc, non mais je veux dire, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, alors d'un côté, les juifs, voilà, c'est des bolcheviques chez les autres, et ils essaient de semer le chaos dans les pays blancs. Bon, bah ça, on a bien vu avec la Ligue, c'est faux. Et puis, ouais, mais attention, il y a double jeu, les mecs, ils ont leur pays ultra raciste, ultra sécuritaire et tout, pour renforcer la race juive et imposer leur tyrannie, etc. Alors, et là aussi, hein, vous allez juger sur pièce, des nouvelles, donc, de Meir Habib, député français, qui vit ce confinement, écoutez, dans des circonstances tout à fait particulières. C'est quelqu'un qui... Bon, d'abord, il est français. J'ai envie de dire, deuxièmement, il est français. Et troisièmement, il est français. Et à ce titre, parce qu'il est peut-être un peu plus français que vous et moi, il est même beaucoup plus français, il est beaucoup plus patriote, il est plus sensible aux problèmes, en général, des Français. Il est député de la nation, donc... Il est député de la nation. Et qui, voilà. Il est très français, quoi. Alors, on a eu des nouvelles d'après l'Express qui nous explique que le député Meir Habib s'est réfugié en Israël avec sa famille dans la station balnéaire d'Elat, donc sur la mer Rouge, après le début du confinement en France. Trois autres députés sont aussi partis à l'étranger. Donc on a Meir Habib qui a fui. Enfin, qui a fui, je veux dire. Non, pas vraiment. Bah attends, je croyais qu'on était... Le président Macron, il a dit qu'on était en guerre. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui fuient en période de guerre, déjà? Oui, mais justement, j'allais me corriger, justement, parce que c'est dans mon... C'est en fait... Il n'a pas fui, il est retourné chez lui. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, la France et Israël, c'est le même pays. Ah oui, il a déménagé, donc. Il a déménagé... Il ne fuit pas, il est à l'avant-garde. Il est parti dans la capitale. Il est à l'avant-garde de la République. Ça, vous ne comprenez pas. Je raccroche et je décroche, mon général. La station balnéaire, c'est-à-dire que le mec, tu vois, il s'est pas dit, ouais, je suis pas... Station balnéaire, quoi. Donc, alors, au frais... Il est pas allé chez lui, je crois qu'il est où, à Tel Aviv. Eilat, c'est quand même, même en Israël, c'est pas le coin le plus... c'est pas le coin le plus... Oui, le plus israélien où tu fais de la vie, c'est vraiment... C'est au bord de la mer Rouge. C'est les vacances. Eilat, c'est les vacances. Hein. C'est les vacances. C'est-à-dire que t'as Eilat, et puis, d'ailleurs, c'est très beau, pour le coup. Mais autour de ça, c'est un désert, en fait. C'est au bord de. Oui, oui. C'est un bord de mer Rouge, et puis, en fait, c'est vraiment juste une espèce de truc construit à Nilo. Oui, mais alors, il y a une explication, et ça, vous l'avez manqué, oui. Et je m'en vais vous la donner tout de suite, l'explication. Pourquoi aller se loger au bord de la mer Rouge, dans une station balnéaire, alors en tant que député français, juif, au moment où les Français sont en train de se faire chier dans l'appartement, alors qu'il fait Mossad, le temps, je dis. Il faut une explication. Vitamine D. Non. Avril, 8 avril, Meir Habib communique. Dans ces circonstances exceptionnelles et tristes de confinement mondial, je souhaite à tous un bon Pessah 5780. La sortie d'Égypte est un message de liberté et d'espérance à portée universelle. Unis, nous surmonterons cette 11e plaie qu'est le coronavirus. Alors messieurs, tout simplement, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est la traversée de la mer Rouge, donc il est allé sur place. La mer Rouge, donc Meir Habib, mer Rouge, voilà. Voilà, c'est un Mérou, donc c'est un... Oui, vu le taux de gras qu'il a, le père Meyer, c'est un Mérou. Il doit flotter partout, quoi, et pas uniquement dans la mer morte. Il a les mêmes joues, en tout cas. Oui, j'ai entendu dire que des rares cales bleues étaient présents dans la baie de Marseille, près des Calanques. Peut-être éventuellement de nouvelles espèces bien grasses dans la mer Rouge. Puisque tu abordes le fait, les rares cales bleues à Marseille, ça fait longtemps que... Enfin, ça fait longtemps. Oui, j'avais eu l'occasion d'en croiser un il y a une dizaine d'années dans la rade de Marseille. Voilà. Donc en plein confinement, donc. Non, mais non, il y a 10 ans, j'en avais déjà vu, ils étaient déjà là, les rorquals. Ah, mais il y avait déjà un confinement, non? Bah non, il n'y avait rien du tout. Non, mais il y a toujours eu des rorquals. Ah bah moi, j'ai lu dans la presse que c'était exceptionnel, que c'était à cause du confinement. Bah non, mais c'est pas exceptionnel, ils ont toujours été là. Juste que ils sont sensationnels pour rien, quoi. Alors, puisque nous sommes en pleine Pessah, simplement diabolique, je précise parce que, bon, nos auditeurs ne sont pas forcément versés. Alors, en pleine Pessah, donc, comme vous le savez, il y a la prière de Seder sur laquelle nous sommes revenus. Il y a 2 semaines, je renvoie à nos auditeurs, hein, épisode numéro 13, la 5e saison, où donc on consacre le pain de la Pâque qui a été confectionné donc avec la poudre de sang séché de jeunes bébés goïmes, chrétiens, hein, vous le savez. Pour ceux qui ne nous croiraient pas, toutes les sources sont données, c'est très fiable. Et donc là c'est la fête et on parle de la traversée d'Égypte. Alors je tiens quand même à corriger juste simplement un malentendu. Et non, le pharaon d'Égypte n'a pas couru derrière les Juifs pour les garder chez lui. C'est exactement l'inverse. Il les a foutus dehors à coupons dans le cul parce que ces sales crochus ne voulaient pas se tirer d'Égypte. Il faut quand même l'expliquer aux gens. Je veux dire, c'est de la propagande, c'est de la propagande hébraïque, c'est ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est bidon. Les Égyptiens n'en pouvaient plus des Juifs, ils les ont foutus dehors, les Juifs ont tout fait pour s'accrocher, et finalement ils ont reçu un grand coup de pompe dans le cul, et ils ont expliqué exactement l'inverse en racontant des histoires à dormir debout, notamment cette histoire de mer Rouge qui s'ouvre devant Moïse. Voilà. Mais ça c'est complètement bidon. Ouais, alors je suis en contradiction évidente avec ce que tu viens de dire, mais bon, c'est le principe de l'émission, hein. Pluralité des avis. Hein. Tu es du côté des Juifs, donc, c'est ça? Je suis du côté de la vérité. Oui, donc des Juifs, oui. si t'arrives à me trouver... Catholique. Non, mais écoute, si t'arrives à me trouver un seul Juif qui arrive à ouvrir la mer Rouge en deux, moi, je suis preneur, je regarde, hein, je... Ouais, bon courage quand même. Ça marche pas comme ça, on peut pas... Ah, ça marche pas comme ça. Mais oui, je peux pas dire « Dieu, prouve-moi que tu existes en apparaissant devant moi, sinon je crois pas en toi ». Non, mais c'est pas Dieu, c'est Jéhovah, c'est le Dieu des Juifs, c'est pas tout à fait pareil déjà. Et ensuite, est-ce que tu as cru au film La liste de Schindler de Monsieur Spielberg? Est-ce que tu as cru à ça? Surtout au moment où il y a les pommeaux de douche, là. Est-ce que tu as cru à ça, vraiment? Quel rapport, je te suis pas. Les Juifs, c'est le rapport, hein, ça me paraît assez évident. Bah, je vais pas te torturer, mais bon. Je suis heureux de voir que tu es en communion spirituelle avec donc Meir Habib en ce moment de traverser la mer Rouge. Ah, ça y est. Ah, mais je dis. Vas-y. Oui, Diabolique, je voulais prendre la parole, mais il y a d'autres aussi peut-être. Non, Astérix, oui, Astérix. Je me permets un petit aparté concernant la liste Schindler. Où bien entendu, il y a un risque énorme à se retrouver gazé en prenant certains ascenseurs. Bon, mais pour en revenir, je tiens à faire passer un message. Cher coronavirus, cher Covid-19, je te signale que Meir Habib est gras, gros, quasiment en état de coma morbide. Profites-en, mon petit, lance-toi, attaque! Ah ouais, mais malheureusement, il est à Eilat. Oui, il y a des cas en Israël. Mais oui, il y en a. Je pense que Meir Habib étant un fervent croyant, un fervent pratiquant, je pense qu'il bouffe beaucoup de sang de bébé goy. Oui, alors il prend ça à la cuillère. Si ce cher coronavirus t'écoute, il risque également de... de décimer le Qatar ou la bande de Gaza. Parce que là aussi, oui, ah bah, les bouchards de Loukoum aussi, ça. Il y a des Loukoum vivants. Mais donc, oui, Meir Habib, je pense qu'il continue à judaïser dans ses coins hein, pour Pessah. Hein. C'est pas longtemps, c'est probable. D'ailleurs, les synagogues. Excusez-moi, rappelons que pour. Comment ça s'appelle ? Avant Pessah, c'était quoi ? C'était. Pourim. Pour Pourim, les juifs, donc en plein confinement, n'avaient pas de. Enfin, ils se sont. J'ai eu des cas, des échos, dans certaines grandes villes, où ils se sont rassemblés et où ils n'ont pas été. N'ont pas été contrôlés, n'ont pas été verbalisés hein, pour avoir brisé le confinement. Bon. Ah bah ils avaient, c'était même au-delà de ça, puisque la police leur distribuait des laissez-passer. Oui. On en avait parlé lors de l'émission. Des kippas. Voilà. Dites, vous êtes au courant que ce brave Meir Habib, ce tas d'huile, s'est porté comme défenseur de. Je ne sais pas si c'est sur le Rivotril, je ne sais plus quel truc. Mais ce gros tas de merde a pour une fois essayé de se racheter une virginité, je sais pas ce qu'il nous fait, mais il se pose du côté de la du côté du bon sens, mais je sais plus sur quel truc précisément, vous n'êtes pas au courant de ça ? Pourquoi le scandale de Rivotril. Ah oui, l'euthanasie des vieux. Bah ouais, probablement parce que... Oui, mais il y avait quelques survivants de l'Holocauste éternel là qui devaient être dans la ligne de mire, tu vois, je sais pas. Il s'est dit oula. Voilà, là, non mais d'ailleurs un truc comme ça, une espèce d'hôtel communautaire, enfin j'ai un hôtel à vieux communautaire ou je sais pas, enfin il y a dû avoir une embrouille comme ça. Ouais et puis bon, enfin on va. Et il y a peut-être aussi une histoire de règlement, de règlement de compte aussi avec, parce qu'ils ont lâché Buzyn, etc. Donc on sait pas trop, c'est ce qui se passe. Oui non mais puis enfin moi je m'en réfère là maintenant au courrier de notre auditeur, le médecin fier de lui-même et dominateur. Tout à fait. Donc bon. Ça reste quand même des discussions qui semble-t-il, oui, l'efficacité de la chloroquine ne serait pas aussi efficace. Ça dépend quand, ça dépend sur quel patient, ça dépend. Ouais, ça dépendrait quand, et puis ça dépendrait avec quels effets, ouais. Quels effets, en tout cas sur les jeunes. Donc bon, c'est à manier. Avec précaution. Hein, Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce traitement-là, en l'occurrence. Hein, le traitement dont il est... Enfin, c'est pas un traitement dans ce dont il est question. Ce que Meir Habib avait soulevé, mais c'est pas uniquement lui, mais je pense que c'est parce que les organisations communautaires ont soulevé le problème, parce que probablement, comme la décision a été prise au niveau du ministère, ça a été appliqué de manière uniforme. Et quelques Hébreux se sont mis à hurler. Je pense qu'ils ont été depuis exemptés du processus, mais c'était le processus dont parlait précisément notre docteur sûr de lui et dominateur, à savoir que au-dessus de 70 ans, grosso modo, on euthanasie. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, on met un cocktail qui crée une dépression respiratoire et au bout de quelques jours, c'est terminé. Voilà, c'est ce qu'avait dénoncé Meir Habib. Meir Habib a dénoncé ça, je le présume, sur l'alerte que dans la communauté juive a répandu un certain nombre de personnes qui ont constaté qu'il y avait ce type de truc. Et je suis absolument sûr, les juifs en sont maintenant exemptés. Donc seuls les goyes vont mourir, et voilà. C'est vrai que ça a été sorti de premier chef sur Radio J. Voilà, et pour moi, ça sent le règlement de compte post-Buzyn, si vous voulez. C'est-à-dire que Buzyn a été chargé, même par l'équipe de Macron... N'oubliez pas que Buzyn n'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un survivant de l'Holocauste. Encore un. Ex-belle-fille de Simone Veil. Ex-belle-fille de Simone Veil, on ne touche pas. On ne touche pas. Donc, le survivant, son père, survivant de l'Holocauste, était sur tous les médias durant toute l'année 2019, sur France Inter, France Culture, enfin tout, partout. Il a presque 100 ans, hein, l'animal. Voilà, et bon, il explique, bon, Adolf Hitler, c'est l'horreur, etc. Moi, je dirais, bah, Adolf Hitler, pourquoi pas, mais chacun son point de vue. Mais alors, il est partout, il explique que c'est affreux, et soudain, sa fille est maintenant diabolisée partout, donc c'est un renversement complet de situation, et là, on arrive, ah oui, mais en fait, donc après le départ de Buzyn, ah oui, mais Macron euthanasie les vieillards. Alors, ni une ni deux, j'ai envie de dire, euthanasie, action T4, quelque part, on n'est pas loin du docteur Mengele, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi je dis, gaffe, on assiste à des manœuvres en sous-main, et quand vous voyez un gros juif diamantaire comme Meir Habib, dont la considération pour les Français est telle qu'il est déjà, et là, en train de se dorer la couenne pendant qu'en fait les Français sont en train de crever et qu'il est aux au frais des Français, ce n'est pas par charité chrétienne. C'est très clair. C'est très clair. Voilà, je tenais quand même à le dire. Le meilleur Habib, il essaye aussi peut-être de se racheter une virginité, parce que bon, ce gros sac, ce gras double a quand même fait énormément d'enculeries, a participé à énormément d'enculeries ces dernières années. Donc il se dit peut-être que dénoncer le scandale du Rivotril, ça peut le faire passer pour un héros pour pas cher. Mmh. Et que, ma foi, pour accomplir son projet, pourquoi pas sauver quelques goals pour en sacrifier des millions après. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est un truc. Ouais, tout est possible, mais je pense que c'est exclusivement communautaire. C'est vraiment très communautaire parce que ces gens-là jouent vraiment communautaire. Enfin, quelqu'un comme Meir Habib, c'est très communautaire, c'est très focalisé sur Israël, alors que des gens comme Adeline Azan sont sur un autre terrain de jeu. Ceci étant dit, ils se parlent entre eux, hein. Faut pas se mentir, hein. Donc, vous avez toujours les gens qui disent, comment dire, enfin, ce sont les deux faces d'une même médaille, si vous voulez. D'accord. Donc, la diaspora juive de gauche progressiste universaliste d'un côté pour détruire la race blanche, et les ultra-racistes, les ultra-nationalistes qui renforcent leur position. Dans leur quartier général, en Palestine, quoi. Ouais, donc voilà, c'est très clair. Division, répartition des tâches, quoi. C'est très net, quoi. C'est l'occasion de commencer cette discussion. Macron va prendre la parole demain soir, lundi. Nous serons donc le 13 avril. Discours dans lequel, puisqu'on a déjà un certain nombre d'éléments qui ont fuité, enfin pas fuité, bon, c'est l'Élysée qui a fait savoir dans la presse parisienne ce qui allait être dit demain, je veux dire dans les grandes lignes, bien sûr, il y aura toujours quelques petites surprises, mais il a été dit que, notamment, la durée du confinement ne serait plus évoquée en termes de semaines, mais en termes de mois. C'est quelque chose auquel tiendrait particulièrement Macron. Et on évoque, alors pour le moment, bien sûr, on évoque la prolongation du confinement jusqu'au 15 mai, mais que on ne s'interdit pas la date du 1er juin, ou du 31 mai, hein, peu importe. Et donc, voilà, Macron, demain, devrait parler non plus, on va reprendre pour 15 jours, il fera une déclaration qui lui laissera en fait la liberté de décréter le moment venu la fin du confinement, tout en faisant comprendre que c'est un confinement qui va durer et pas durer deux semaines, il va durer beaucoup plus probablement un mois, voire un mois et demi supplémentaire. Alors, juste là-dessus, on a déjà dit un certain nombre de choses, mais en sachant que en Italie, ce serait suspendu vers le 10 mai, je crois, c'est discuté. En Allemagne, je crois que ça ne va pas tarder non plus. Dans d'autres pays, ça va être amorcé aussi, où ça a déjà été amorcé, où en fait le confinement n'a pas été aussi complet que ce qu'on a pu connaître. Par exemple, en Autriche, je sais que les marchés, les magasins restent ouverts, hein. Il n'y a pas d'interdiction de cet ordre. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, sur la prolongation d'au moins un mois, voire six semaines du confinement? Moi, s'il vous plaît, je veux bien entendre que l'on veuille sauver ses parents parce que ses parents sont gentils, etc. etc. Dans ce cas-là, un confinement des vieux pourrait être quelque chose d'envisageable. Hein. Les vieux ont leur, en général, en grande partie, leur domicile. Ils sont... pas à plaindre au niveau financier, donc ils pourraient se faire livrer leurs courses pendant des mois sans sortir et sans que ça ne gêne personne en fait, et ça serait suffisant pour les protéger, entre si tant est qu'ils aient besoin d'être protégés par rapport à ce virus qui tue plus qu'une grosse grippe. Voilà. Moi, c'est ce que je verrais que comme solution, on va dire, Donc logique. un confinement sélectif en fonction de Un l'âge, c'est confinement ce que tu sélectif, as. donc on a des vieux, Bien sûr. Qui... Bah, non, mais c'est logique. Enfin, il n'y a aucune Évidemment, logique. N'importe quel esprit logique comprend ça tout de suite. Voilà, et là, bon, moi, on nous accuse de vouloir tuer nos parents. C'est bon, c'est quand même assez délirant. Il n'y a aucune logique à confiner la population entière. Alors que les vieux qui ont des sous qui tombent à rien foutre par la retraite peuvent se faire livrer des courses chez eux et le pays peut continuer de tourner alors que les jeunes, bon, ben, il y en a quelques-uns, on a vu, il y a des cas, c'est asymptomatique pour le coup. Enfin, c'est au niveau statistique, ça n'est pas, ça représente rien, mais bon, il y a quelques jeunes qui ont des symptômes, ils sont faibles. Bon, oui, ça arrive. Ça, c'est malheureux, ça arrive, c'est comme ça. Mais on n'arrête pas un pays entier pour ça. Les actifs doivent. Enfin, l'activité économique. On parle d'activité économique comme si c'était le. Oui, mais vous êtes là tout le temps en train de parler de la finance des juifs, etc. Non, non, l'activité économique, c'est pas ça. C'est les petites boîtes, les PME qui sont là, qui sont sur le fil du rasoir au niveau de leur compte, qui prennent à droite, qui filent à gauche, qui survivaient hein, jusqu'à ce que cet épisode-là arrive, et qui vont crever. Hein, nous ne voilons pas la face, il y en a qui vont crever. Les restaurateurs beaucoup vont crever aussi. Hein, les aides de l'État, c'est bien, mais ça ne sera pas assez. Ça sera pas assez. Ben, j'ai vu des chiffres là, il y avait un, oui. Il y avait un responsable, oui c'était le responsable d'une fédération quelconque, enfin des bistrotiers quoi, si vous voulez, bon, quelque chose comme ça, qui évaluait à peu près hein, dans l'hôtellerie-restauration, mais je pense qu'il parlait plus particulièrement des bistrots, à 40% hein, la possibilité de destruction d'entreprise. Hein. Pour lui, c'était vraiment c'était foutu, quoi. Hein. Ça allait être un cataclysme. Et il y avait aussi une autre question, c'était les petites stations-service indépendantes. Vous savez, vous avez les stations-service ah oui, des Leclerc, des trucs comme ça, et puis vous avez les stations-service indépendantes. Qui ont déjà morflé depuis des Bien sûr. Ça n'existe quasiment plus. Hein. Et pour eux, ben voilà, enfin là, c'est le coup de grâce. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les zones rurales, bon là, c'est fini, quoi. C'est clair, voilà, ils pourront jamais tenir. Voilà, l'arrêt de l'activité comme ça pendant des mois, ils peuvent pas, quoi. Ils ont pas les reins pour assumer. Et de toute façon, évidemment, la grande distribution va sauter sur l'opportunité. C'est évident, bien sûr. Donc voilà. Donc oui, pour simplement abonder dans ton sens, dans ce que tu as dit, quoi. Que donc moi, j'en profite, excusez-moi, mais ne laissez personne vous dire que le confinement total est quelque chose de logique dans cette. Enfin, non, c'est pas logique. C'est pas logique d'avoir des jeunes. Allez, c'est même pas logique au plan régional. C'est même pas logique oui, au plan pas, géographique. Ouais, c'est-à-dire qu'on a, on part du principe que ce qui se passe en Alsace, par exemple, en sachant que ça a été grossi, ou même en Île-de-France, nécessite un confinement aussi strict, je ne sais pas, en Bretagne, en Normandie ou ailleurs. Ce qui s'est avéré faux. Ce qui s'est avéré faux. Donc vous avez des gens qui sont soumis à un confinement inutile, à la fois géographiquement et par classe d'âge, voire même par classe d'activité. Ça ravage absolument tout. Mais il n'est pas possible de le contester. On ne peut pas dire ah, mais quand même, c'est fait en dépit du bon sens, etc. Et je veux dire, encore une fois, rien ne justifie que les moins de 60 ans soient confinés. Il n'y a rien qui ne justifie. Rien, parce qu'au niveau de. Au niveau, comment dire, du. Même, allez, bon, le virus, il est grave, etc. Ok. Tu prends les moins de 60 ans, c'est ben, au niveau de l'impact que ça a sur eux, c'est que dalle. C'est que voilà, dalle. Parce que l'excuse, c'est l'excuse qu'ils nous donnent. En fait, il faut avoir un brin esprit de synthèse qu'on a tous ici. Et ce qu'il ne faut pas croire, hein, nos dirigeants l'ont aussi. C'est pour ça que pour moi, c'est clairement une déclaration de guerre à l'encontre du peuple de France. Leur excuse, c'est de dire on n'a pas assez de lits de réanimation. Donc, il faut absolument pas que des nouvelles personnes soient en dépression respiratoire à cause de ce coronavirus. Sauf que les gens de moins de 60 ans ne rentrent pas en dépression respiratoire. Ils ont une petite fièvre, ça monte à 38,5, des trucs de rigolo. Il n'y a zéro raison pour que les moins de 60 ans soient confinés. C'est évidemment là qu'on attendrait les putains de sociologues, les putains d'économistes qui nous pourrissent la vie à longueur d'année dans toutes les émissions de télé, à faire les beaux parleurs, à nous baratiner, à faire croire que ce sont des savants alors que leurs sciences sont des sciences molles comme leur bite. Et ces petits connards devraient là aujourd'hui produire des études, à savoir une économie complètement en berne, combien va-t-elle faire de suicidés? Combien va-t-elle faire de gens qui se tirent dans les pattes? Parce que là, la violence, c'est pareil. Toutes les petites épiceries, tous les Arabes, tous les Noirs qui ne travaillent plus, eux, faut même pas s'attendre à ce qu'ils se laissent crever de faim dignement. Eux, ils vont venir, ça va être des razzias, ça va être des meurtres, ça va être des braquos, avec perte des fracas, avec violence. Donc en fait, cette crise économique va produire bien plus de morts que le coronavirus n'en aurait produit chez les moins de 60 ans non confinés. C'est une évidence. Donc de toute façon, là, ce qui va se passer, c'est que ça va être Mad Max, c'est évident. Il nous pousse dans un scénario catastrophiste, il nous pousse dans un scénario des plus noirs, des plus sombres. Ils accomplissent leur projet hébraïque, hein. Là ils sont en train de finaliser vraiment le truc. Moi, ce que je comprends pas, c'est les gens, en fait, qui ne... Il y a une expression que j'aime bien, c'est la vie est un jeu à somme nulle, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on prend d'un côté, on le perd de l'autre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, ce que ne comprennent pas les gens, c'est qu'en sauvant là quelques connards du coronavirus, on nique une économie dans son intégralité, parce que c'est 80% des gens qui ne travaillent plus là. Et puis il y a les dépressions de par la solitude, il y a les dépressions, il y a les couples qui se déchirent. Donc dans les couples qui se déchirent, ça va donner des gamins tarés qui vont être suicidaires parce que leurs parents seront en train de se grepper le chignon. Bref, se grepper le chignon. Donc on peut être sûr que c'est une déclaration de guerre. Pour moi, il n'y a plus aucun doute. Ceux qui ont encore un doute, c'est juste les gens qui ne prennent pas assez de hauteur sur les événements et qui ne mettent pas dans la balance ce qu'on perd et ce qu'on gagne. C'est évident qu'on perd beaucoup plus qu'on gagne avec leur confinement à la con. Comme le dit Derrick, il faut absolument laisser personne valider ce confinement. Et faut taper du poing au repas de famille. Il ne peut pas y avoir de repas de famille. C'est là que la connerie, c'est là que le tour est bien joué, quoi. C'est qu'on ne peut même pas taper du poing au repas de famille. Il n'y a plus de repas de famille. Non mais vraiment, je me répète, j'insiste, parce que ça a du mal à passer ce genre d'argument-là. Vous n'avez pas d'hostilité particulière aux boomers. Ok, très bien, vos parents, ça va. Donc si vos parents ça va, les boomers ça va aussi. Ok, bon, admettons, il n'y a aucune logique à confiner toute la population pour sauver les boomers. Les boomers peuvent se confiner eux-mêmes, ils peuvent le faire de manière, alors soit obligatoire, c'est pas... Ah oui, pas obligatoire, moi je veux obligatoire. Moi. Ouais, oui, parce que oui, si on fait les boomers... Un contrôle de police et tout, pour leur faire peur. Ouais, parce que c'est plus simple, hein. Tu contrôles les cartes d'identité, monsieur, t'es là, non, ça va pas. Donc les déclarations des boomers de leur résidence, c'est-à-dire au moins ils peuvent pas bouger pendant... Il fait chaud, il fait froid, il bouge, non, tu restes chez toi. Ils se font livrer leurs courses. Quand tu te fais livrer leurs courses, tu n'as pas le contact. Ils risquent rien en restant chez eux. Ils risquent rien, les boomers. Nous, on continue à bosser, on continue à faire tourner l'économie. On ne voit pas leur sale gueule de con partout dans les rues. C'est pas plus mal non plus. Voilà. Le confinement total ne se justifie pas. C'est injustifiable. Injustifiable. Et on s'immunisera, parce qu'en laissant le virus se répandre dans la population jeune, on se prépare à ce que le virus ne ressurgisse pas l'hiver prochain. Parce qu'il faut s'immuniser contre cette merde. C'était le pari au départ de Boris Johnson et des anglo-saxons qui sont un peu plus de droite que nous dans leur nature profonde, quoi. Le français, je ne sais pas pourquoi, mais... Il est gauchisé jusqu'à l'os, quoi, littéralement, quoi. On n'est plus qu'un, on est, on n'est plus qu'une bande de mollassons quoi, en France. Mais Boris Johnson avait fait ce pari que de toute façon le virus ressurgira et qu'il faut. Et c'était évidemment une bonne intuition. Après, il s'est laissé rattraper par la propagande, il l'a chopé lui-même et tout, il a fait volte-face. Mais c'était évidemment le bon pari, c'est comme le dit Derrick, confiner les vieux, prendre toutes les précautions pour les vieux, réserver les lits. Là, je crois que maintenant, on en a 15 000 des lits pour l'assistance respiratoire. Et puis, que la population continue à travailler, qu'elle chope le virus, qu'elle s'immunise et que ce virus nous fasse plus chier dans le futur. Mais c'est clair. Mais moi, à titre personnel, je suis pour un déconfinement total et que les gens qui se soucient de leurs parents ou les gens qui se soucient d'eux-mêmes restent chez eux bon, pour pas flipper. Enfin, pour pas, mais on n'a pas, le monde n'a pas à s'arrêter comme non, pour sauver ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'arrêter le monde. C'est-à-dire que ouais, c'est le jacobinisme meilleur mondial, quoi. On peut pas sortir de chez nous parce que les vieux ne peuvent pas sortir. Enfin, C'est-à-dire que l'équation est simple. Jusqu'à quand cette génération de merde qui nous a fait venir les nègres, les arabes chez nous, qui parlent les confinés en croisière. Est-ce que tu as en croisière, on a eu des Français là qui sont allés. Vous avez peut-être pas en Argentine. Ça. En Argentine, juste avant le confinement, les types, ou pendant même, hein, ils sont partis en Argentine, en Patagonie, en groupe de 30. Ouais, ben voilà, on va aller faire les beaux en Argentine, en Patagonie, etc. Et maintenant, ils demandent d'être rapatriés, ces enculés. Parce que l'hôtel leur coûte 800 balles la semaine, donc ils sont pas contents. Donc, voilà à quoi nous avons affaire. Voilà pourquoi nous, jeunes actifs, nous devons être au chômage technique, arrêter de bosser ou rester chez nous ou perdre notre boulot carrément. Parce que il faut sauver la vie des gens qui vont en vacances en Patagonie sur des bateaux de croisière pour aller acheter des merdes à des Marocains dans des souks. Ou alors encore mieux des boomers qui resquillent la nuit pendant le confinement de tout le monde oui. Pour aller se dorer la pilule en Catalogne hein, chez le, en passant par des routes secondaires donc le crime est qualifié quoi. Je n'ai pas d'amour particulier pour les Espagnols et les Catalans loin de là mais, ah bon. Mais quand même là, si des Catalans des Espagnols pouvaient être avoir des réactions xénophobes et vraiment, pour le coup, chauvines en fusillant ces boomers-là, ça ne me dérangerait pas du tout. Pas du tout. Et j'applaudirais, je dirais même « Viva España hein, !» Oula Oula Oh là là, ouais. Voilà. Je vais enregistrer cette partie. Ouais, sinon, il y a les boomers qui vont... Alors, j'ai un cas hein, de couple de boomers bretons qui vont en camping-car passer des vacances au Maroc et qui sont piégés sur place ensuite, qui hurlent. Que fait l'État islamique quand on a besoin de lui? espérons qu'il finisse en pastilla, ces connards. Eh oui, mais il y a la presse locale qui s'étend sur leur cas en disant mais mon Dieu, mais comprenez bien, mais vous savez, voilà quoi. Ouais. Pour revenir sur ce que tu disais, le truc est assez simple. On nous dit qu'on va au-devant d'une crise qui sera pire que celle de 29. Donc, que les historiens, que les sociologues, les historiens que je respecte quand même un peu plus que les sociologues et les économistes, mais que ces trois branches-là, historiens, économistes et sociologues, nous disent combien la crise de 29 a engendré de morts, et qu'ils mettent ça dans la balance avec ce que le coronavirus peut engendrer comme nombre de morts. Et là, on comprendra tout de suite qu'on est en train de se faire entuber sévère. C'est évident que cette merde est une déclaration de guerre, quoi. Donc, la Grande Dépression, c'est simple. C'est-à-dire que les Américains ont dû lancer une guerre mondiale pour s'en sortir. Donc, ça donne déjà un petit aperçu. Et c'est ce que je dis, moi, j'ai pas compris du tout, je vous le dis franchement, après analyse, etc., j'ai compris qu'en fait, il y avait des gens qui activement voulaient cette catastrophe économique, dont en fait, très peu de gens parlent encore finalement. Il y a des gens qui en parlent, ça discute, les gens commencent à sentir la pression économique, il y a un certain nombre de petits patrons qui commencent à dire « bon, c'est bien gentil ». Mais c'est encore très en deçà. Les petits patrons crèvent, hein, excuse-moi. Oui, oui, mais c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas les entendre parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ce que tu peux voir, c'est uniquement sur les réseaux sociaux un peu. Et de toute façon, ils sont grosso modo bâillonnés parce qu'il y a une énorme pression sur eux. Donc les gens ne prennent pas vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer économiquement. Ils sont là, ils sont chez eux, ils sont entre deux eaux. Dans l'œil du cyclone, ils attendent, ils sont dans l'attentisme. Quoi. Donc, mais ce qui va arriver, c'est un cataclysme. C'est un cataclysme. Évidemment. Et ça, les gens vont ensuite mettre ça dans la balance, mais trop tard, même si c'était l'évidence dès l'origine, il n'y avait même pas besoin de se poser la question. Mais ils vont se dire, mais attends, on a détruit tout ça pour ça. Et le truc, c'est que les décideurs qui, eux, connaissent les implications économiques, ils connaissent les implications économiques, ils savent très bien, il y a quand même des gens qui sont payés pour ça, qui peuvent faire des projections, même grossière, même, mais qui peuvent dire voilà, si on fait ça, si on stoppe ça, si on stoppe ça, si on stoppe ça, sur le PIB, c'est moins tant par trimestre. Bon, même si on se plante à 2 ou 3 points du PIB, on va pas se tromper non plus à quelques zéros près, quoi. Je veux dire, on va quand même être grosso modo dans le bon étiage. Bon, et ben, ils l'ont fait quand même. On va revenir sur le pourquoi du comment, mais ils l'ont fait. Ouais. Quand les gens vont commencer à sentir vraiment les conséquences, ça va être chômage de masse, mais un chômage qu'on n'a jamais vu en France. Je veux dire. C'est pas 3 millions de chômeurs qui existaient déjà, mais c'est pas 3 millions de chômeurs, même pas 6 millions de chômeurs. Ça va être beaucoup plus brutal que ça. Dans un pays criblé de dettes, donc qui a même plus d'oxygène en réalité, qui peut même plus aller lever je sais pas combien de milliards. Voilà, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la France aura jamais la capacité financière d'amortir la totalité du choc. C'est pas vrai. Quand on entend le gouvernement qui fait des annonces, on va imprimer tant de billets, etc. C'est du bluff. Mais comment, oui. Non, mais c'est le maire, enfin, on a parlé de le maire tout à l'heure. Le maire, il va à Francfort, hein, à la banque, et il est là à pleurer. Donnez-moi des sous, sinon on va mourir. Et puis sinon, on va vous dire que vous nous avez tués. Enfin, c'est ça le truc. C'est le chantage au boomer mort. Quoi. Ça ressemble beaucoup à l'Afrique. Ça ressemble au Tchad. Au Tchad. Ça me rappelle un peu l'Holocauste aussi. Eric, excuse-moi, mais bon, oui, je parle des petites entreprises. Ok, d'accord. Mais il faut bien se rendre compte que le jeu de Monopoly a déjà commencé. À savoir que tu as des entreprises françaises, entre guillemets, stratégiques, qui vont se faire soit racheter, soit qui en ont tellement ras le cul du gouvernement, qui vont délocaliser sans aucun problème. Alors, une fois que le personnel sera au chômage, là, on va véritablement rigoler. Parce que si c'est la friterie du coin qui se casse la gueule, l'impact est extrêmement faible. Tu as 20 entreprises stratégiques qui mettent la clé sous la porte et qui se tirent à l'étranger, on commence à rigoler d'une manière beaucoup moins sympa. Non, mais déjà, diabolique, depuis une vingtaine d'années, l'industrie française s'est réduite à peau de chagrin. Qu'est-ce qui reste de réellement, de filière, hein, clairement, de A à Z, qui soit à peu près complète sur le territoire français, c'est l'aéronautique. Et il reste juste ça au niveau de l'industrie. Le reste, c'est incomplet. Et pour le coup, avec le confinement, qu'est-ce que c'est qui morfle le plus? C'est l'aéronautique. Donc ces gens-là pleurent. Ils pleurent à chaudes larmes parce que c'est l'incertitude la plus totale. Hein, le reste de l'industrie française a déjà été délocalisé. Ce qui reste, c'est les miettes. Et les miettes, effectivement, vont peut-être voler en éclats. C'est très incertain. C'est pas beau ce qui arrive. C'est pas très beau. Non, mais Gandalf évoquait les guerres qui succèdent aux grandes crises. Moi, pour avoir écouté beaucoup les prêches des élites spirituelles du peuple de l'huile Je peux vous dire qu'il travaille depuis longtemps, il prie le diable chaque jour que Dieu fait pour que la Troisième Guerre mondiale advienne. Et je crois que là, on tient une piste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre nos élites que pour des abrutis, nos élites avec un tout petit E, hein, le E vraiment minuscule, mais ces gens qui nous dirigent, donc qui sont élites de fait, savent très bien, connaissent l'histoire, au moins aussi bien que moi, j'espère mieux, sinon c'est vraiment des grosses merdes, mais ils savent très bien que à la crise succède la guerre. Donc je crois qu'on a là le projet messianique qui est en train de s'accomplir devant nos yeux. Et je pense que les gens qui poussent au confinement, c'est pas Didier Raoult, parce que Macron a rencontré Raoult pour faire joli, mais je pense qu'il n'a rien entendu de ce que Raoult lui a évoqué, puisque Raoult, lui, est contre le confinement. Il dit que le confinement n'est absolument pas prouvé comme étant bénéfique. Donc il l'a rencontré juste pour faire joli. Par contre, les loutrons qui lui murmurent à l'oreille, là je pense qu'il les écoute. Enfin, il est un peu obligé de les écouter puisqu'il a le couteau sous la gorge. Donc il les écoute et je crois que c'est la piste à étudier sérieusement. C'est-à-dire que là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser. Ils sentent qu'on en est tout proche. Et les Hazan et compagnie, tous les noms qu'on évoque ici dans cette émission, poussent, poussent, poussent, poussent pour que l'économie tombe en berne, parce qu'ils savent très bien ce qui s'ensuit. Et en réalité, c'est uniquement pour ça que ce confinement absurde est mis en place. Moi j'en suis persuadé, mais l'évoquer dans cette population de mollassons, c'est déjà se mettre à la marge, parce que ces connards seraient capables de. Ça serait capable de nous foutre en hôpital psychiatrique pour leur avoir annoncé leur futur, le sordide futur auquel les élites juives les préparent. Alors, Voilà, bonne nouvelle, ils vident les hôpitaux psychiatriques, donc il y aura de la place. Oui, Astérix, je suis assez d'accord avec toi. Je voulais dire une chose là-dessus, c'est que les élites occidentales, enfin celles qui contrôlent aujourd'hui l'appareil, on va dire, financier, les grandes corporations, l'armée, puis ça se passe quand même beaucoup aux États-Unis, hein, c'est quand même le cœur du système. Ils commettent des erreurs, mais ce ne sont pas des gens qui sont stupides. Donc il faudrait pas non plus être présomptueux vis-à-vis d'eux en se disant, c'est pas, au prétexte qu'ils enchaîneraient les erreurs, qu'ils ne comprendraient pas où ils se situent, quels sont leurs intérêts, etc. Ça, je pense qu'il faut vraiment pas commettre cette erreur-là. Donc, je veux insister sur un point, c'est que pour moi, donc ils contrôlent pas totalement le jeu. Je veux dire, il n'y a pas une espèce d'omnipotence. C'est pour ça, moi, je veux dire, ce qui peut ressortir dans certaines, on va dire, ce que les juifs et les médias appellent les théories du complot, c'est une espèce d'omnipotence de ces élites. C'est faux. Les élites ont de l'influence. Il y a des réseaux, il y a des stratégies, il y a des plans. Mais il y a aussi des bouleversements constants qui fait que elles évoluent dans un environnement comme nous, très instable, quoi. Donc ces gens-là, ils voient bien les évolutions qui ont cours. Et on va dire ces 5 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de changements, je veux dire. Depuis l'affaire Charlie Hebdo, rappelez-vous, je pense que ça a été un moment, une rupture importante. On a vu l'élection de Trump. On a vu la victoire du Brexit, on a vu la poussée très forte des populistes, on a vu finalement, même encore, enfin avec Orban, mais même plus récemment en Grèce, vous avez un barrage physique contre les migrants, impensable il y a 5 ans, je veux dire, de voir des images comme ça avec l'armée grecque déployée là. Pourquoi? Parce que la pression de l'opinion publique est devenue trop forte sur la question de l'immigration, etc. Ces gens-là ont senti que le populisme, le réflexe des peuples, quoi, hein, de conservation des peuples, était en train de prendre la forme d'un véritable tsunami. Qui converge d'ailleurs avec une volonté de lutte anticorruption aussi. Ils ont vu leur système, ce qu'ils avaient pensé après la chute du communisme, parce qu'en fait ils voulaient mettre en place leur grand système qui est le socialisme. Là aussi, juste vite fait, il faut quand même nuancer ça, le communisme, c'est le collectivisme intégral. Le socialisme, il y a une nuance, c'est qu'on tolère une part d'économie privée. Par contre, on peut vous taxer jusqu'à vous faire crever. C'est la grande nuance, quoi. C'est-à-dire que le soviétisme, tu pouvais pas y échapper, c'était clair, précis et net, voilà, c'est le système était en face de toi. Là, c'est un système hybride. Et dans ce système hybride, par exemple, il n'y a pas besoin de créer des kolkhozes, parce que vous avez ces espèces d'énormes corporations internationales, notamment dans le domaine de l'Internet, mais pas uniquement, mais enfin, je veux dire, les Microsoft, les Facebook, ces gens-là gèrent de facto, si vous voulez, des espèces de grandes multinationales d'État, pratiquement d'État, elles ne sont pas de droit d'État, ce n'est pas des organisations étatiques, mais de facto, elles sont dans des situations quasiment monopolistiques et organisées en cartel. Et sur la question de la li liberté d'expression, on l'a bien vu, je veux dire, Twitter, YouTube, Google, Facebook, ils s'organisent, ils s'entendent, ils se concertent même avec les différents gouvernements pour mener des politiques de censure. Donc finalement, on se retrouve effectivement dans ce système hybride, qu'est le système socialiste, et vous avez aussi ces grands financiers. Donc la finance, elle n'est pas abolie, je veux dire, mais même dans l'Union soviétique, la monnaie n'était pas abolie. Mais plus ça va, plus on est dans une logique autoritaire de contrôle complet de l'économie au profit de quelques gros poissons. Alors vous avez quelques gros banquiers, vous avez quelques grandes multinationales, vous avez les apparatchiks des gouvernements, et voilà, et on est là-dedans. Et ces gens-là, ils ont vu que ce système-là qui est verrouillé par eux et pour eux, épuisait complètement les peuples, quoi. Qu'il y avait vraiment une révolution qui était en train de se mettre en place, quoi, en Europe et bien au-delà. Et ils se sont dit, il faut absolument stopper ça. Et face à Trump, moi je crois qu'il y a beaucoup, aux États-Unis notamment, je crois que ce qui est alimenté à propos du coronavirus vise beaucoup à faire battre Trump en 2020. Non pas parce que les élites considèrent que Trump est dangereux en tant que tel, mais qu'il est devenu un peu le prisonnier des classes populaires blanches qui ont voté pour lui. Et ça suffit à gripper la machine, notamment sur le libre-échangisme. Et notamment dans le rapport à la Chine. Trump, et ça c'est indéniable, on peut discuter sur l'Iran, sur les Juifs, etc. Mais sur la question de la Chine, qui avait fait le consensus pendant 40 ans, quoi, non, 35 ans à peu près, Trump a tout pété. Il est rentré dans une guerre commerciale contre la Chine. Et là, vous déstabilisez la Silicon Valley, vous déstabilisez tous les grands groupes, on parlait de délocalisation, Derrick en a parlé, tous les grands groupes qui ont délocalisé vers l'Asie et notamment vers la Chine, tous ces gens-là, ils se sont positionnés sur la Chine. Ils font leur beurre sur les marges qu'ils génèrent entre la production en Chine et la vente aux consommateurs américains. Et quand Trump rentre dans une logique de guerre commerciale, ces gens-là, ils sont, si vous voulez, ils sont lésés par l'approche de Trump qui répond à une demande de la classe moyenne américaine qui, elle, veut des entreprises, veut des industries, veut de l'embauche sur son territoire. Et là, les mecs se sont dit, non, là, c'est très, très dangereux. Et c'est ce que je vois, moi, finalement, dans cette convergence un peu bizarre via l'OMS, entre les grands médias américains, parce qu'ils font courir la panique, exactement comme chez nous, hein, qui accusent Trump de vouloir tuer les gens si jamais il lève le confinement. Alors que Trump dit, attention, on est en train de détruire notre économie, je pense qu'il y a une espèce d'accord tacite entre le Parti démocrate, la finance, la Silicon Valley, la Chine, pour essayer de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la situation qui prévalait jusqu'à l'arrivée de Trump, où il y avait un intense commerce entre la Chine et les États-Unis, et où les grandes multinationales faisaient leur beurre en Amérique avec ça, elles étaient très contentes là-dessus. Et elles veulent que ça dure. Moi, je pense qu'il y a, dans ce qui se passe, une part de ça. Ceci étant dit, je dirais aussi une chose. Ça n'est pas limité à Trump, hein. C'est pas limité à Trump. C'est beaucoup plus large que ça. Quand ils ont vu le Brexit, quand ils ont vu ce qui se passait en Italie avec Salvini, dont on peut critiquer, bien sûr, mais ils ont eu très très peur. Je pense qu'ils ont très très peur de la situation. Et moi, je vois ça comme ça, et je reviens à ce que disait Astérix, quand il parlait de la guerre qui succède à ce type de crise économique, c'est une dialectique qui est très connue, c'est-à-dire que soit une guerre entraîne une révolution, donc typiquement Première Guerre mondiale, comme en Russie par exemple, c'est-à-dire que c'est la guerre de trop, quoi, pour le pays, le pays n'a pas les reins pour la mener, il s'effondre, révolution sociale, ou alors c'est l'inverse, c'est la révolution qui aboutit en guerre, qui se transforme, hein, qui mute en guerre, quoi. Pour le coup, c'est par exemple le cas de la révolution américaine, par exemple. C'est une révolution sociale qui se transforme en guerre contre la Grande-Bretagne, quoi. Et ces gens-là connaissent tout ça. C'est pour ça que je voulais insister sur ce point en disant, attention, c'est pas des imbéciles, c'est pas des idiots, tous ces gens-là sortent des plus grandes universités américaines, ils ont des têtes conseillées, ça veut pas dire qu'ils font pas de conneries, mais je veux dire, c'est pas des idiots. Et ils connaissent la dialectique entre révolution, crise économique et guerre. Et je pense qu'ils veulent accompagner le processus. La crise économique couvait, en réalité. Cette très, très grave crise économique couvait. Mais ils ont pris les devants, j'ai le sentiment. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, et je ne serais pas du tout surpris qu'on assiste à des troubles sociaux extrêmement graves, mais qui, pour ces gens-là, donc je parle vraiment des élites, là on parle vraiment de l'oligarchie internationale, on ne parle, parle pas des Macron et compagnie, ces gens-là sont des stewards. Hein. Il faut pas se tromper de division quand on parle des mecs. Hein. Macron, c'est un Kleenex. C'est exactement comme François Hollande, etc. Ces gens-là... Les très grands oligarques peuvent s'en débarrasser, mais du jour au lendemain, ils s'en foutent. Les milliardaires qui sont en question, donc les très grands décideurs, ces gens-là, vous ne pouvez pas les avoir. Ils sont élus par personne, ils sont partout et nulle part, ils ont des connexions partout, ils se déplacent en jet privé, leur argent est placé dans différents paradis fiscaux. Et en plus, leur pouvoir réel, quelqu'un comme Bill Gates, par exemple, pour ne citer que lui, ou Zuckerberg, ces gens-là n'ont pas seulement beaucoup d'argent, ils ont aussi de vrais outils entre les mains. Je veux dire, quand vous êtes l'ancien patron de Microsoft, vous avez un vrai outil de pouvoir entre les mains, mondial. C'est sans commune mesure. Et ces gens-là ont décidé de défendre leurs intérêts. Et je pense qu'on est en plein là-dedans. Je pense qu'on est en plein là-dedans. Et ils déploient toute leur force. Et du coup, dans un tel processus, qu'est-ce que ça peut foutre une dépression économique? Qu'est-ce que ça peut foutre? Qui c'est qui va morfler? Qui c'est qui va avancer? Les petites entreprises, les PME, ça va faire, je sais pas, ça va faire 5 millions de chômeurs supplémentaires en France, ça va en faire 50 millions de... Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils sont milliardaires, ils resteront milliardaires. Ça change pas, ça. C'est ça que je veux dire. Et pour... Oui. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui craignent un choc... inflationniste. Moi, je suis beaucoup plus circonspect. Hein. C'est pas parce qu'on va imprimer énormément de pognon que l'argent va se déverser dans l'économie réelle. Au contraire. Déjà. Je veux dire, on a déjà l'obligation en France d'avoir un compte bancaire. On a de la monnaie numérique. On peut tout à fait interdire le liquide. Déjà des expériences qui sont en Suède. Et puis, au contraire, ce que je crains, c'est plutôt un choc déflationniste, avec ouais. éventuellement, pourquoi pas, une grosse dévaluation salariale. Alors, ce ne sera pas forcément... C'est sûr. Oui, c'est-à-dire, bon, bah, suppression des heures supplémentaires, retour aux 39 heures. Ah ben on y arrive là, peut-être que je te redonne la parole, peut-être que je peux citer le MEDEF quand même ce qu'il a dans sa manche. Je vais quand même le citer, alors un instant. Alors comment l'économie française va-t-elle se relever de la crise du coronavirus avec un produit intérieur brut, PIB, qui a chuté de 6% au premier trimestre, le faisant entrer en récession, et un plus mauvais chiffre annuel de croissance depuis 1945 à venir, le pays va avoir fort à faire pour se relancer après le confinement. Pour le MEDEF, il va falloir que les salariés fassent des sacrifices, notamment sur leurs horaires. Il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et la facilité en travaillant un peu plus la création de croissance supplémentaire, lance le président du syndicat patronal Geoffroy Roux de Bézieux dans une interview accordée vendredi au Figaro. Voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter davantage. On sait quand même que le gouvernement avait fait passer en urgence valable jusqu'au 31 décembre 2020 le passage de 48 à 60 heures par semaine pour certaines entreprises, dans certains cas, etc. Alors, Magda, je reviens vers toi. Bon, le MEDEF est déjà à l'offensive. Ceux qui ont... je pense que vous avez... Nos auditeurs n'ont pas perdu ce que je disais avant, c'est-à-dire que les élites ne perdent rien de vue, bien sûr, qu'elles soient financières ou les grandes entreprises. Alors, je disais justement que l'économie réelle allait être détruite. L'économie réelle, pour moi, dans mon esprit, hein, c'est l'économie du quotidien. Bien sûr. Les grands groupes vont dégraisser, c'est inévitable, c'est sûr, c'est certain. Mais ils ne vont pas disparaître, pour l'essentiel. Surtout vu la politique qui est menée par les banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe. Donc, on sait qu'ils ont un filet de sécurité. Vas-y, ouais. Ouais, moi, je suis quand même moins dans la dichotomie petite entreprise, grosse entreprise, etc. que toi, dans la mesure où la plupart des PME qui ont du succès en France ont pour clients principaux des entreprises du CAC 40. En fait. Oui, ça je sais, mais ce que je veux dire, c'est que... Si tu as des entreprises... Si tu n'as pas d'entreprise du CAC 40 qui fonctionne, derrière, oui. Ça ne suit pas. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'au plan politique, la garantie ne s'étend qu'aux grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on va mettre le pognon pour les grandes entreprises, pour qu'elles traversent la crise, officiellement. Hein, officiellement. Ouais. Les petites entreprises, elles vont manger et il n'y aura personne derrière elles. Ça va être ça le truc. Oui, mais d'accord, mais du coup, ça ne fonctionnera pas non plus pour les grandes entreprises. Parce que si leurs sous-traitants, les grosses boîtes qui gèrent quand même, qui sont pas mal de... ils gèrent des filières, quoi. Les mecs qui sont en haut, qui sont au CAC 40, ils sont dépendants de filières puis en général. Certes, mais pour eux, si tu veux, ils en ont vu d'autres, parce que tu as beaucoup de marques là-dedans qui ont plus de 100 ans, un demi-siècle ou 100 ans, et ils se disent, bon, on passera, s'il y a le cash, on passera. Mais je pense pas qu'ils pourront s'en sortir dans un premier temps, je pense pas que ce sera... Si le reste ne suit pas derrière, il s'en sortira pas non plus, peu importe le niveau de planche à billets que tu pourras mettre. T'as un truc intéressant, c'est par exemple Air France, tu vois, par exemple. C'est assez intéressant, ça. Ah oui, ça ils ont déjà annoncé qu'ils mettraient le paquet. Ils mettraient tout le pognon. Pourquoi tout. C'est symbolique. C'est symbolique. Il y a marqué Air France. Donc il y a marqué France. Ça s'appellerait autre chose. Je sais pas, moi. Enfin, Air International, etc. Pff. Non, bah, Air France. Air Inter, ça existait, ça s'est fait dégager. Hein. Tout à fait. Air France, non. Donc l'État, si vous voulez, le prend comme une espèce de question très symbolique, de prestige, et ils vont mettre le pognon à gogo là-dedans. Il y aura comme ça toute une série de très grandes entreprises où ils vont arroser tout le monde. Mais ça ne sera pas vrai pour les PMI-PME. Et alors, le truc est carrément ahurissant, ça aussi. J'ai vu que Vivendi, par exemple, ils arrosent leurs actionnaires. Enfin, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils en ont rien à branler, hein, franchement. Oui, Non, mais c'est normal. Enfin, c'est une boîte, c'est normal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ils ont mis en chômage partiel une bonne partie de leurs employés. Donc, oui, effectivement... ils pourraient geler les dividendes, ils le font pas. Il n'y a pas à geler les dividendes pour des boîtes qui ne reçoivent pas de sous, mais effectivement, quand tu reçois des sous de l'État, oui, on pourrait s'attendre à quelque chose s'attendre, mais enfin, des boîtes qui n'ont rien reçu. Moi je parle des boîtes qui sollicitent, si tu veux, de facto le contribuable français pour garder la tête hors de l'eau. Oui, et qui en profite pour arroser. Ça, il y a un vrai truc. Mais ça va susciter beaucoup de problèmes, hein, je veux dire, sociaux, là, pour le coup. Alors, je reviens vers MacDav. Je ne suis pas certain. Bah, écoute, ça dépend comment l'argent imprimé va arriver dans l'économie. Finalement, pour l'instant, je ne parle pas de l'Angleterre ou des États-Unis, où là, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que c'est des pays libéraux, mais où l'argent de la banque centrale arrive directement soit dans la main du trésor comme aux États-Unis ou en Angleterre, voire même dans le panier des ménages comme aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, ouais. C'est pas le cas en France. En France, pour l'instant, le pognon, il sert à assurer les défauts des PME. C'est-à-dire que les PME font faillite et vu que l'argent en fait ne rentre pas dans les banques, si ces banques font faillite, c'est-à-dire à partir du moment où, je sais pas moi, 5-10% du pognon ne rentre plus dans les banques, ce sont les banques qui vont faire faillite. C'est pas le réseau de PME qui intéresse énormément comment dire, l'État. Ce qui intéresse plutôt Oui. l'État pour l'instant, c'est surtout que les banques ne fassent pas faillite. Tout à fait. Parce que une PME, ça reste un contribuable. Ça reste des particuliers. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est pas pour l'instant C'est pas très, très systémique comme une intéressant pour banque. l'État. Exactement. Puis il faut ici se dire une chose, c'est que pour l'instant, qui va encore filer un peu de pognon à l'État? Bah, ça va être les Bonne grandes question. entreprises. Ça va dire déjà le pognon de la TVA, de la consommation, de tout ce qui est restaurateur, ça rentrera plus. Donc les Oui, grandes non, mais, et entreprises même le sont en reste, hein. situation, les grandes entreprises sont en situation de rapport de force. Et elles peuvent se permettre des accommodements, ne serait-ce que par exemple au niveau du droit du travail. Bah déjà, ils vont se trouver dans un rapport de force, ce que là, les gens ne le comprennent pas encore, je pense, hein. Mais aux États-Unis, ils ont déjà, je crois, 15 millions de chômeurs, mais de toute façon, ils s'acheminent comme ça vers des dizaines de millions de chômeurs supplémentaires. Bon. Les Français, ils comprennent pas ça encore. Ils comprennent pas. Pour eux, le chômage, c'est quelque chose qui n'existe même pas actuellement. Au moment où on parle, hein, ils sont en arrêt, mais ils sont pas au chômage. Il y a un certain nombre de personnes qui commencent à comprendre qu'ils sont au chômage, je veux dire, mais finalement, c'est très frais tout ça, parce que le confinement a commencé le 15 mars, on n'est pas encore le 15 avril, ça fait. Il s'est passé énormément de choses finalement en 3 semaines, et en fait, ça s'est passé en très peu de temps, mais ça reste indolore, simplement pour une question de temps. On ressent pas encore pleinement les effets, mais les gens vont les ressentir. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ils vont se retrouver enfin, ils vont se retrouver dans une situation où, en fait, c'est les entreprises qui vont avoir le pouvoir, parce qu'ils vont dire, bah, excusez-moi, mais pour un comme vous, j'en ai 200 derrière, donc. Ça va être terrible. D'autant plus que faut bien se dire une chose. Globalement, les pays occidentaux, ils profitent de la mondialisation et ils profitent de la captation de valeur ajoutée, que ce soit au point de vue national ou au point de vue mondial. Plus une économie se tertiarise et en fait capte la valeur ajoutée, plus elle est capable de produire des bullshit jobs. Et les bullshit jobs, c'est la paix sociale. Oui. L'économie peut tout à fait tourner, enfin, on va dire les pans essentiels de l'économie, ils peuvent tourner avec beaucoup moins de col blanc. Et moi, Oui. ce que je pense qui va arriver, tu vois, c'est que les économies vont se rendre compte qu'elles peuvent assurer le béaba, enfin la production, peut-être pas forcément du développement économique ou de la recherche et développement, mais le béaba, ils peuvent l'assurer avec très peu de monde. Avec des gens qui vont sélectionner, qui vont presser, qui vont. Enfin, ils vont leur faire peur, hein, parce qu'effectivement, tu as la peur du chômage. Et il faut bien se dire une chose, c'est que l'inflation, elle va où? L'inflation, on va dire, de la planche à billets, elle va sur les actifs, un petit peu sur l'immobilier. Mais globalement, elle va pas vraiment dans l'économie réelle. Non. Quand il y va, c'est sur une hausse des matières premières. Et généralement, ça dure pas très longtemps. Tous ces empaffés du haut patronat, ils voient leurs actifs régulièrement gonflés par les banques centrales, Ah, tout à fait. mais en aucun cas ils voudront que, parce que plus le capital gonfle, plus il faut le rémunérer dans son pourcentage. Si ton capital gonfle, mais que tes dividendes baissent de moitié, ça vaut pas le coup. Donc ces gens, faut bien se dire ça, c'est pour ça moi je vous dis que craignez la déflation bien plus que l'inflation, ces gens seront tout à fait capables de voir leurs actifs augmenter tout en faisant pression pour que les salaires baissent, pour essayer de récupérer le maximum de dividendes possible. Parce que le capital, c'est bien, mais à un moment donné, il faut le rémunérer, faut pas oublier ça. Et encore une fois, je parle vraiment des grandes entreprises. Hein. Je parle pas des PME qui, elles, sont dans un monde, même Bah comme les dit oui Eric. les PME leurs dividendes en général les réinvestissent dans le capital parce que ouais parce qu'il faut réinvestir dans la boîte sinon c'est Bah cool quoi. ouais, tout à Ouais, fait. t'as pas le choix, tu vois. Je veux dire quand tu compares vraiment les grandes sociétés, tu peux pas comparer le capital en bourse avec le capital qui est représenté par les usines et puis les machines outils ou les brevets, tu vois. Ça n'a c'est juste Il n'y a pas de comparaison possible. Quand tu compares le capital d'Amazon en bourse avec le capital qui est représenté par les entrepôts. Il n'y a aucune comparaison possible. Alors, j'aime autant vous dire que la robotisation va bien marcher. Ah oui, non, mais je. C'est très curieux, mais je pense qu'on va assister en fait à une hausse de la productivité parce qu'on va presser les salariés et puis parce qu'on va dégraisser à mort. Et je pense que ça a beaucoup intéressé le patronat et qu'il va être en mesure de faire pression en fait sur l'État pour modifier le code du travail. Ça, Ah ben non, mais c'est évident. ils ont mis carte sur table, là. Ils ont mis carte sur table, je veux dire. C'est pour moi, si vous voulez, bon, moi, mon interprétation de la situation est la suivante, c'est-à-dire là, on peut pas les crises précédentes, si vous voulez, les grandes crises précédentes, même la crise de 29 n'était pas une conspiration. Ils ont même fait des enquêtes, c'est-à-dire même le gouvernement américain a fait une enquête pour essayer de savoir s'il y avait une conspiration à l'origine, si vous voulez, le fait de shorter toutes les actions, etc. Ils ont dit, qui est derrière ça? En fait, non, c'est ça. Il y avait eu un écroulement de la confiance, les gens ont déserté le marché. Et il n'y avait pas de conspiration. Alors pour le coup, on est dans une situation complètement différente cette fois-ci. Parce que c'est une décision qui a été prise consciemment. Alors les gens vont dire oui, mais c'est peut-être sous l'effet de la panique, etc. Le fait est qu'on a mis on a mis sciemment l'économie mondiale à l'arrêt. Enfin l'économie mondiale, surtout l'économie occidentale d'ailleurs. On l'a mis à l'arrêt. Moi j'ai dit qui je soupçonnais dans cette affaire. Mais c'est un fait qu'on l'a fait. Pour moi, les gens qui l'ont fait savait qu'on allait vers une grave dépression. Parce que, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais c'était inévitable. Et ils se sont dit, on va l'accompagner, et on va l'accompagner à notre sauce. Donc c'est pas du tout la même chose, parce que si on se dit, ouais, non, mais on allait vers une croissance, enfin, ça allait continuer comme ça pour toujours, ça c'est une chose, mais si on part du principe que ces gens-là savaient qu'il allait avoir une dépression, tout d'un coup, accompagner la dépression, c'est complètement différent. Et même, ça tombe plutôt sous l'empire de la philosophie qui est la leur, qui est quand même de diriger globalement l'économie avec les banques centrales. Donc, c'est pas tellement une hérésie de dire, tiens, on va sciemment arrêter l'économie, on va écrémer, on va renforcer le contrôle, et ensuite, on va redémarrer. Vraiment, comme un bouton on-off, quoi. Ce qui suppose une baisse drastique du niveau de vie. Et pour moi, ça fait partie du truc. Alors évidemment, ils sont pas dans le micromanagement. C'est des grandes décisions, quoi. Mais pour moi, on va vers une réduction drastique du niveau de vie. Ils savaient qu'on allait vers une réduction drastique du niveau de vie pour des raisons évidentes. Je veux dire, regardez les systèmes de retraite, etc. Je veux dire, n'importe qui colle son nez sur les pyramides des âges dans le monde occidental, qui regarde ce qu'on promet aux vieux en termes de rémunération avec leur pension, sait que c'est pas tenable financièrement, ni budgétairement. C'est impossible. C'est impossible. Donc on savait que le niveau de vie allait se casser la gueule. C'était inévitable. Pour moi, la réponse, elle est là. Elle est Oui, là, alors il y a j'ai même des... allé beaucoup plus loin et j'active mon mode complotiste. La propagande réchauffiste a pour but de contraindre les populations Ouais. à restreindre leur niveau de vie. Tout à fait. Ça ne fonctionne pas et ils vont utiliser le prétexte du coronavirus qui pourra revenir quand on veut. Mais alors, Ouais. quand on veut, je veux dire, ils claquent des doigts. Il t'annonce une micro-maladie, je ne sais pas moi, au fin fond du Venezuela, Ouais. ils peuvent appliquer les mesures où ils veulent dans le monde. Alors on va parler parce En un que claquement de doigts. Bill Gates a annoncé toute une série de mesures pour qui soutient, il n'est pas le seul. Mais c'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'il n'y paraît. Mais le réchauffement climatique, on n'en parle plus. Déjà, vous avez remarqué ça, on n'en parle plus. Ça n'existe plus. C'est complètement évaporé. Pourtant, on nous disait, attention, il y a des titres, hein, vous pouvez chercher un hein, Google Actualité. Dans 10 ans, c'est la fin du monde. Hein. Dans 10 ans, on est tous morts. Hein. Rappelez-vous de ça, hein, des titres aussi à la. Oh non, mais il y a 20 ans même, il y a 20 ans, le monde est terminé. Oui, Non, mais Jean Le Canuet aussi, il y a 40 ans, 50 ans, le type nous dit que nous allons bon, on va mourir. Et moi, je vous dis, on est en train de basculer dans la phase dure du socialisme, c'est-à-dire vraiment, on est quand même dans l'économie dirigée, on tolère une part d'économie privée, mais qui est strictement subordonnée au grand programme dirigiste des autorités, qui sont des autorités qui sont composites, parce qu'on a des États, on a des fondations privées, mais qui prétendent faire de la philanthropie, on a des instances internationales comme l'ONU, l'OMS, des trucs machins, bon, derrière, il y a la finance, on voit bien, dans un renforcement considérable, du contrôle des populations. Il suffit d'écouter. C'est même pas une théorie. On peut pas sortir chez soi. C'est pas une théorie. On peut pas sortir chez soi. Ils vous font voler des drones, ils envoient des hélicoptères, etc. Vous vous rendez compte, on aurait dit ça. On aurait dit ça il y a un an, il y a 6 mois. Et rendez-vous compte, en France, on pourra même plus sortir chez soi. Il y aura des drones et des hélicoptères. Voilà, mais vous aurez. Complètement barré. Ça. Pour le coup, je ne l'ai pas prophétisé du tout, on ne l'a jamais dit ça, parce que moi, je ne pensais même pas que c'était pensable, en fait. Je veux dire, je me serais dit, tiens, bon, bah, oui, 1984, peut-être, en étant vraiment, vraiment fou, quoi, folle dingue, quoi. Bah, les oui, gens des hélicoptères. Le tracing, il y a seulement 3 semaines, étaient des complotistes malades. Hein. Tout à fait. Bon, c'est je suis désolé, je me suis absenté 2 secondes, mais des hélicoptères dans les montagnes. Oui, moi on en a parlé. Qui connaît les gens. Ah, d'accord, vous en avez parlé, donc c'est bon. Vas-y, non, enfin. Enfin, nous, c'était dans les Vosges parce qu'on a vu ça dans la presse, mais si t'as d'autres exemples, vas-y. Hein. Ah oui, moi je connais bien les personnes qui habitent dans les Alpes. C'est, des hélicoptères tournent pour voir si les gens ne se baladent pas dans les hauts alpages. Donc là, on est vraiment dans la folie tyrannique du socialisme qui veut posséder l'homme, quoi, qui veut avoir l'homme à sa pogne, quoi, qui veut le tenir dans sa pogne et qui si la moindre liberté est perçue comme une menace pour le bien commun, quoi. C'est vraiment. Ouais. Oui, mais tu fais bien de rappeler ce fait-là. Qu'est-ce que ça change que moi j'aille en montagne seul, il n'y a personne, hein, donc on va avoir des à qui je vais prendre un risque. Habituellement j'y vais tout seul en montagne, je risque de crever tout autant que maintenant avec ce confinement de merde. Qu'est-ce que vous venez me faire chier, quoi? Qu'est-ce que vous venez me faire chier en montagne, voilà, avec vos hélicoptères de merde? Donc, je sais que je vais le faire. Je vais investir très prochainement dans une combinaison qu'ont les snipers, quoi, les types qui se mettent, qui se camouflent. L'espèce de truc où tu as des les combinaisons. Oui, c'est des trucs où tu as des espèces de branches partout, de la tête aux pieds, et tu as l'air d'un buisson. Donc dès que tu entends un bruit, tu te fous en boule. Et tu y attends. Ah, c'est ça. Bon, il va falloir qu'on arrive là pour sortir. Oui, mais il pleut pas là. Ça fait 15 jours qu'il pleut pas, cher diabolique, ici, et que je brûle sous le soleil en chopant un cancer de la peau. Alors, messieurs, pour en terminer cette discussion pour cette semaine, je vais citer le Financial Times où Bill Gates s'est exprimé. Hein. Vous savez qu'il est, il joue un rôle absolument stratégique dans toute cette affaire. C'est lui qui finance l'OMS, c'est le second donateur, peut-être bientôt le premier, puisque les États-Unis vont peut-être se retirer sous Donald Trump. Je ne pense pas que Donald Trump finalement mette ses menaces à exécution parce qu'il est tenu, mais Bill Gates est extrêmement influent. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Bill Gates a comme fortune personnelle plus de 100 milliards de dollars, ce qui ne compte pas les amis qu'il s'est attirés dans cette opération, comme Zuckerberg, qui personnellement compte plus de 60 milliards de dollars de richesse personnelle, en sachant plus qu'il utilise Facebook à son gré, plus Microsoft, etc. Je pourrais continuer la liste longtemps comme ça. Donc le Financial Times a posé la question finalement à un des cerveaux de cette affaire, ce qu'il en était. Alors, première question, enfin, c'est pas très long, mais vous allez voir. Donc, une première question du Financial Times, voici ce qu'il dit, ce qu'il demande. Et qu'en est-il de ce compromis? Vous venez de mentionner, bien sûr, le coût économique. Quel est, selon vous, le bon équilibre entre la protection de la vie des gens et le choc économique? Voyez-vous une situation où l'économie mondiale pourrait être pratiquement au point mort pendant un an ou même plus? Réponse de Bill Gates. Ça, c'était du 9 avril. Hein. Eh bien, elle ne sera pas à zéro, mais elle va se contracter. Le PIB mondial sera probablement le plus impacté de tous les temps. Peut-être que la dépression, donc la Grande Dépression, a été pire, ou la crise de 1873, je ne sais pas. Mais de mon vivant, ce sera le plus grand choc économique. Mais vous n'avez pas le choix. Les gens agissent comme si vous aviez le choix. Les gens n'ont pas envie d'aller au stade alors qu'ils pourraient être infectés. Vous savez, ce n'est pas le gouvernement qui dit « Ok, il suffit d'ignorer cette maladie » et les gens sont profondément infectés en voyant ces décès, en sachant qu'ils pourraient faire partie de la chaîne de transmission. Et les personnes âgées, leurs parents, leurs grands-parents, pourraient être infectés par cela. Et donc, vous ne dites pas « ignorer ce qui se passe ». Il y aura la possibilité, en particulier dans les pays riches, de s'ouvrir si les choses sont bien faites au cours des prochains mois. Mais pour le monde en général, la normalité ne reviendra que lorsque nous aurons largement vacciné l'ensemble de la population mondiale. Et donc, même si nous travaillons beaucoup sur les tests, beaucoup de travail sur les médicaments, nous essayons d'atteindre cet objectif ambitieux qui n'a jamais été fait pour le vaccin, qui se trouve tout en haut de notre liste. Alors, il y a une autre question qui suit, du Financial Times. Donc, une fois que cette pandémie, une fois que nous aurons trouvé des solutions à ce problème, en regardant plus loin dans l'avenir, pensez-vous que les gens vont simplement revenir à une sorte de vision à court terme, où nous sommes trop concentrés sur le gain économique pour investir correctement et se préparer correctement à une autre pandémie qui n'arrive qu'une fois par siècle? Et quel est votre message actuel aux dirigeants et aux décideurs politiques mondiaux pour éviter que le monde ne soit à nouveau pris au dépourvu? Réponse. Il ne fait aucun doute qu'après avoir payé plusieurs milliards de dollars de plus que ce que nous aurions dû payer si nous avions été correctement préparés, les gens le feront. Cette fois-ci, parce que cela a affecté les pays riches. C'est le plus grand événement que les gens vont vivre de toute leur vie. Nous aurons des diagnostics de réserve. Nous aurons des bibliothèques d'antiviraux de grande capacité. Nous aurons des anticorps à grande échelle. Nous disposerons de plateformes de vaccins. Nous disposerons de systèmes d'alerte précoce. Nous ferons des simulations de pandémie. Le coût de toutes ces mesures est très faible par rapport à ce que nous vivons ici. Les gens réalisent maintenant qu'il y a une forte probabilité que tous les 20 ans environ, avec les nombreux voyages dans le monde, un de ces virus apparaisse. Les citoyens attendent donc du gouvernement qu'il en fasse une priorité. Cela ne coûtera pas autant que le budget de la défense, par exemple, mais ce sera un investissement significatif. Certains de ces investissements aideront le travail médical dans d'autres domaines. Une plateforme de vaccins, des diagnostics rapides et bon marché, ce ne sont pas des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de valeur que pour une seule épidémie. Et enfin, dernière question. Vous êtes donc convaincu que des leçons seront tirées de cette expérience et que la douleur, tant en termes de pertes humaines que de conséquences économiques, sera suffisamment forte pour que les gens se préparent la prochaine fois? Réponse. Oui, mais il n'aurait pas fallu perdre des milliers de milliards de dollars pour y parvenir. Je me souviens quand j'ai mis cette diapositive lors du discours que j'ai fait pour une conférence TEDx, où je montrais que c'était des milliards de dollars donc d'investissement pour prévenir le truc. Hein. Je me suis senti comme, à ce moment-là, en me disant « Waouh, c'est tellement gigantesque !» Pourquoi les gens disent-ils soudain 10, 20, 30 milliards de dollars, c'est trop, ce qui, pour un budget gouvernemental, n'est presque rien. Mais oui, cette fois, nous avons été préparés, et cette fois-ci, ce sera la bonne. Alors, messieurs, Bill Gates, en gros, hein, je résume à grand trait ce qu'il a dit dans cette interview, il dit en gros, bon, il aurait fallu être prêt, mais finalement, les gens ont refusé d'écouter, donc il a fallu perdre des milliers de milliards de dollars pour que les gens acceptent d'écouter, et qu'ils acceptent de prendre les mesures prévues et sur lesquelles on travaille. Bill Gates expliquant par ailleurs dans cette même interview, un peu plus haut, qu'il est déjà très actif avec d'autres sur la mise au point d'un vaccin disponible mondialement, et qu'il faudra régulièrement faire d'ailleurs, avec un suivi, etc. Et il dit qu'il faudra un budget annuel dans chaque État, avec des programmes internationaux, programmes mondiaux, pour s'assurer du suivi de tout ça. Ça aura un coût, il dit, ça va peut-être pas coûter autant que le budget de la défense, pas autant que le budget de l'armée dans un pays, mais pas loin, on sera pas loin, on sera pas très très loin. Et donc il est très enthousiaste dans tout ça, et il dit, le coût économique finalement, c'est pas très important dans tout ça. La crise économique, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est de vacciner les gens. Alors, moi, je pense que ça permet quand même de se forger une opinion sur ce que veulent ces gens. Puis alors, un peu plus anecdotique, en complément, une déclaration de Jacques Attali. Alors Jacques Attali, hier et aujourd'hui, a fait deux déclarations. Voici ce qu'il a dit sur Twitter. Réalise-t-on que, sans vaccins et médicaments, il faudra produire mondialement, chaque année, environ 1500 milliards de masques, 50 milliards de tests, 10 millions de respirateurs, et tant d'autres outils numériques pour la santé et l'éducation. Qui est à la hauteur de cet enjeu? Et il ajoute, dans un autre tweet, « Pas de fin du confinement, sans médicaments et vaccins. Les évidences commencent à s'imposer. » Et là, il cite CNN, qui est une propriété de Ted Turner, qui est un milliardaire américain très connu, qui par ailleurs est proche de George Soros et aussi du docteur Anthony Fauci, qui est en charge de la réponse à la Maison-Blanche pour cette pandémie, épidémie. Alors messieurs, bon, Jacques Attali se fait un petit peu le chantre à son niveau des grands projets qui se dessinent. On va vers une vaccination mondiale, obligatoire, hein, ça va sans dire, financée par les contribuables, qui sera commandée auprès de grandes sociétés privées où les mêmes oligarques ont les mains jusqu'au coude. Qu'est-ce que ça vous... Voilà, est-ce que vous auriez quelque chose à dire là sur tout ça? Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin, je crois. Donc, ça, pas c'est pour comme l'instant. Le sida. On va nous inciter à faire peut-être déjà des dons. Ensuite, il va y avoir des festivals avec des gens qui vont dire avec leur guitare, il faut donner des sous. Alors, on peut pas faire festival parce qu'il faut pas que les gens se rassemblent. Donc, ça va être à la maison. Ouais, mais il y aura quand même des trucs. Quand même, hein. Oui, ça sent quand même l'encul, quoi, hein. De loin. Ces histoires de vaccins obligatoires, prévus, on nous dit qu'avant qu'il y ait le vaccin, il faudra rester confiné chez soi. Donc c'est ce qui est un petit peu. Oui, tu peux pas sortir si t'es pas vacciné. Hein, tu peux pas sortir. Hein, ouais. Ça devrait mettre la puce à l'oreille. Qu'on soit bon. Je suis pas forcément versé dans les trucs puce dans le cul et compagnie, complot, etc. quoi. Mais bon, quand des gens commencent à me dire oui, il faut rester chez soi avant qu'il y ait du vaccin, ben ça rentre dans une oreille, puis ça fait son petit chemin. Donc j'attends avant d'en savoir plus, mais voilà, c'est quelque chose que je prends en considération. Je ne conclue pas. Sur ce que ça peut donner, sur ce que ça va donner maintenant, à l'instant T, parce que j'en sais rien, mais je garde ça dans un coin de la tête. Alors j'ai lu aussi que les services de renseignement sont très inquiets, parce qu'ils ont vu toute une série d'appels sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, etc., utiliser le déconfinement à la première opportunité pour passer à l'action. Et ils ont vu ça à la fois à l'extrême gauche, à l'extrême droite, un petit peu partout. Et ils sont très inquiets. Donc le déconfinement n'est pas vraiment une option qui séduit particulièrement le pouvoir en ce moment. C'est pas vraiment quelque chose qui de prime abord les intéresse tellement. Bon, il y a la pression économique qui est très forte. Mais j'ai l'impression que là, je parle uniquement au niveau franco-français, hein. Je parle pas au niveau global, mais là, on a un Macron, des pouvoirs publics qui sont pris un petit peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que si on dit aux gens « vous pouvez sortir ben, », les mecs qui seront au chômage, les mecs qui auront perdu leur entreprise, les types qui sont enragés parce que éventuellement ils en ont marre d'être gouvernés par des branleurs, etc., bon, qui veulent se déchaîner, il faut pas se mentir, ils vont le faire. Hein, bon, ils vont faire d'abord une première fois la fête, hein, à peu près, hein, pendant un bon week-end, ils vont tous se beurrer la gueule, et puis un peu après, ils vont s'énerver. Et ça, les pouvoirs publics le savent. Donc, il n'y a pas vraiment de caractère incitatif à la levée en fait, du confinement au sens où on l'entendrait. Parce que je crois que les Français, aujourd'hui, quand on leur parle de lever le confinement, même progressif, ils se disent « on va revenir à ce qu'on a connu ». C'est-à-dire, on revient il y a un mois. C'est, voilà, je sors, je vais à la plage, je vais en vacances, je vais au supermarché, je m'arrête fumer une clope au bistrot, enfin voilà, je fais ce que je veux, quoi. Je suis pas devin, mais ça ne me semble pas être tout à fait l'option retenue par le pouvoir. Je crois pas que ce soit ce qui soit retenu par le pouvoir. Pour moi, le mot déconfinement veut dire vous pouvez aller retourner bosser. Mais ça veut pas dire vous pouvez aller retourner. Vous pouvez retourner au restaurant, vous pouvez aller vous éclater avec votre copine où vous voulez, vous pouvez traverser la moitié de la France pour aller à la plage. Ça me paraît pas être au programme. En l'état, hein. Je sais pas si je me gourre, mais j'ai pas l'impression. Bon, peut-être qu'ils jouent la montre en se disant si on pousse jusqu'à mi-juin, en donnant des vacances à tout le monde, ils iront peut-être tous ces connards iront peut-être à la plage, ils nous foutront la paix. S'ils les donnent les vacances, hein, on n'en est pas certain. Oui, parce qu'il y a le MEDEF qui dit ouais, quand même, les congés payés, c'est pas, enfin, tu dis quand même un peuple qui est connu pour être quand même un peuple de bons vivants. Voilà, vous allez bosser, finalement, le confinement, là, ce sera vos vacances, même si vous ne pouvez rien faire. Ah oui, ça arrive, une ça. Fois que vous serez, une fois que vous serez déconfiné, il va falloir aller au turbin pour, Pour le pays, pour la patrie. Oui, enfin, pour réparer nos conneries, quoi, hein, plus ou moins. Bah, les conneries des politiciens, bien sûr, exactement. Fatalement. Si tu veux, je pense pas que les Français, même avec... Le nombre de PNJ qu'il y a dans la population, je pense pas que les Français vont se laisser faire. Alors oui, bosser pour rien, non. Alors même le dernier des PNJ, il n'est pas client. Non, ça c'est vrai. Hein. On lui dit, c'est pour la République et tout, tu vas bosser. Ouais, mais tu peux leur dire, c'est pour la solidarité, c'est pour les vieux. Ça, à la limite, tu vois, ça peut le faire. Mais bon, parce qu'il faut pas croire, hein. Il y a des gens qui continuent de bosser. Et ces gens-là, plus de ça, on les emmerde. C'est-à-dire qu'ils vont bosser. En plus de ça, vu qu'ils se retrouvent en sous-effectif, pour la plupart d'entre eux, ils bossent énormément. Et ils se font contrôler. Et on leur dit, là, tu vois, il faut que tu fasses ton trajet domicile-travail. Et si tu fais une petite pause de quelques minutes pour aller te promener en forêt ou pour aller chercher un croissant, si tu n'as pas ton justificatif, tu vas te prendre 130 euros d'amende. Mais attends... Les gens mémorisent tout ça. Hein, ils sont en train de créer du ressentiment. Et moi, j'observe beaucoup de gens parler, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ou même des écolos, ou peu importe. Énormément de gens sentent que, une fois que le déconfinement va arriver, il va y avoir une énorme fenêtre d'opportunité pour faire passer leurs idées. Donc, je pense qu'au plan politique, ça va secouer parce que tout le monde va avoir son mot à dire. Tout le monde va avoir raison depuis 10 ans et va vouloir faire passer ses idées en avant. Moi, je pense que surtout qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir devenir très violents. Je vois ça arriver. Là, c'est peut-être moi qui... Je sais pas. Mais j'ai quand même le sentiment, parce que là, on n'est pas partant calme, il faut bien comprendre, je sais que c'est ancré dans nos... Parce qu'on s'exprime sur la base de notre expérience, de notre vécu. Donc on a tendance à se dire que ce qui va se passer dans quelques semaines ou dans quelques mois va ressembler peu ou prou à ce qu'on a connu dans le passé. Or non, parce que ce qu'on vit est par définition inédit. C'est encore plus vrai en ce moment, je veux dire, vu les conditions économiques. Donc tous les mecs qui ont perdu leur boîte, ou en passe d'eux, tous les salariés qui sont virés et qui pourront pas dire mon patron est un fils de pute. Il m'a saqué. Non. Parce que les salariés sauront que le patron ne pouvait pas. Les mecs vont se retourner vers quelqu'un. Ils vont fatalement se retourner vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit morfler. Il y a quelqu'un qui doit payer, c'est sûr. C'est psychologique ce que je dis. Donc les mecs vont vouloir, pour le coup, selon la tradition hébraïque, un bouc émissaire, et ça va être la fuite généralisée. Ça va être la fuite généralisée. Il n'y aura pas un client. Il n'y aura pas un client. Et il y a Macron qui est au milieu, là, vous voyez? Parce que Macron, il est avec sa gueule d'agneau, là. C'est un peu le client idéal, faut bien dire. Moi, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est la barbe de Philippe. Tu la vois blanchir, tu vois le mouton qui est en train de stresser parce qu'il. Ça tombe bien, c'est bientôt le ramadan. L'heure de la bague arrive. Tiens, d'ailleurs, dans la région de Nantes. Le mouton pelé qui est en train de stresser. Dans la région de Nantes, on 130 moutons ont disparu dans les campagnes. Allez savoir pourquoi. Des Français. Oui, des Français. Alors oui, alors l'agneau pascal n'a pas été. Pas encore été. Non. Non, mais. Pas de l'Holocauste. L'agneau pascal va être. Bon, effectivement. Pas d'immolation. Ramadan, il sera là. Non, mais écoutez, je veux dire, c'est fatal que quelqu'un va devoir manger. Macron, là, demain, il va commencer à poser son jeu. Il commence déjà, bon, en fait. Mais. J'ai rien vu, j'ai rien fait. Il va essayer de se faire passer pour un saint. Là. Mais en même temps, il y a deux choses. En même temps, c'est pas lui qui est vraiment à l'origine du problème. Enfin, il y a contribué, mais enfin, je veux dire, c'est pas. Mais en même temps, quand tu veux être président de la République, j'ai envie de dire, c'est comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le mec était client quand même. Donc, je veux dire, peu importe ce qui lui tombe sur la gueule, il l'a pas volé, je veux dire. Ça, c'est une chose. Mais, ça va être une magnifique fuite. Je veux dire, il va y avoir des bateaux qui vont partir de Bordeaux, où ça va parler yiddish à tous les étages. Ça va être magnifique. Il y a des types qui vont quitter la France pour ne plus jamais y revenir. Peut-être certains députés français, d'ailleurs. Mais c'est clair qu'il va y avoir une atmosphère de règlement de compte. Mais pas une atmosphère façon sans contaminer. Hein. Pour le coup, ça va être sous le coup de la... Enfin, imaginez, quoi. Les boîtes vont fermer, les mecs sont... Voilà. T'as des types, ils auront mis 20 ans dans leur boîte et tout. Il n'y a plus rien, leur vie est foutue, leurs femmes les plaquent. Et les mecs, bon, ils n'ont plus rien à perdre, plus rien. Ils vont être où? Ils vont être dans la rue, ils vont être. Et il va falloir un peu plus que quelques CRS pour contrôler tout ça. Hein. L'information à laquelle Gandalf faisait référence, c'est une note des services de renseignement du 7, 8 et 9 avril relayée par le magazine Le Parisien. En fait, donc Le Parisien a obtenu ces notes. Et donc, effectivement, le gouvernement se chie dessus parce qu'il a peur que les citoyens, et surtout des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite, commettent des violences, surfent sur la vague de mécontentement. Et bah renverse le pouvoir tout simplement quoi. À juste titre, hein, je pense que c'est un risque très présent, oui, tout à fait. Ah oh bah ce serait tellement dommage que cette république juive soit renversée, hein, franchement, hein. Oh là là, non, ça serait. On pleurerait. Qu'est-ce que vous voulez me dire de tout ça là, Là, je suis carrément dans l'après confinement. Là, on oublie les trucs, les machins. Oui, mais juin, juillet. Pff. Non, après, je veux dire, après. Tout, sauf le statu quo. Donc, pour moi, si ça bouge un peu politiquement, même beaucoup, même si ça vient un peu l'extrême gauche, je prends. Je suis d'accord. Notre opinion, notre avis là-dessus, sur la suite. Ouais, écoute, moi, je suis pas contre certains sacrifices symboliques. Hein. Bon, on désigne certains boucs émissaires. Bon, dire si l'ensemble de la population s'en trouve sauvée, bon bah le retour à certains boucs émissaires ne me dérange pas, c'est un choix qu'il faut faire, il faut être rationnel. De temps en temps, il faut purger les corps malades pour sauver le reste du corps social, pourquoi pas. On peut rappeler la République à ses traditions, après tout, elle est fondée sur la décapitation d'un monarque, hein. Exactement. Je veux dire, non, c'est pas nous qui l'avons voulu, c'est eux qui l'ont voulu. Ils ont fondé leur régime là-dessus. Bon, voilà, ce sont des fondations assez précaires, ma foi. Mais bon, je veux dire, c'est eux qui ont fait ce choix, je sais pas. Pour avoir des surprises. Enfin, vu l'état de la France hein, aujourd'hui, hein, à côté, la France de 1789 est particulièrement stable. Hein. Je veux dire, quand on regarde ce qui existe aujourd'hui en France. C'est... Voilà. Donc je comprends la crainte des services de renseignement. Je la comprends, je la partage. Ouais, enfin, en même temps, enfin, t'as pas besoin d'être à la tête d'un Non. service de renseignement Non. pour Pour savoir. supposer ça, hein. C'est sûr. Bon. Non, mais il doit lui donner au père Macron et puis à ses collaborateurs, dirais-je ses acolytes, toutes les statistiques, les études d'opinion, les trucs, les incidents, tu vois, je veux dire. Il doit avoir toutes les informations qu'ils doivent leur donner, quelques sueurs froides, et à Ouais, raison. disons que ça tranche avec les opinions favorables enfin, du gouvernement, hein, les opinions favorables, enfin, la cote de popularité de Macron et ses sbires est en train de monter, c'est curieux, c'est très curieux. C'est comme la Non, mer non, non, rouge par qui se contre, je coupe en pense deux. que la plupart des gens sont des PNJ, donc je suis pas étonné que la cote de popularité remonte parce que les gens ils sont très heureux, ils perdent leur liberté, ils applaudissent tous les soirs à 20 h. Enfin, Mais les vieux, c'est pas hein, grave. les vieux applaudissent. C'est pas grave, je veux dire, les changements de régime, ils s'opèrent toujours par des minorités agissantes. Donc Oui, c'est pas c'est grave, vrai. la masse suit, donc pas de problème. Si demain je prends le pouvoir comme ça avec Gandalf, la masse suivra quand même. Il n'y a pas de souci en fait, peu importe le pouvoir en question. Hein. Allez, événement Facebook, apéro à l'Élysée, le 15 mai. Non, le 8 mai, c'est mieux, c'est symbolique. Petite vengeance personnelle, tu Ouais, j'allais le dire, petite vengeance. Sale juif. Tout à fait. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis bah, à la semaine prochaine, du coup. À la semaine À la semaine prochaine. prochaine. Pour une émission spéciale, à la semaine prochaine. Spécial, Ah, spécial, teaser. spécial, teaser. À la semaine prochaine.